Finlande, Espagne et France, évidemment. Et dans d'autres pays, ça continue de cartonner. Numéro 1, encore une fois, de l'Eurodance 25 ce soir. Le DJ découvert sur Fun Radio, Avicii avec Wake Me Up en deuxième, Daft Punk en troisième, Major Lazer, Armin van Buuren, Robin Thicke. Voilà le top 5 de ce soir, évidemment. Et le prochain classement, ça sera dimanche prochain entre 18h et 20h. Comment va, monsieur Mikael? Mais ma foi, plutôt bien. Si on n'avait pas coupé mon micro, ça irait beaucoup mieux. Je disais donc que ça va plutôt bien. Je t'ai surpris. Mais écoute, j'allais bien te laisser dans la verve. Hein. Ah, je vois ça. Bon, qu'est-ce qui se passe de beau avant minuit? Eh ben, plein de choses, hein. Plein de cadeaux, plein de Twitter, retour des vacances, là, forcément. Donc oui, là, c'est oui, demain. Oui. Et bah, 1er septembre aujourd'hui, hein. Sale date pourrie, ça, le 1er septembre. Non, non, arrête. Ah, quand on est au bahut, forcément, ça fout le c'est glauque, quoi. 4 heures de taf, hein. Eh ben, 4 heures, ouais, 20h minuit, là, dorénavant. Effectivement, ouais, t'as fait. Ouais, bon courage à toi. Eh ben, exactement. Et puis après, bah, Miko, le retour. Avec la rediff de l'Eurodance 25 qui sera nouveau là pour ceux qui ont raté, non? Non, parti fun, tout à l'heure, Mickey Romero et Dim Chris, moi j'allais manger. Ça marche. Bon, ben bon app alors. Hein. Merci. Allez, on est parti là jusqu'à minuit sur Fun. 20h minuit. Mikael. Comme ta gueule, les colas. No limit. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio là. Bonsoir tout le monde. Et ben bonsoir. Ça fait plaisir de vous retrouver hein, ce soir. Et oui. Deux jours sans vous, c'était long, c'est vrai effectivement, mais ce soir on est ensemble jusqu'à minuit. Enfin, je dis c'était long. Alors c'était long effectivement, mais pas vraiment pour comment il s'appelait encore, je l'ai oublié celui-là. Wiz Antoine que j'ai éclaté à FIFA ce week-end, hein, parce qu'on a joué, j'ai joué en ligne avec les auditeurs. Donc encore une victoire. Certes, il me menait de 2-0 en première partie, mais j'en ai quand même mis 3 dans la partie suivante, dans la mi-temps suivante. Donc voilà. Donc si vous voulez vous aussi m'affronter sur FIFA 13 sur iPhone, je précise c'est sur iPhone, alors me dites pas ouais mais c'est mieux sur PS3, c'est mieux sur Xbox. Je me vois mal me balader avec mon écran plat avec la PS3 et un générateur pour jouer en rue, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas moderne comme mec. Ouais, je sais, donc c'est pour ça que c'est sur iPhone. Je suis désolé les gars, hein, va falloir faire avec. Non, vraiment je suis confus, voilà. Mais bon, si vous voulez jouer avec moi, donc hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous venez me rejoindre tout simplement sur le Facebook de l'émission. Ça se passe dès maintenant. Voilà, bonne chance tout le monde. Vous tapez Mikael No Limit pour venir nous rejoindre, il n'y a pas de problème. Bon, et puis si vous n'étiez pas là dimanche, alors on a changé d'horaire, hein. 20h minuit maintenant. Alors si vous venez de nous découvrir, bah, soyez les bienvenus. Moi c'est Mikael, au standard il y a celle qui décroche le téléphone sans les mains, sans cerveau également, c'est Sandro qui est là d'ailleurs, hein, jusqu'à minuit. Ça va bien? Oui, ça va. Bon, le week-end fut bon? Très bon. Je sais pas, je suis en train de parler au téléphone, je peux pas être partout. J'ai dormi tout le week-end. Bah écoute, tant mieux, très bien, voilà. Bah, il y en a d'autres à mon avis qui ont roupillé tout le week-end. Bon, donc 01 42 48 5000, ça si vous voulez nous joindre, allez-y. Le numéro fonctionne également pour la Belgique, 02 851 4x0, pour passer l'antenne avec nous et parler de ce que vous voulez. C'est le concept de l'émission, prenez le contrôle jusqu'à minuit. À mes côtés il y a aussi le roi de l'imitation. Tout le monde s'attend à ce que ce soit l'imitation de quelqu'un, etc. Non, le roi de l'imitation. Bon, bah à votre avis, qu'est-ce qu'il a voulu imiter? Bah alors, pour ceux qui voient pas, je le remets, hein, pour être sûr. Alors attendez, qu'est-ce qu'il a voulu imiter à votre avis? Voilà, donc. Oh, le mec qui fait ça est vraiment intonné. Hein. Ah ouais, c'est Toff, hein, qui nous a fait découvrir justement ce talent hors du commun. Celui qui a un don pour faire justement cette imitation de scooter. Hein. Ah, c'est oui, c'est un scooter, hein, enfin mobilette quoi, voilà, c'est ça. Donc il fait comme si c'était pas lui. Ah ouais, c'est ça. Ah bon, c'était pas, ça, tiens. Ouais. De quoi il parle, c'est bizarre. Et bizarre. Ouais. Et puis encore un autre talent, décidément, il y a excellent cette émission. Ouais. Un talent hors du commun, évidemment, c'est celui qui en a un vrai pour le pipo. Ouais. J'ai nommé Polo, petit coup de pipo pour dire attends, bonjour. Je sors de son étui. Très bien. Et on y va. Allez, 3, 4. Voilà, ce sera donc tout à l'heure, évidemment, en termes de pipo. Évidemment, si vous avez un son, vous voulez que Polo vous le refasse en version pipo, il suffit de demander, n'hésitez pas. Ce soir, on va aussi se refaire le cocu de la semaine dernière, là, le chéri, je peux te faire cocu. Si vous n'étiez pas là lundi, bah, vous avez certainement manqué l'hystérique. Tu vas revenir, je vais te péter ta gueule, je vais te préparer tes affaires et tu vas dégager. Tu vas mettre tes parents et puis là, tu fais comme une connasse et j'entends une grosse pute en train de parler derrière toi et en plus, elle prend le téléphone. Mais c'est qui ça? Voilà, donc à la fin, après 10 secondes de conversation, de monologue, où elle était quand même relativement bien énervée, c'est bon, c'est terminé. terminé, ça va. Elle s'était calmée, direction du côté de Liège. Voilà. Bon, et puis si vous voulez participer demain, d'ailleurs, on va en refaire un. Hein, n'hésitez pas, il y a des PS3 aussi à gagner. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On parlera forcément de la rentrée. Bah, venez nous dire comment ça va se passer justement chez vous. Hein. Je vais vous mettre la vidéo aussi d'un mec pour qui ça se passe pas trop bien, on dirait. Enfin bon, bref, on en parlera évidemment tout à l'heure. Mais en attendant, direction le standard. Et nous accueillons avec nous Cédric qui est avec nous. Salut Cédric, t'appelles pourquoi? Bonsoir, bien, je vous ai parlé des phobies. Des quoi? Des phobies. Des phobies, d'accord, ok, très bien, on va en parler. Ouais. Tiens, est-ce que t'as une idée de qu'est-ce qu'il essaye d'imiter là, Toff là? Une idée ou pas, Cédric? C'est pas un ado qui chiale? À quoi? Un ado qui pleure, non? Un ado qui chiale, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, c'est pas ça, Cédric. Attends, je vais le remettre pour Julien qui est avec nous. Bouge pas, Céd. Ouais, c'est off. Bouge pas, on va parler avec toi des phobies là dans un instant. Il y aura Julien également là de Marseille. Salut Julien le Marseillais, comment il va? Ça va très bien aussi. Bon bah tant mieux, par contre ton téléphone va beaucoup moins bien le Marseillais a priori. Hein. Ah merde. Ouais, ça coupe un petit peu, c'est pas grave. Bon, on va parler de quoi avec toi dans un instant, Julien, dis-moi. Ben, je me fais la merde d'un pote en fait. Comment? Je comprends pas ce que tu me dis. Tu me dis? Je me fais la merde d'un pote depuis près d'un an en fait. Ah d'accord, ok. Très bien, oui effectivement, on va en parler. Bouge pas de là, Julien. Tu vas suivre le match ce soir ou pas, la Marseille-Monaco là? Non. Non, très bien, ben, on va le suivre aussi hein, pour ceux qui n'ont pas forcément la télé là. N'hésitez pas, on vous donnera ce qui se passe. S'il y a des trucs qui se passent, on vous tiendra au jeu en tout cas. Julien, t'as une idée de ce qu'il essaye d'imiter là, Toff? Quelle horreur. Voilà, donc est-ce que t'as une idée de ce qu'il essaye d'imiter? Je vois pas du tout qu'il y a un mec qui fait ça. Une chèvre. Non mais même lui je crois qu'il savait pas ce qu'il imitait. Ah non mais là je pense que là comment t'expliquer que la chèvre c'est quand même pas mal. Bon attends, réessaye pour voir. Voilà, je pense qu'il fallait un moment l'achever. J'ai décidé de l'achever, c'était mieux pour lui, pour sa famille. Je vais mettre ça en pour tout le monde. Pour mon téléphone, sur mon iPhone. Quand tu reçois SMS. Ah, quand je t'en Bon Julien, on en parle tout à l'heure, la bouge pas de là. Et puis on a aussi du son bien sûr, avec tout à l'heure le son de Gillo qui va arriver. J'aurai le son de Jennifer Lopez, je vous calerai aussi Tapo et Raya. Que vous avez peut-être entendu hein, pendant vos vacances là. Voilà, je vous calerai aussi Robin Thicke. Comment? C'est un coquin. Ouais, on en parlera tout à l'heure. L'autre, il est bien, il se met bien, Robin Thicke, là. On en parlera tout à l'heure, restez là. Disons qu'il a les mains où il faut, quoi. Bien placé. Le placement est très très bien. On écoutera aussi Stromae. Stromae, Papa Outé. Et puis attention, le coup de cœur de jeudi dernier, là, souvenez-vous, pour ceux qui n'étaient pas là, on vous avait fait découvrir le son de Showtech. Avec Bouya. Alors on l'avait mis d'ailleurs deux fois je crois ou trois fois, je sais plus trois combien. Fois. Trois fois on l'avait mis. Ah oui c'est bon, on l'avait mis trois fois le son de Showtech avec Bouya, c'était jeudi soir. Bon on le remettra ce soir, on va l'écouter. Si vous voulez l'entendre plusieurs fois, n'hésitez pas, hashtag et Mickaël évidemment. On salue ceux qui sont connectés là ce soir. Il y a Jason, il y a Naïs, il y a Clara, il y a Mathilde, il y a Eric, il y a Nicolas, etc. etc. etc. Soyez les bienvenus en tout cas. Et puis Nicolas qui dit c'est parti pour Mickaël No Limit, on va pouvoir se brancher les perfusions de rire et les délires. Et puis Eric qui dit aussi c'est parti pour passer un bon dimanche soir à la cool avec toute la team. Soyez les bienvenus en tout cas, merci à vous d'être là tous les soirs et tous les dimanches soirs hein, depuis la semaine dernière, 20h minuit sur Fun Radio. Il y a Ibrahim qui est avec nous également, ça va Ibrahim? Ibrahim? Ibrahim? Ibrahim? Allô Ibrahim? Est-ce que tu es là Ibrahim? On voulait parler de l'école là Ibrahim, à mon avis je pense qu'il s'est déjà mis une balle. C'est le scooter qui lui a fait peur. Ouais peut-être, oui. Attends je vais rester, peut-être que ça va le faire venir, attends un second. Voilà, bon Ibrahim. Bon, on va essayer de le rappeler, Ibrahim, c'est pas grave. On va le rappeler dans un instant. On voulait parler de l'école parce que lui, apparemment, il était content de rentrer en cours. Donc, on va. C'est rare, ça. Bah, c'est plutôt rare, ouais. Donc, on va faire un tour du côté de tout le monde dans un instant. Est-ce que vous êtes plutôt content, plutôt pas content? Est-ce que vous êtes plutôt en mode déprime ou pas? Puisque c'est aujourd'hui le 1er septembre et le 1er septembre est toujours une date de merde. Ouais. Puisque ça veut dire que c'est la fin des grandes vacances, en fait, tout simplement. Et donc, forcément, il reste plus que. Un mois avant les prochaines vacances, quoi. Moi, j'aime bien parce que comme je rentre plus, là. Ouais, pour le coup, ouais. Pour le coup, c'est plus pratique, effectivement. Bon, et puis j'aurai des cadeaux aussi à vous offrir ce soir. Il y a du lourd ce soir. Alors, attention, j'ai des iPods Nano à vous filer aussi sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. J'aurai des PS3 également à vous offrir dans les différents jeux, hein, si vous voulez avec avec nous, jouer avec nous, notamment avec la colle. Et puis j'aurai aussi, et ça c'est plutôt cool, des stages. Stage de pilote de voiture, stage de parapente ou stage de. Si vous voulez devenir top chef, là, si vous voulez devenir cuistot, là, je vous offre aussi des stages de cuisine. Voilà. Excellent. Allez, plutôt pas mal, effectivement. D'ailleurs, on donnera ça à Sandro, un coup de stage de cuisine pour qu'elle ait, pour qu'elle essaye un peu de faire à bouffer pour l'émission. Parce que comment vous expliquer que. Comment vous expliquer que c'est compliqué? Je mange des sandwichs saucissons. Voilà, des trucs super bons, quoi. Super bons. Donc voilà, ça sera gagné tout au long de la soirée sur Fun Radio et tout au long de la semaine. Alors, est-ce qu'Ibrahim est de retour? Allô? Allô? Parfait, Ibrahim. Dis donc, t'as raccroché, ou Ibrahim? Non, moi, je vous entendais. Ah, bon, bah nous, on t'entendait pas, tu vois, c'est bizarre, ça. Il bon, c'est pas grave. Eh, hey, Ibrahim, 14, il a 14. Ah, t'appelles du 9-5, Ibrahim, c'est ça? Ouais. Bon, est-ce ouais. que tu sais ce qu'il essaye d'imiter, la teuf? Mais... Oui, un scooter. Eh oui, un scooter, effectivement, ouais. Ce qui est assez surréaliste, c'est que tu t'en sois rendu compte. Eh ben voilà, c'est pas mal, le scooter évidemment de Toff qui faisait plus mal aux oreilles qu'autre chose, hein, Ibrahim. Ouais. Ouais, plutôt, effectivement. Bon, Ibrahim, on va parler de quoi là avec le retour à l'école là? T'es plutôt en mode content ou en mode pas content du tout? En fait, les deux. Ah, les deux, d'accord, ok. Ouais. Bon, bah écoute, tu vas nous raconter ça dans un instant, Ibrahim. D'accord. T'as passé un bon week-end aussi, dis-moi? Non. Non. Très bien. Bon, bah écoute, on en parle dans un instant, là, bouge pas de là, Ibrahim. Bon, les autres, allez, venez nous en parler justement, comment ça se passe chez vous, là, le retour à l'école. Ça c'est bien, ça s'est mal passé. Venez nous parler, 01 42 48 5000, 02 851 4x0. Enfin, je dis ça c'est bien ou ça s'est mal passé, alors que ça arrive demain, voire dans la semaine pour certains d'entre vous. Mais plutôt l'état d'esprit, en fait, c'est ça que je voulais dire. Voilà, donc venez nous en parler, donc n'hésitez pas. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Unreachable qui dit non, on est le 32 août, pas le 1er septembre, on peut voir ça comme ça, ouais. Et Pauline qui dit super le vroom de Toff, là les scooters devraient avoir ce bruit pour faire chier les gens dans la rue. C'est parti pour une soirée unique avec Mickaël. Effectivement, ouais. Quelle horreur, mais comment est-ce qu'on peut sortir ça d'une bouche? C'est un truc de ouf. Moi-même, bon, je me demande. Bah, c'est ça, hein, je confirme. Bon, allez, restez sur Fun Radio, là, c'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à minuit, 20h minuit. Prévenez vos potes et puis bah, venez également nous rejoindre sur le Twitter et sur l'Instagram. Vous tapez Mickaël officiel et puis je vous cale aussi dans un instant le son de Jennifer Lopez. Gilo arrive dans un instant sur Fun Radio, ça sera Live It Up. Bonne soirée tout le monde. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël No Limit sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio, en direct dans toute la France. 01 42 48 5000. Allez balancer tous vos messages maintenant sur Fun Radio. Venez parler également de ce que vous voulez, hein. C'est le principe de l'émission. Vous venez, vous prenez le contrôle. Il y a Sandro qui vous attend donc au standard. 01 42 48 5000. On va parler de la rentrée évidemment. Ça se passe demain. Il y en a qui sont déprimés, il y en a qui sont contents. Donc on va en parler dans un instant. Il y a également Nicolas qui dit pour l'imitation foireuse de Toff, j'hésite entre l'aspirateur qui marche très mal et une meuf qui chante très mal. Ouais, c'est un peu ça, effectivement, c'est un peu des deux. Et puis Juju qui dit, moi, le retour à la fac, ça me stresse. Ah bah oui, effectivement, j'imagine. Venez, en tout cas, si vous voulez, hein, parler avec nous, vous êtes les bienvenus. Vous tapez Twitter, vous tapez Mickaël officiel pour venir m'ajouter sur Twitter. Et si vous m'ajoutez, bah, je vous ajouterai également. Ça, c'est cool. Voilà, vous me faites un follow, je vous fais un follow back. À vous de jouer dès maintenant sur Fun Radio, là, Mickaël officiel sur Twitter. Je vous attends avec impatience. Et puis, on va se faire maintenant le son de Jennifer Lopez sur Fun Radio, Gio et Pitbull, qu'on écoute tout de suite en direct dans toute la France. Bon retour également à ceux qui sont sur la route là. C'est Live It Up qu'on écoute tout de suite. Mickaël No Limit, 20h minuit tous les dimanches sur Fun. C'est Fun Radio, bonne soirée tout le monde, là 20h minuit, on est ensemble, c'est Mickaël No Limit tous les soirs sur Fun Radio, le dimanche de 20h à minuit et du lundi au jeudi de 23h à 2h. Un truc à dire, Mickaël, appelez Mickaël, No Limit, 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Ouais, si vous voulez parler avec nous, n'hésitez pas, et puis si vous voulez, je vous remets le son d'imitation de Toff là. Mais... Vas-y. Mais quelle horreur, mais comment est-ce possible d'avoir d'émettre un son pareil? C'est ça qui est assez exceptionnel. Allez, ceci qui dit, perso je recherche un taf et c'est là que tu aimerais retourner en cours. Ah ouais, c'est plus facile. Et Quentin qui dit quoi, il aime bien revenir à l'école. Pour moi c'est trop la même, c'est pas trop la même chose. En plus cette année j'ai le brevet à passer. Ah bah bon courage à tous ceux-là, hein. Et oui, ça va bien se passer, rassurez-vous. Bon, on accueille maintenant dans un instant Thomas qui sera avec nous. On aura Ibrahim aussi là. Et puis Fred aussi, salut Fred. Ouais, salut à tous, ça va. Hey, comment Comment ça va, Fred? Ouais, tranquille, ça va. Bon, tant mieux. Fred, 22 ans de Lyon, là, on va parler de quoi dans un instant avec toi, dis-moi, là? C'est par rapport au BAHU? Ouais, bah, du coup, moi, ouais, c'est par rapport à BAHU. Moi, je reprends dans un mois, et du coup, je suis content de reprendre après aussi. Ah, bah, très bien, écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et tu reprends, là, tu reprends dans quoi exactement, là? Moi, c'est un deuxième année de bac pro cuisine. Deuxième année, bac pro cuisine. Ah, bah, très bien. Ouais. Une fois que t'auras le bac, là, tu vas pouvoir venir nous faire à bouffer, là. Ah bah y'a pas de soucis, moi vous m'engagez, y'a pas de problème. Non, comment t'expliquer? Tu viens là, on t'invite, tu veux faire à manger, et puis on va être bien quoi. En plus on a une super cuisine hein. Ah ouais, on a une pure cuisine la radio. Ah bah oui bien sûr, attends, elle est full équipée, t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu crois, dis donc? Bon, mais quand t'étais plus jeune, t'étais aussi content ou ça te saoulait toi? Bah après moi ce qui me faisait chier c'était après tout le petit collège, primaire et tout ça. Mais après quand j'ai connu les premières teufs étudiantes et tout ça, c'était mortel quoi. C'est ça, alors que c'est quand même scandaleux, on n'est même pas payé pour aller à l'école quoi. Ouais, c'est ça, mais après quand on commence l'apprentissage, si. Ouais, non mais à ce moment-là ouais, mais enfin au début tu tires un peu la gueule quand même. Chier au départ, ouais. Bah oui, c'est clair. Et attends, il y a Corentin aussi qui est avec nous là. Salut Corentin. Salut à tous, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bon toi 16 ans, toi, Montauban là, comment ça se passe au niveau de la rentrée là? Content ou pas content? Ah ouais, mais là, je suis trop pas content, là, parce que là, c'est toi la rentrée, là. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux, ça va passer, là, dis-toi que ça va pas passer, enfin, ça va passer comme toutes les années, quoi, tu vois. Faut faire avec. Ah ouais. Et si tu pouvais choisir le métier que tu voulais faire plus tard, tu voudrais faire quoi, toi? Plus tard, je sais pas encore. Tu sais pas encore? Et toi, donc Fred, toi, tu veux faire cuisine, c'est ça, hein? Ouais, moi, en fait, je suis en deuxième année pour finir chef de partie de cuisine, en fait. Ah ouais, sympa. Et toi, Ibrahim? Chef de partie. Ouais, chef de partie de cuisine, ouais. Et toi, Ibrahim? Il fera que des fêtes, le mec. Ouais. Ça va? Et toi, tu ferais quoi comme boulot plus tard? Moi, j'en ai plusieurs. Ah, vas-y, dis-nous. Mais j'hésite, quoi. Bah, t'hésites entre quoi et quoi, dis-moi? Mangaka. Comment? Hein? Mangaka. Qu'est-ce que c'est que ça? Du caca, tu veux en me fait, faire caca? En fait, c'est créateur de manga. Ouais, il fait des mangas. Ah, d'accord. Tu es créateur de caca? Ouais, là tout de suite c'est évidemment mieux, ouais. Et alors, je le faisais déjà très bien, hein, j'ai pas. Ah oui. Et il a pas de diplôme pourtant, Tof, hein. Ouais. Bon, et donc du coup, donc soit ça, soit quoi? Soit cuisinier. Ah bah très bien, tiens, ça sera comme Fred. Non, je vous posais la question en fait parce que on est tombé sur un sondage en fait qui a été fait en Angleterre, et selon lui donc le top chez les garçons c'est joueur de foot, forcément vu ce que ça rapporte. Ensuite il y a pilote de ligne, donc les avions tout ça, et puis super-héros. Alors super-héros c'est compliqué parce que c'est pas vraiment un métier, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, mais ça a l'air pas mal. Mais ouais, tu peux être pas mal, un super-héros mais... dans la vie de tous les jours. Oui, c'est vrai. Alors que les filles sont plus terre à terre évidemment, parce qu'elles veulent être d'abord institutrices. Ouais, voilà. Institutrice, vétérinaire, ouais. Et en dernier, star de la pop. Elles veulent devenir Britney Spears. Voilà, elles veulent devenir Britney Spears. Voilà. Donc venez nous dire, vous, quel est votre rêve? Si vous ne faisiez pas le boulot que vous faites aujourd'hui, ou au contraire, si vous n'avez pas encore de boulot, qu'est-ce que ce serait votre métier de rêve? Sandro, tu ferais quoi, toi? Alors, petite, je voulais être institutrice. Ah ben voilà, si on tombe pile poil dans le sondage, là. Et mon rêve, c'était d'être danseuse. Danseuse? Ouais. D'accord. Puis j'ai rêvé d'être chanteuse aussi, comme tout le monde, je pense. Ouais, bah oui, comme tout le monde. Ouais. Mais ouais, je voulais être danseuse. Ouais, mais pour le bien de tout le monde, tu n'as jamais été chanteuse et. Bah, chanteuse, oui, de toute façon. Et ça, c'est plutôt chante, positif. Heureusement, mais ouais. J'aurais jamais réussi. T'auras fait un duo avec Tof, tiens. Ça aurait été pas mal. Et Tof, est-ce que t'aurais fait un vrai métier si t'avais pas fait celui-ci? Bah, j'aurais voulu être mobilette au départ, mais bon, a priori ça passe pas bien. C'est ça, et donc tu refais quoi? Je voulais être James Bond à un moment aussi, mais ça a pas bien. Ouais, mais t'as pas la gueule, hein. t'as pas la gueule, t'as pas l'allure, Et surtout pas le corps, et les muscles. Et le style, t'imagines, là? My name is. Merde, j'ai oublié. Bond, James Bond. Tu sais, avec un flag en plastique et tout, l'horreur. Et toi, Apollo? Ah, moi je voulais rien faire. Rien, bah c'est ce que tu fais, quoi. En fait, tu fais ton métier de rêve, quoi, branleur. Mais c'est exactement ça. Non, mais t'as raison. Je suis en plein dans mon rêve. Non, mais c'est bien. Moi, pilote de ligne. Ah, pilote de ligne. Ah, bah bien sûr, évidemment. Moi, on a tous les mêmes. Moi, je suis fan d'aircrash, les avions, tout ça. Donc, ouais, moi, pilote d'avion. C'est pour ça que c'est moi qui fais l'arrêt de l'émission, parce que j'ai une grande console, j'ai plein d'écrans et j'ai l'impression d'être. Il pilote. Ouais, je pilote l'émission, en fait, tout simplement. C'est vrai? Oui, mais c'est ça, voilà. Je préférais piloter un A380, mais. C'est un peu ça avec le bruit du scooter. Ouais, c'est vrai, attends. Je vais fermer les yeux et. Laissez la tour de contrôle. Ah ouais, là je suis dans un avion là. Laissez la tour de contrôle. Alors c'est le crash, laisse tomber. Ouais. Bon, moi, bah dites-nous. Ouais, c'est... Bah, tu parles, la hôtesse. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord d'Air Michael. Bon, m'emmerdez pas, Gordy. C'est ça. Je reste dans le fond si vous voulez quelque chose avec capacité. Voilà, c'est ça. Servez-vous, démerdez-vous. Ouais, c'est ça. Et gardez votre ceinture attachée, ne vous levez pas, surtout. Hein. Il risque d'y avoir des turbulences. S'il vous plaît, n'utilisez pas les toilettes, j'ai pas envie de nettoyer après. Voilà, ouais. Donc dites-nous, vous, votre kiff, ce serait quoi justement en termes de eh ben, de métier, qu'est-ce que vous auriez voulu faire plus tard ou qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, là, dites-nous tout ça. Bah, sur le Facebook, par exemple, hein, y a Jason qui dit, sur le Twitter, pardon, Facebook, je vais être un grand joueur de NBA. Ah, encore un rêve. Let's Be Freaks qui dit, mon métier de rêve, médecin urgentiste et petite, c'était chanteuse. D'accord, pourquoi pas, c'est bien ça aussi. Baba qui dit aussi, la rentrée, c'est bien que pour la première journée, ouais, parce que tu fous rien. Et puis Kylian qui dit, moi, je veux être animateur radio sur Fun. Ah oui, eh, c'est bah, vrai que ça fait rêver aussi. Pourquoi hein, pas, pourquoi métier, pas. Ouais. Non, mais c'est vrai, en même temps, c'est vrai qu'on est bien payé, on fout rien. Bien sûr, c'est classe, quoi. On est bien payé. Enfin, en théorie, en tout cas, oui. En théorie, c'est le cas. En théorie, c'est le cas. Comme tu as pu remarquer, on n'a pas réagi tout de suite. Donc, tu pouvais mettre ça. Je suis bien payé. Non, non. Arrête ton cinéma. Et je te rappelle qu'on gagne la même chose. Arrête ton cinéma. Arrête de faire ton cinéma. C'est ça. L'autre qui va jouer le Calimero là. C'est vrai qu'il te faut plus d'argent pour refaire ça. Tu vois. Mettons-lui un coup de pelle dans la gueule. Oui, exactement. On va lui en mettre un petit coup de pelle. À Michael, ça se fait pas. C'est vrai, c'est vrai. Je suis assez d'accord. Allez. Voilà. Je t'en remets un deuxième. Voilà. Et l'enflamme. Comme ça on est tranquille. Tiens, sac à merde. Voilà. Et Lily aussi sur le Twitter qui dit, je rêverais de travailler à Disneyland Paris. Ah bah écoute, pourquoi pas. Mais par contre, en général, ceux qui en rêvent, une fois qu'ils y bossent, c'est un peu comme McDo et Quick. C'est compliqué parce que ça bosse là-bas hein. Non mais c'est vrai. Dans le sens où c'est à la chaîne et tout. Et tu crois pas que tu vas aller faire les attractions. Tu dis, ah bah j'ai 5 minutes, je vais aller faire un petit truc. Non. Enfin, sauf si t'es une bonne place. Non, si t'as les sinon... attractions gratuites hein. Ouais, non, mais je dis pas le contraire. Mais pas pendant le service. Ah non, voilà, faut c'est ça. Retourner. Eh ouais, exactement. Bon bah du coup, Fred, merci à toi en tout cas. Et puis bonne chance pour la cuisine. Par contre, pour Walt Disney, moi j'ai déjà bossé. Et franchement, Walt c'est Disney. Très là-bas quand même. Tu as bossé pour Walt Disney ou Disney en Paris? Ouais, j'ai bossé un mois là-bas dans le fast-food de Walt Disney. Non, ah, dans le fast-food. Il est décédé. Ouais. Donc t'as bossé dans le fast-food et c'était bien? Ouais, franchement. Et du coup, après, on avait un abonnement gratuit pendant un an à Walt Disney. Et du coup, après, on pouvait y aller quand vous voulez. Oh, sympa. Bon, ben ça va, et c'est du cool. Coup, et puis pour la rentrée, s'il n'y a pas que le premier jour qui est cool, c'est que parce qu'après, tu peux mater sous la jupe de tes profs aussi. Oui, c'est vrai que c'était le passe-temps préféré de Toff, Oui, avec ma prof de maths. Voilà, J'en parle souvent. Après, pour voir si c'est pas la vieille prof d'anglais avec les gros boutons et puis les vieilles trucs. Bah, ça dépend. Après, t'as des profs d'anglais qui peuvent être très mignonnes. Moi, j'en avais une, fut un temps. Elle était plutôt pas mal. C'est dommage qu'elle avait une patate chaude en bouche. Elle venait de Oxford. Et donc, elle parlait avec l'accent de l'Angleterre. Et donc, pas question de parler avec deux, trois trucs, deux, trois expressions américaines, parce que sinon, tu te prenais à zéro. Alors là, la mienne, c'était genre verrue avec les poils dans le nez. Ah, sympa. J'avais la même est tellement grosse pas se lever pendant le cours. Sinon, le prenait la chaise avec, c'est genre, reste accroché. Bon, attends, on lui avait déjà mis des punaises sur la chaise. Hein. Oh là là. Eh, venez nous dire aussi, comme c'est bientôt la rentrée, là, ou alors on en parlera demain, on verra ce que vous avez déjà fait comme pire truc, là aussi, par rapport au prof, là, pour les faire chier. Là. Oh. Bah oui, le pire bah. Ce qu'on a fait, c'était mettre un somnifère dans sa bouteille d'eau, et il a été 3 jours à l'hôpital. Ouais, mais ça, c'est par contre, c'est pas cool. Ça, c'est non, mais autant, les trucs drôles, c'est genre la chaise qui colle, des trucs comme ça. C'est drôle, mais quand t'arrives. Non, mais quand t'arrives à l'hosto et tout, ça, c'est dégueulasse. Perdre du temps, on avait mis un chewing-gum dans la serrure de la classe. Ouais, c'est pas mal. Mais ça je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà, des clés pour trouver une autre classe, machin, tu perds du temps. Et vous voyez, à force de faire ce genre de conneries, vous allez terminer comme Sandra derrière une vitre, là, faire un standard, et voilà. Au final, c'est ça. Ouais. Donc, moralité, ne mettez pas de chewing-gum dans la serrure. Surtout pas. Bon, ben salut Fred, merci à toi d'être passé en tout cas. Ouais, allez, salut. À bientôt, salut à toi. À bientôt. Ciao, bye bye. Et Corentin, donc, qui est avec nous, là, qui veut nous lancer, qui voulait faire un petit défi, c'est ça? Ouais. Ouais, bah alors, sois le bienvenu, Corentin, c'est quoi le défi de ce soir là? Mais c'est un défi là de lever mes parents avec avec des coups de casserole là. Ouais. Non, attends. Attends, c'est quoi? Mais tu frappes pas avec la casserole hein. Non, tu fais du bruit. Non mais. Hein? Tu vas faire du bruit, c'est ça? Ouais. Et tu fais ce défi si quoi? Je dis, tu as proposé de faire ce défi là, mais qu'est-ce qu'il y a en contrepartie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je prenne des casseroles. Ah oui, c'est un bon défi. Non, bah c'est écoute. Parce que t'avais lancé la semaine dernière, si on est en TT ce soir. Ah, d'accord, ok. Ouais, donc si on est en top tweet, et pas tu en veux. En audit TT. Hein. Oui, pas en audit TT, oui. Non, c'est écrit TT. Mais non, mais moi j'y connais rien. Mais oui, c'est top tweet. Mais je veux dire, si tu dis si on est en top tweet, si on est en TT. C'est le principe du top tweet. Top tweet, c'est le plus tweeté. Putain, moi je me voyais déjà en Audi là. Ah ouais, grave, je comptais partir ce soir. Grave. Bon, donc si on est en top tweet, Corentin, là, 16 ans, tu fais ça. Donc casserole, réveil des parents tout à l'heure en fin d'émission. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas mal. Eh ben écoute, nous relevons le défi. J'espère que vous allez suivre hein, tous ceux qui êtes là sur le Twitter ce soir là. Vous tapez hashtag Mickaël, évidemment, je compte sur vous, bien entendu. Bah écoute Corentin, l'annonce est passée et reste plus qu'à croiser les doigts maintenant, hein, d'accord? Ok, je peux passer dédicace hein. Eh ben vas-y, à une seule personne, hein, tu connais le principe. Choisis la bonne. Okay. Dédicace à Gabriel, Alexa. Eh ben il a rien compris. Hein. Là. Corentin. Ouais. À une personne. Non mais je veux passer à plein de personnes là. Only one. Ah, c'est Corentin et Alex, c'est deux, ouais. C'est une seule personne. Faudrait pas un pote de ma gueule. Non, c'est Corentin, et Alex. En fait, c'est son nom de famille, et Alex. Ah, et Alex, d'accord, ok, ouais. Bon, Corentin, allez, j'espère que tu relèveras le défi tout à l'heure, hein, d'accord. Ok. Bon, je compte sur toi. Salut à toi, ciao à toi, Corentin. Et puis on va se faire évidemment maintenant la colle de ce soir avec Théo qui est avec nous de Paris là. Salut Théo. Salut. Comment ça va? Très bien, et toi? Bah écoute, plutôt bien, tranquillement quoi, tranquillement. Bon, alors Théo, nous allons faire la colle. La colle, c'est okay. Pour gagner ce soir. Qu'est-ce qu'on va mettre en jeu ce soir? PlayStation 3. Ah cool. Voilà, PlayStation 3 donc à gagner. Okay. Si, hey, là, mais mec, comment t'expliquer Théo que t'as intérêt à être bon là? Moi? Ah mec, clairement. C'est-à-dire que si tu... alors tu vas faire ta colle. Si personne trouve la bonne réponse... Tu repars avec la PlayStation 3. Ouais, je connais le concept. Ouais, mais c'est juste pour être sûr. Je te mets la pression pour être certain. Et puis évidemment, si quelqu'un trouve la bonne réponse, bah tu repartiras les mains vides. Théo, okay. On t'écoute pour la colle. Fais péter la colle. D'accord. Alors, deux pommes de terre vont se coucher. Le lendemain, que sont-elles devenues? Deux pommes de terre vont se coucher. Le lendemain, que sont-elles devenues? C'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette colle encore en bois? Bon, bah si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer, la PlayStation 3 a gagné. Vous tapez MIKL espace la réponse, vous envoyez ça au 64 900 et pour la Belgique au 63 22. Voilà, quel donc alors je répète. Deux pommes de terre partent se coucher dans leur lit en l'occurrence, c'est ça j'imagine. Que sont-elles devenues le lendemain, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parfait. Allez, vous envoyez MIKL espace la réponse au 64 900 et au 63 22 pour la Belgique, donc pour gagner votre PS3 ce soir. Est-ce qu'on peut arrêter de mettre cette musique parce qu'il est en face de moi là, et il danse à chaque fois et c'est insupportable. Quelle horreur. Je passe la deuxième. Bah, il vaut mieux passer la deuxième à un moment. Bon bah Théo, là en tout cas la colle est posée et puis on te reprend tout à l'heure, d'accord? Ok. Salut Théo, ciao à toi. Et pour choper votre PS3 maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Restez bien là sur Fun Radio puisqu'on s'écoute maintenant le son de Tapo e Raya, c'est Quitate el Top. Et puis on va revenir dans un instant tiens, avec Ibrahim pour parler des fins de vacances, début de rentrée. Comment ça se passe chez vous? On en parle sur Fun Radio. Bonne soirée, Mickaël No Limit, 20h minuit tous les dimanches. Le dimanche soir, 20h minuit. Mickaël No Limit. Sur Fun Radio. Ouais, on est en direct sur Fun Radio, là, 20h minuit, dis donc, la grosse voix, elle va parler quand j'étais grand. Ouais, quand je commence, là, il faut s'arrêter maintenant, il y a un moment, c'est quoi ces conneries. Bon, tout à l'heure, on aura aussi l'ardif du chéri, je peux te faire cocu qu'on a fait lundi dernier. Tu vas revenir, je vais te péter ta gueule, je vais te préparer tes affaires et tu vas dégager. Tu vas mettre tes parents et tu l'as fait ça comme une couleur et j'entends une grosse pute en train de parler derrière toi et en plus, elle prend le téléphone. Mais c'est qui ça? Ah oui, oh la merde, ça c'est trop bien qu'on écoutera tout à l'heure, autant pour moi, mais je voulais mettre. Dans l'esprit. C'est un peu pareil. Ouais, dans l'esprit de la meuf qui traçait là tout à l'heure, là, chérie, je peux te faire cocu, on va se le remettre, hein, vous inquiétez pas. Et puis, nous allons également reparler de la PS3 qu'on vous offre dans la colle de ce soir. La colle est la suivante. Deux pommes de terre partent se coucher dans leur lit. Que sont-elles devenues le lendemain matin? Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Vous envoyez MIKL espace la réponse au 64 900 et au 63 22 pour la Belgique. Bon, alors, Ibrahim. Ouais. Ah, il est de retour, très bien. Alors Ibrahim, donc j'ai mis la vidéo puisque tu voulais nous parler de la rentrée, c'est ça? Ouais. J'ai mis la vidéo là d'un mec, alors c'est très court hein, mais d'un mec qui pète une durite parce que bah évidemment c'est la rentrée, mais qui le vit relativement mal. Donc allez voir et partagez la vidéo aussi hein, que vous allez voir sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Le mec est quand même, comment dire, bah c'est son premier jour d'école quoi. Voilà, pas plus compliqué que ça, vous allez voir qu'il le vit très très mal. Donc facebook.com/mikaelofficiel. Bon Ibrahim, alors toi, comment ça se passe? T'es content d'aller à l'école? T'en avais marre des vacances? Est-ce que je vois dans le standard? Ouais. Alors dis-nous. Parce que pendant les vacances, le premier... dès les vacances, ils ont commencé, bah je me suis cassé le bras. Oh merde, ah ouais. Oh la poisse. Ah les vacances de merde. Ah ouais là ouais, pour le coup c'est bien pourri quand même hein, en termes de vacances. Tu viens à la plage? Non je peux pas. Bah ouais c'est clair. Tu viens à la piscine? Non je peux pas. Oh putain quelle galère. Et j'étais à l'hôpital. Ouais. Et normalement on devait aller à la plage, j'ai pas pu y aller. Bah oui forcément et ouais. Le lendemain aussi on devait aller au parc Saint-Paul et j'ai pas pu y aller. Et tu t'es fait quoi? Comment ça se fait que tu t'es pété le... C'est le bras c'est ça? En fait ma petite soeur elle voulait essayer. Et j'ai grimpé dans un arbre pour aller chercher et la broche s'est cassée. Et je suis tombé sur le bras et mon bras il s'est cassé. Oh en plus t'as joué le Roméo. Oh oui, c'était beau. Ah, tu t'es pété le bras en allant jouer au Rovio, ça c'est beau. Bah, enfin, en même temps, ça t'a tué tes vacances. Hein. Mais bon, ouais. À la limite, t'es content de retourner au bahut parce que t'as eu des vacances de merde à cause de ton bras pété. Mais je veux dire, si t'avais pas eu ce genre de problème, t'aurais été aussi, comme tout le monde, en mode je suis en déprime, quoi. Ouais. Ah bah voilà, c'est ça. Eh bah oui. Donc c'est normal. Attends, il y a aussi un message qui est arrivé là. Où est-ce qu'il est, Jason, qui dit la réponse à l'énigme, c'est des frites. Non, c'est pas ça. Les patates deviennent la purée. C'est pas ça non plus. Et puis il y a Clara qui dit en maths, toute la classe a mis son réveil à la même heure. Ça a bien fait chier le prof. Tu m'étonnes. Et Lorraine aussi qui dit mon métier de rêve. Infirmière militaire, mais le seul problème, c'est que je suis nul en sport. Oui, c'est con, okay. Lorraine, effectivement. Oui, qu'est-ce qui se passe, Ibrahim? Je peux te sentir. C'est, tu peux quoi? Je peux sentir. Bah si tu veux, regarde tous mes aisselles, là j'ai mis un petit peu de spray là. Regarde. Ça sent bon là, non? Non. Non, bah c'est dommage hein Ibrahim. Tu vois, alors que tu te la ramènes, mais comment t'expliquer que sous ton plâtre là, ça devait bien puer sa race aussi là. Hein, ça puait sa race, non, Ibrahim. Parce que j'ai pas encore de plâtre. Ah tu l'as. Comment ça tu l'as pas encore? J'ai une broche en fait, ils m'ont une broche carrément. Ah d'accord. Ah, ouais, donc tu t'es bien ramassé. Ah ouais, ouais bah il tombait d'un arbre. Ouais, mais je pensais qu'il avait juste un plâtre. Ouais, non, la ouais. Branche, elle peut être basse, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, t'as une broche et quoi? Et dans un an, je vais me faire opérer pour l'enlever et j'aurai un plâtre. Ah d'accord, ok. Ouais, bah donc tu verras la l'odeur tout sous le plâtre. Tu verras. Il y a Wendy aussi. Ouais. Moi, j'en ai eu deux et je peux t'assurer que quand le mec il te l'enlève. Ah, mais ça pue. T'as honte d'être là. Hein. Ah, mais bien sûr, c'est clair. Bon, Ibrahim, reste avec nous là. On va te repasser au standard. Tu vas gratter un pack fun. Ok. Salut, Ibrahim. À bientôt. Ouais, salut. Et oublie pas de dire à tes potes hein, demain quand tu rentres. C'est demain que tu rentres? Non, mardi. Mardi, bah n'oublie pas de dire à tes potes mardi là qu'on est là, hein, 23h, 2h tous les soirs et d'accord. Le dimanche de 20h à minuit. Bon, d'accord. Salut Ibrahim, allez, ciao, à bientôt. Salut, ouais, non, tu restes au standard, Ibrahim. Surtout ne bouge pas de là. Et si vous êtes étudiant et que vous n'avez pas encore trouvé d'université pour la rentrée, j'ai une bonne nouvelle. Il reste des places pour l'université du Libéria. Ah bon, bah oui, c'est pas à côté. C'est cool. Ouais, il reste même beaucoup de places puisque sur les 25 000 candidats qui sont présentés au test d'admission, eh bien, les 25 000 ont été recalés. Bon, après, faut avoir envie de s'installer au Libéria, évidemment. Bah, c'est pas facile, effectivement. C'est un pays de cancre. Ouais, enfin, c'est un pays un peu de cancre, effectivement, ouais. Direction le Libéria. C'est bon, je pars direct, là, je vais être diplômé. Ah ouais, c'est ouais. Peut-être pas seule occasion. T'imagines un peu l'horreur. Bon, on aura Steven aussi dans un instant, là, 21 ans de Saint-Denis. Salut Steven. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah, ça va bien, ouais. On va parler de quoi dans un instant? De la rentrée? Voilà, la rentrée, bon. Et le travail, toi. Eh bah, bouge pas de là, on va en parler dans un instant. Ton métier de rêve, ce serait quoi, toi? Bah, je travaille déjà. Non, mais le métier que t'aurais vraiment kiffé de faire, si c'est pas celui que tu fais actuellement? Bah, c'est celui que je fais actuellement, ouais. Et tu fais quoi? Bah, je suis militaire. Ah, ouais, ah militaire, ouais, ah bah ouais. Super-héros, quoi. Bah c'est ça. Bon bah bouge pas Steven, on va en parler dans un instant. On aura aussi Thomas qui est avec nous là. Salut Thomas. Salut Thomas, ça va? Ça va et toi? Bah ça va tranquille, on parle de quoi dans un instant avec toi Thomas, t'appelles pourquoi? Bah moi j'ai rencontré un gars en colo et aujourd'hui en baptême j'ai découvert que c'était mon cousin éloigné. Ah d'accord, bon bah très bien, bah bouge pas de là, on va en parler dans un instant Thomas là, reste avec nous. Et puis on va aussi se faire le chéri, je peux te faire cocu dans un petit instant, ne bougez pas de là sur Fun Radio. Ça va débarquer, ça va être du très très lourd, hein. C'est la rediff de lundi dernier pour ceux qui étaient pas là entre 23h et 2h du mat. Donc on va rejouer également dès demain bien entendu, mais pour ceux qui n'étaient pas là, on va vous le remettre dans quelques instants sur Fun Radio. Bougez pas de là, je vous cale aussi le son de Lady Gaga. Lady Gaga sur Fun Radio, ce sera Applause. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Sur Fun Radio. Ah bah alors, qu'est-ce qui se passe? Une petite erreur de ma part? Bah oui, une petite erreur de ma part. Je croyais que... Alors vous savez, il y a un petit chrono en fait là avec la pub et j'ai confondu les deux chronos. Ah, alors du coup forcément, ouais, bah, il faut arrive. Attendre 3, 2, 1 et on va revenir juste après. Bougez pas de là, tout de suite. Le dimanche soir, 20h minuit. Ah, vous allez me corser les couilles longtemps, là. Mickaël, Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. À chaque fois, je me fais niquer parce que je gueule à chaque coup. Là. En direct dans toute la France, 01 42 48 5000. Et bien évidemment, le Twitter qui fonctionne également. Là, venez nous rejoindre. Hein, si vous voulez, là, vous tapez twitter.com. Puis vous tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Donc n'hésitez pas. Vous me faites un petit follow. Et puis moi, je vous fais un follow back sans problème. Pareil sur Instagram également. Il y a un message de Wendy qui dit comment avoir les autocollants au mon bon roi. Ouais, Wendy, tu dois pas me lécher les couilles comme ça. T'inquiète pas. Hein. Non, il faut simplement faire un mail à sandro@funradio.com. Voilà, vous faites un petit mail à Sandro et puis il répondra avec plaisir pour vous envoyer tous les autocollants, quoi. Oui, d'ici 4 mois. Non, arrête ton cinéma. Allez, là. Attends, tu te oui, il y en a eu beaucoup, mais je sais. Attends, j'ai passé une heure de mon week-end à tout transférer. Ouais, mais envoyez, mettez vos adresses parce que si vous. Ouais, mettez vos adresses, mettez vos coordonnées, effectivement. Sinon, on prend pas en compte. Hein. Ouais. De lui, vas-y, c'est quoi l'adresse Sandro@femradio.fr. Voilà, n'hésitez pas. Voilà. Et on va envoyer deux fois parce que des fois, le premier n'y vient pas. Exactement. Allez, bougez pas, c'est Fun Radio. Mickaël No Limit, 20h minuit, avec celle qui est en invité chez Bruno de la radio la semaine dernière. C'est Lady Gaga tout de suite. Allez, 20h minuit sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit tous les dimanches sur Fun. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Fun Radio. Et restez bien là puisque je vous cale tout à l'heure le son de Stromae. Sandro, t'as dit que t'étais pas chanteuse, donc faut arrêter ça tout de suite maintenant. Bon, et si vous voulez écouter le son que je vous avais calé jeudi, on l'avait mis trois fois tellement on l'aimait bien, le son de Showtek. Voilà, Showtek le nouveau avec Bouya. Et si vous voulez l'écouter ce soir, n'hésitez pas à vous taper le hashtag Mickaël sur le Twitter. Et puis on en parle d'ailleurs, je vous rappelle aussi d'ailleurs que c'est un auditeur qui a dit qu'il allait foutre le bordel dans la chambre de ses parents à base de casserole ce soir en fin d'émission. Si on arrivait à être top tweet ce soir, donc je compte sur vous, hein, vous tapez le hashtag Mickaël en top tweet ce soir sur Twitter. Donc parlez, faites un maximum de tweets avec le hashtag Mickaël, donc c'est le dièse, hein, le carré quoi. Vous mettez le hashtag Mickaël et puis vous mettez votre message sur Twitter. Je compte sur vous évidemment. Il y a d'ailleurs un message qui est arrivé d'Olivia qui dit j'ai passé une heure de mon week-end à tout transférer, quel enfoiré. Bah oui, mais c'est elle qui envoie les enveloppes avec les autocollants. Alors voilà. Et Léa aussi qui dit moi le travail que j'aurais faire c'est soigneuse d'animaux mais pas vétérinaire. Vétérinaire c'est trop d'études. Non mais c'est quoi soigneuse d'animaux, c'est quoi la différence? Bah tu peux être ouais mais en plus faut faire quand même faut avoir des études hein. Ouais ouais peut-être ouais c'est possible. Oui, c'est possible. Bon bah Stromae arrive dans un instant sur Fun Radio, restez bien là. Et puis on parle encore dans quelques secondes du métier de vos rêves. Voilà, tout simplement, on aura Thomas aussi avec une petite anecdote et puis Steven dans un instant là qui voulait nous parler aussi de la rentrée. En attendant, souvenez-vous, c'était lundi dernier. Alors pour ceux qui étaient là, vous êtes probablement bien marrés. Pour les autres, eh bien vous allez vous marrer certainement puisque c'était le chéri je peux te faire cocu comme chaque lundi. Le chéri je peux te faire cocu, on va se le refaire maintenant. Le principe est simple, et eh bien vous devez simplement donc vous inscrire en appelant Sandro 01 42 48 5000 ou pour la Belgique 02 851 4x0. Et donc si vous passez à l'antenne, vous êtes sélectionné, et eh ben on appelle votre copain, votre copine, et donc vous lui faites croire que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que exceptionnellement juste un one shot, et eh bien vous voudriez bien la tromper et surtout vous voulez son accord. Voilà, j'allais dire son aval mais il est un poteau, donc si vous voulez son accord tout simplement. Et donc là on voit comment ça se passe et vous allez voir que lundi dernier, ça s'est pas super bien passé là. Écoutez bien, chérie, je peux te faire cocu. C'était lundi soir sur Fun. Allez, c'est parti. J'ai bien joué là. C'est parti. Allô, Loulou. Loulou. Oui. Ça va? Oui, attends, t'es où? C'est pour ça que je t'appelais en fait. Il fallait que je t'explique un petit truc et. Voilà, je voulais t'en parler pour voir un petit peu ce que t'en pensais quoi. Je sais pas quoi. J'ai pas été chez mes parents, en fait, c'est ça, je vais t'expliquer. Ça va, toi? En fait, là, ça va, toi? Je t'attends, je viens d'une demi-heure, mais ça va, je t'écoute. Ouais, je vais bientôt arriver. Tu te rappelles, samedi, j'ai été animé le mariage, là, à Liège. Oui. Et en fait, pendant la soirée, j'ai remarqué qu'il y avait tout le temps une fille qui n'arrêtait pas de me regarder. Et elle m'a troublé en fait. Donc à un moment elle est venue me parler, on a pas mal discuté pendant la soirée. T'as dit quoi? Elle t'a quoi? Il l'a fait trop en mode dramatique. Elle est venue me parler un peu pendant la soirée, donc on a discuté, on a bu un verre et... Oui. Et voilà, on a pas mal discuté la soirée et en fait, elle habite à Wii. Et aujourd'hui soir, elle m'avait en fait proposé qu'on se voit dans un café pour aller boire un verre. Mais tu sais que dès qu'on a toujours parlé ensemble, t'as toujours dit qu'il fallait qu'on se dise des choses et... Laisse-moi t'expliquer. Il n'y a pas à m'expliquer. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me dis que tu vas chez tes parents et là maintenant tu me dis que t'es pas chez tes parents. Ça fait une demi-heure que je t'attends. En alien, ouais, ça c'est sûr. Il n'y a rien à m'expliquer. Je vais t'insulter, Sandro. Tu vas chez tes parents. Vanessa. Tu restes à la maison et tu me l'expliques de vive voix. Qu'est-ce que tu fais? Et t'es où là? Mais je vais bientôt rentrer, je suis toujours... Chérie. En fait, moi je n'ai toujours connu que toi au niveau sexuel, puisqu'on est ensemble depuis que j'ai 16 ans. On est bon là. C'est avec elle là? Allô? Mais non, elle tracasse. Bah, il y a quelqu'un derrière toi.

que tu fais, tu vas les baiser, merde. C'est une blague, on est à la radio. Quoi? T'es en direct à la radio, t'es sur Fun Radio. Voilà, c'était donc lundi dernier, le chéri, je peux te faire cocu. Tout s'est bien terminé au final. Il y a Cookie qui dit, Sandra qui parle derrière en mode Valès, mort de rire, j'adore. Jason qui dit de nos jours, c'est les femmes qui portent les couilles. Ah bah ouais, effectivement, Jason, je te confirme. Il y a Anaïs sur Twitter qui dit. Ah ouais, effectivement, elle est énorme la fille. Il a rien à dire le mec. Ah bah non, à la maison, c'est elle qui commande. Hein. Et alors Nadia qui dit, la fille dans le chéri, je peux te faire cocu, tu rentres, je te pète la gueule. Bonsoir la douceur féminine. Ou pas pour le cala, oui, pas pour ce cas-ci, effectivement. Et Anaïs encore qui dit, je l'avais entendu lundi dernier, mais c'est du très très lourd, effectivement. Il était bien celui-là, le chéri, je peux te faire cocu. Bon, on rejouera demain, hein, à partir de 23h sur Fun Radio, si vous voulez jouer avec nous. Inscrivez-vous dès maintenant, vous me faites un petit mail maintenant, mikl@funradio.fr, et puis vous laissez votre numéro, on jouera ensemble demain sans aucun problème et avec grand plaisir. Avant de continuer, on va refaire un petit coup la colle maintenant. La colle, elle est là, et Théo aussi, il est là. Théo, t'es là? Ah, Théo qui nous a mis en double appel. Parfait, il nous a mis en attente, Théo. Bah, c'est scandaleux ça. Et bah, c'est un scandale. De prendre quelque chose dans sa bon, gueule. Bah, c'est quoi, c'est pas grave, hein, je vais faire la colle moi-même. Donc, vas-y. C'est Théo donc, qui disait, deux pommes de terre partent secouer. Que ouais. Sont-elles devenues le lendemain matin? Voilà, donc si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Il y a des PS3 à gagner, enfin une PS3, c'est déjà pas mal. Vous envoyez simplement maintenant Mickaël, espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Donc, je répète, deux pommes de terre partent secouer. Coucher dans leur lit, que sont-elles devenues le lendemain matin? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël espace la réponse au 63 22 pour la Belgique ou au 64 900 donc pour la France en l'occurrence. Voilà, je vous souhaite bonne chance, tirage au sort à 9h30 maximum. Voilà, très bien. Je me suis peut-être un peu emballé, bon, 9h30, on fera ça. Donc vous avez encore une petite demi-heure pour vous inscrire, n'hésitez pas. Patrick était content, c'est pour le chéri, je peux te faire cocu sur Twitter, je suis mort de rire. Banana qui dit, j'aime bien leur accent, et Baba qui dit, yeah, le chéri, je peux te faire cocu, il était juste exceptionnel. Effectivement, bah j'espère que demain il sera aussi bon. Normalement, ça devrait bien se passer, mais on verra. Ouais. Bon, alors on a Thomas qui est avec nous là du Puy de Dôme. Salut Thomas. Salut Mickaël. Ça va? Ouais, salut. Ça va? T'es en forme ou quoi? Ouais, ouais, tranquille. T'es en forme ou quoi? Ouais, ouais. Tranquille. Bon, t'as alors qu'est-ce qui t'arrive, Thomas là? T'appelles pourquoi? Bah moi, il y a deux semaines, j'étais en colo. Ouais. Et j'ai rencontré un gars, enfin un pote. On est devenus potes, j'étais dans un groupe qui s'appelait Montequad, moi j'étais un pompier. Montequad, d'accord, ouais. Parce qu'en fait la colo elle était par thème en fait. Ouais. Et donc on a fini la colo, on était restés potes. Et cet après-midi j'ai un baptême, le baptême de mon petit cousin. Et je le vois et j'apprends que c'était mon cousin éloigné. Non. Quelle horreur. Mais au final, on s'est pas couché ensemble. Non, parce que je pensais, imagine-toi si t'arrives si c'est tough. Non mais tu, surtout le problème n'est pas tant tof, le problème c'est quand t'imagines que juste avant il a fait ça. Tu vois, c'est quand ta maman il imite un scooter quoi, tu vois, c'est ça son problème. Et tu te dis il va y avoir des petits problèmes pour moi parce que c'est génétique. Tu vois, complètement. Ouais. Et du coup t'as été parlé ou pas, Thomas? Bah ouais, il m'a reconnu dès qu'il est arrivé. D'accord, bon après c'est pas très grave dans l'absolu hein. Non, au contraire. Non, mais voilà, au moins ça te fait la nouvelle famille, quoi. La famille que tu connaissais pas, tu la découvres, c'est bien. Vous avez déjà découvert, bah, vous, ouais. des gens, cousins, tout ça, que vous connaissiez pas sur un truc en particulier? Non, jamais. Non, jamais? Jamais, non, ouais. Non, t'es sûr? Bah, certains, ouais. Y a pas de gens pour faire des jeux. Genre une meuf, tu vois, un jour, tu t'es tapé, tu dis, oh putain, merde, c'est une cousine, non? Non, non, y a souvent des gens qui m'ont renié, c'est-à-dire que... Il dit, il y a souvent des gens qui vont renier. Ouais, je les connaissais, mais après ils font genre, on se connaît plus. Mais ah ouais, tiens, c'est bizarre, effectivement. Oui, ouais. ça m'est arrivé aussi, ça. Des, il fut un temps où les gens. Te reniaient. Ouais, ils m'ont renié. Ouais, c'est bizarre. Pas des noms. Bah oui, mais tu fais bien, là, ouais. Bon, bah très bien, Thomas. Bah, aujourd'hui, ça se passe bien, donc du coup. Oui. Bon, bah très bien. Bah, belle anecdote, Thomas. Hein. Ouais. Ah non, mais c'est bien. Thomas, il s'est passé un truc, vous êtes battu. Non, non, ça, tout se passe bien entre vous. Vous êtes galoché. Ouais. Ah ouais, non, bah, très bien, hein. Voilà. Non, mais belle anecdote, je veux dire, moi je la retiendrai, hein. Là on me posera certainement un moment ou un autre dans ma vie, peut-être qu'on fera une interview, on va tu dire il s'est passé quoi ans. Un dimanche 1er septembre à 21h03, bah je dirais anniversaire. C'est quoi? Mon anniversaire. Non, bon anniversaire, ma c'est gueule. Ton anniversaire, ouais. Tu veux la musique de l'anniversaire? Allez. Attends, moi attention, j'ai pas n'importe quelle musique d'anniversaire. Moi j'ai la musique de l'anniversaire. Alors attention, c'est parti. 3, 4. Voilà. Allez, bon anniversaire. Ah, écoute, avec plaisir, Thomas. C'est bien que ma bonté n'a pas de limite. Oh, c'est voilà. Bon, ça. Bon anniversaire! Et la finale. Voilà, je vois, et bah voilà. Santé. Bon, bah Thomas, bah écoute, très bien. Merci à toi d'être passé en tout cas. Hein. Bon. Eh ben, je t'en prie, salut à toi, tu restes au standard qui est totalement déserté. On va donc on va te filer un pack fun, Thomas. Salut à toi, à bientôt et bon anniversaire. Ciao. Et j'en profite Ciao. J'en profite pour saluer Cookie qui est de retour sur Twitter. C'est mon chouchou, Cookie. Ouais, et par contre, Cookie. Petit Panda qui nous a porté des gâteaux là, elle est ni sur Twitter ni elle est ni dans les studios. Elle Ah ouais, alors, je suis très déçu là. Très déçu. Exactement, ouais. Bon, heureusement, les auditeurs qui sont passés, hein, ouais. DJ No Name qui est là. Allume ton micro, pousse le bouton là, hop là, voilà. Alors, ça va bien toi? Ça va, ça va. Bon, et c'est quoi ton... Parce qu'on était dans les métiers de rêve, justement. C'est quoi ton métier de rêve? Le métier que tu rêverais de faire? Je voudrais apprendre à polir des voitures. Et puis des diamants. Non, tu voudrais faire quoi? Alors, mon métier de rêve... Attends, dans le micro, tu... dans le micro, c'est mieux. N'hésite et pas, tire après. Tu peux tirer dessus, t'inquiète pas, tu peux le ramener vers toi, regarde. Tu peux le tirer, et encore un peu, il allait faire une fellation au micro, dis donc, reste calme. Bon, c'est quoi ton métier de rêve, dis-moi alors, DJ The Name? Alors, mon métier vite, de rêve... Vite, on n'a pas 2000 euros. Faut qu'il réfléchisse. Hop, c'est passé, allez, est-ce qu'on peut mettre un scooter, là? Tu veux pas venir en scooter? Je n'ai pas de métier de rêve. Non, mais il y a bien un métier que tu as envie de faire, un métier que tu kifferais de faire. DJ. DJ, bah voilà, tu vois, voilà. DJ, très bien. Bah tu demanderas des cours à Toff, il est presque DJ. Moi je suis presque DJ. J'ai voulu lui demander, mais... Ouais, mais ouais. Tu peux, franchement, il va te donner des cours et tout. Il pourra même donner des cours de scooter. Voilà, des cours de pelle, parce que Dieu sait qu'il en a pris dans sa gueule. Tu rigoles, mais il a une moto. Ouais, non, mais sa moto l'a reniée également. Hein. Non, mais il faut le savoir, hein, sa moto l'a reniée. Elle veut plus que je monte dessus, chaque fois que j'essaie de monter dessus, elle se couche. Exactement, ouais. Et si tu veux des cours également, tu sais, si tu veux faire des travaux à un moment ou un autre, chez toi, dans la rue, etc., tu peux également lui demander d'être marteau-piqueur. On lui a refait sa gueule plusieurs fois. Voilà, on essaye, hein. Là, il reste encore beaucoup de travail, là, c'est le travail d'une année. Il y a un an, En bas, minimum. Donc, ça, tu peux lui demander également. C'est pas un souci, hein. Vous pouvez. Et c'est puis, un ingé son, attention, hein. Et puis, attends, il y a également, un fan de sur Twitter, c'est Thomas, c'est ça? Théo. Théo, excuse-moi, monsieur Gouré, parce qu'il y a Thomas là-bas. C'est quoi ton métier de rêve, toi? Réalisateur radio. Réalisateur radio? Ouais. Mais c'est bon, pas un métier, place, quoi. Ouais. Oh, d'accord, ok, très bien. C'est pas un métier, bah si. Alors, t'es venu avec ta cousine, c'est ça? Ah, c'est Linda, c'est ça? Bon Linda, approche-toi. Ouais, bah, c'est ça, fais gaffe, il va peut-être te manger. Hein. Et comme par hasard, il approche le micro de lui, t'as remarqué? Alors que d'habitude, en général, il met plutôt les gens vers le fond du studio, et là, non. Bon. Et Linda, il est en train de l'effrayer, surtout. Bah ouais, complètement. C'est quoi ton métier de rêve? Tu kifferais faire quoi, toi? Être journaliste ou graphiste. Journaliste ou graphiste? Oui. Wow. D'accord, non mais pourquoi pas, c'est bien. Pourquoi pas, ouais. C'est pas mal. Graphiste, Toff pourra donner des conseils également. Ah bah, oh là là. Ah bah attends, il est presque graphiste également. Je suis presque graphiste, oui. Voilà. En fait, je fais presque tous les métiers. Voilà, c'est ça. Sauf qu'il en veut aucun. Ouais. il est presque, voilà, exactement, ouais. C'est vrai qu'il a tout fait. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, DJ No Name? Ouais, Toff, il dessine que les nibards, lui. Non, ah. Ouais, c'est ça, nibard et couilles. En général, il se cantonne à ça et il a bien raison. Il préfère plus les couilles que les nibards. Ouais, ça c'est certain, effectivement. Bon, attends, il y a Jérém aussi qui est avec nous, là, de 3. Salut Jérém. Ouais, salut. Ça va? Ça va et toi? Bon, salut, oui, ça va, tranquille, hein, tranquillement. Bon, alors Jérém, toi, tu voulais parler aussi de la rentrée, toi. Donc toi, c'est la rentrée ou le métier de rêve? Non, la rentrée. Très bien, parfait. Bon, la rentrée, alors, du coup, toi, tu rentres quand? Non bah en fait je rentre pas, mais c'est une anecdote en fait. Ah vas-y raconte. En sixième, hein. En fait, avec un pote, on a mis un prof dans le placard. Oh bâtard. Le prof dans le placard, mais comment vous avez fait après pour sortir de là? Et ben en fait c'était le dernier jour. Il nous a énervé, on l'a soulevé, on l'a mis dans le placard, on l'a enfermé avec un cadenas. On l'a laissé pendant toute la récré, on est venu le chercher après. Ah ça mais va, vous l'avez pas laissé pendant toutes les vacances. Ouais non mais il a dû vous défoncer, non? Bah non, après on s'en fichait, on changeait d'école. Ah ouais, douce, d'accord, ok, parce que ceux qui sont restés là, je peux te dire qu'à mon avis ils ont dû morfler. Hein. C'est-à-dire que l'année suivante, comment t'expliquer qu'ils ont dû prendre très très très très cher? Non mais c'est pas bien, il faut mettre des trucs drôles là, vous l'avez séquestré, oui. Le pauvre. C'est ça, imaginez les claustros, il serait mort dans la placard. Ah, c'est vrai, ça peut être dangereux, c'est pas bien. Eh non mais sérieux, hein, t'imagines un peu là, ça peut être chaud. Hein. Non mais il faut faire des vannes drôles, tu sais, genre coller des trucs, etc. Ça c'est rigolo. Mais j'avais mis un pétard sous sa chaise, donc. Oui, ça, c'est pas mal aussi, ça peut être drôle, ça effectivement en termes de frayeur, effectivement pourquoi pas. Bah merci Jérém pour l'anecdote, tu reviens quand tu veux. Hein. Ok. Salut à toi. Eh ben tu, ouais, tu peux avoir toute notre montée. Et ma sympathie. Voilà. Et vas-y, y a une personne, Jérém, là. Vas-y comme d'hab. Ok, ben Charline, ma cousine que j'aime très fort. Très bien. Eh ben écoute, le message est passé. On va te filer les stickers. Comme ça, Sandro sera content pour reprendre tes coordonnées. Ok, ouais. Est-ce qu'on en a assez au moins? Salut Jérém, t'inquiète. On en a combien des stickers? T'inquiète. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Assez genre pour recouvrir d'ici jusqu'à chez lui. Voilà, minimum. Sachant qu'il habite à Troyes, hein, donc voilà. On aura Emeric aussi dans un instant là, de la Loire. Salut Emeric. Salut. Comment ça va? Bah bien et toi? Bah ça va, tranquille, ouais. Bon, on va parler du métier de rêve là. Tu ferais quoi toi comme métier de rêve? C'est quoi ton kiff? Bah graphiste de jeux vidéo. Graphiste de jeux vidéo. Ah ouais, pourquoi pas? Plutôt les jeux de sport, plutôt les jeux de baston, les jeux de quoi? Gore. Ah, gore, d'accord, ok. Ok, mais dans des trucs crado, tu vois. Ouais, voilà, ouais, avec non, mais t'as raison. Sang, des morts. Mais t'as déjà fait un petit stage là? T'as déjà vu un peu comment ça se passait? Non, j'ai lu un peu sur internet, mais je préférais genre être à Treyarch, à Los Angeles, dans Call of Duty. Ah, ouais, non, mais moi aussi, j'aimerais bien être à Los Angeles. ouais, c'est sûr, mais bon, après, je te rappelle que t'appelles de Montbrison, quoi. Donc on est quand même loin en termes de Los Angeles et Montbrison. Il y a quand même une marche, quoi. Mais c'est bien. En avion. Ah oui, je me doute bien que tu vas en avion, tu vas pas à pied. À la nage. Ouais, à la nage, tu vois, c'est ça. Je peux y aller. Montbrison, Los Angeles. Par contre, il y a un moment, il va falloir que tu descendes vers le pôle sud pour remonter ensuite. Hein. New York, c'était plus facile, tu vois, la nage. C'est plus facile. Voilà, c'est plus fin, c'est plus simple, mais bon. Non, mais c'est bien, Montbrison. Et si tu fais pas ça, Emeric, tu comptes faire quoi? T'as une idée autre en tête? Non. Non? Bah écoute, alors. Bah, vas-y. Non, mais va là-dessus, c'est clair. Si tu penses à une chance, fonce, n'hésite pas surtout. Bah merci, Emeric, d'être passé. Ouais, je peux avoir un petit pack fan. Ouais, tu vas gérer ça avec Sandro au standard. Elle est ravie, en plus elle va me faire un smile. Envoie deux mails parce que des fois, voilà, Polo, il a du mal aussi à lâcher des mots. Il a du mal. Ouais. Il est perturbé par Linda à côté de lui. M'approche pas trop, Linda. C'est ça. Tu bon, mets mal à l'aise. Salut Emeric, tu restes au standard, on prend tes coordonnées. À bientôt Emeric, ciao. Salut. Allez, bye bye. On va revenir dans un instant sur Fun Radio. Restez bien là. On va revenir avec, Amour, Gloire et Vulgarité. Wow. Eh ouais, nouvelle édition de l'Amour, Gloire et Vulgarité. Ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. Ouais, on va parler des phobies aussi dans quelques instants là avec comment il s'appelait l'auditeur qui est venu tout à l'heure avec les phobies, je l'ai oublié, je sais plus. On va le reprendre dans un instant. Donc vous aussi, si vous avez des phobies, n'hésitez pas, on va en parler dans un instant sur Fun Radio. Vous appelez le standard 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Je vous rappelle également qu'il y a un iPod Nano à gagner sur le Facebook de Fun. Si vous voulez venir nous rejoindre, facebook.com/mikaelofficiel, vous faites un like et on fera un tirage au sort avant la fin de l'émission pour savoir lequel d'entre vous repartira avec son iPod Nano. Et dans un instant, je vous cale le son de Stromae sur Fun Radio. Allez, restez là, ça va revenir dans quelques instants sur Fun. La bonne soirée avec Fun Radio, 20h minuit, Mickaël No Limite, nouvel horaire tous les dimanches. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Mickaël No Limite. Le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Ouais, on est en direct sur Fun Radio, comme d'habitude, entre 20h, pardon, 20h minuit, tous les dimanches soirs, c'est Mickaël No Limite. Prévenez vos potes d'ailleurs, comme c'est la rentrée, là, dès que vous allez arriver au bahut, n'hésitez pas, venez, je compte sur vous pour donc prévenir vos amis, tous les dimanches soirs, 20h minuit, et tous les jours de la semaine, du lundi au jeudi, de 23h à 2h. Et puis je vous attends également, là, si vous voulez m'affronter aussi sur FIFA 2013, sur FIFA 13, sur l'iPhone ou sur l'iPad, hein, si vous en avez un. Alors j'utilise parce que c'est plus facile à transporter, alors me dites pas oui mais c'est mieux sur Xbox, sur PS3, je sais, mais en attendant faut faire avec. Donc si vous voulez venir m'affronter, pour l'instant j'ai joué avec 3 auditeurs, j'ai gagné 3 fois, donc j'attends qui va venir m'affronter, qui va venir relever le défi. Je vous attends, vous tapez sur FIFA 13 MIKL No Limit en un mot et sans le hashtag. Voilà, je vous attends nombreux et nombreuses. On jouera évidemment peut-être pas ce soir parce qu'on bosse là, mais demain sans problème évidemment. Allez, bonne chance tout le monde, et MIKL No Limit sur FIFA 13 sur l'iPhone, je vous attends. Et on va se refaire aussi dans quelques instants la colle pour gagner la PS3. Ce sera juste après le son de Stromae qu'on écoute maintenant. C'est Papa Outé sur Fun Radio. Bonne soirée avec Fun, c'est Mickaël No Limite. Dites-moi d'où il vient. Le son de Stromae sur Fun Radio avec Papa Outé, 21h17, on est en direct un dimanche soir sur Fun Radio, entre 20h et minuit, tous les dimanches soirs, c'est le nouvel horaire. N'hésitez pas à prévenir évidemment vos potes maintenant, hein, n'hésitez pas. Et puis pareil aussi du lundi au jeudi, entre 23h et 2h du matin, vous êtes chez vous. On écoutera aussi le son de Robin Thicke dans un instant. Robin Thicke, c'est ce qui va débarquer avec aussi le son de Chotek. Yeah. Alors ça c'est la tuerie ça qu'on a écouté plusieurs fois jeudi soir. Il y a Eric aussi qui a envoyé un message sur le Facebook, il dit Polo ne voulait pas être prof de pipo. Ah non, il veut pas, il l'est déjà. Attends, bah oui. Là il a arrêté parce que bon voilà, il sait que prof ça gagne pas des masses. Mais il y a Wolf du 69 aussi qui dit amour, gloire et vulgarité, j'adore. Et puis il y a Alenko qui dit c'est Toff qui offre les scooters apparemment ce soir. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ah ouais, avec plaisir, hein, ça c'est pas un problème. Et il y a Nadia aussi qui dit Mickaël, ta bonté n'a pas de limite. Mickaël, la bonne parole vu que l'émission s'appelle Nos Limites. Exactement, voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, Mathilde qui dit c'est possible de réécouter le scooter de Toff. Je suis fan. Oui, bah si tu veux, il y a pas de problème. Le scooter de Toff, le voici. Voilà, et Antoine qui est avec nous. Oh. Bonsoir Antoine. Salut, ça va Mickaël? Bah ça va et toi? Et apparemment toi ton scooter il marche moins bien là, ce que celui de Toff. Antoine? Ouais. Qu'est-ce que je viens de dire? Ouais, de quoi? Tu seras collé pour ça. Au lieu de te la ramener avec tes potes. Eh, mets-lui bon. Un coup de pelle dans la tête là. Exactement. Non, mais un marteau piqueur. Tiens dans ta gueule, tiens. Voilà, tiens. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais Antoine? T'appelles pourquoi? Bah en fait c'est le scooter, il arrive plus à démarrer, j'ai touché tous les fils et ça marche plus là. Ah bah attends, on va le redémarrer, attends, bouge pas, on va essayer de le redémarrer là. Regarde. Eh bah voilà, si tu veux, moi je t'envoie un nouveau moteur hein, là ici là. Vas-y. T'inquiète, les phares ils marchent plus non plus, on fait comment là? De quoi? Les phares ils marchent plus là aussi. Ah ouais mais t'inquiète pas, ça a marché là tout. Sans une seule pièce, tu vois, branches le truc et tout, après t'inquiète pas, on est. Et Toff il est presque mécano également. C'est un T-Max. On vient de faire hier soir, 3h du matin, on l'a fait. Ah putain, merde, et donc il marche toujours pas alors? Bah non, ça marche pas. Ah quelle galère, mais ça c'est parce que t'as chipoté, t'as changé le pot. Bah non, j'ai pas changé le pot. Les phares ils marchent pas, tu les changes. Ah tu l'as trafiqué, ouais. Attends, et sinon on peut t'envoyer Sandro là, les mécanos aussi apparemment là. Je vais te les changer les phares. Sandro, ouais. Voilà, attends, c'est ça. Et Sandro dans la cité, on est tous pour réparer chez elle. Bah ouais. De quoi question, on entend rien. Tu dis Antoine? On vient voir Rue Bayard, tu vas nous le réparer sinon. Ouais, si tu veux, ouais, bah viens, t'inquiète pas, en plus on a le stagiaire, là, il a un scooter aussi, au pire on lui échange. Hein. J'ai piqué son moteur. Ouais, voilà. Bah te casse pas la tête, hein, tu piques le scooter et puis après lui il se démerdera avec le tien qui marche plus. Hein. Ouais, tranquille. En plus il y a des vélos devant la radio, il prendra le vélo le stagiaire. C'est pas un problème ça. Bah oui, bah, pas de problème. Bon bah Antoine, bon courage avec le scooter. Hein. Attends, ouais, bah, je te remets encore un petit coup là, je te remets encore un coup là. Ah comme ça il va bien vénère. Voilà, il va être bien de vénère parce que nous au moins on a un scooter qui marche. Enfin qui roule en l'occurrence. Il roule super bien. Et il roule très très bien, je te le confirme effectivement. Bon, il y a qui est avec nous là, Théo dans un instant. Bah Théo, encore un coup pour l'énigme, plutôt la colle. T'es là Théo? Oui, je suis là. Ah, très bien. Tout à l'heure, tu nous avais mis en attente là, hein. Tu crois qu'on l'a pas remarqué? Il rigole, il est content. Bon. Non, j'étais aux toilettes. T'as fait quoi? T'as fait bibi ou t'as fait caca? On va pas le savoir, Bon, Théo, t'as fait caca? Allez, fais péter la colle de ce soir pour peut-être repartir avec une PS3. Le principe est simple, tu vas poser une colle que t'as déjà posée tout à l'heure, mais on n'a pas encore finalisé les inscriptions. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, tu ne gagnes pas. Mais la personne qui aura trouvé la bonne réponse, évidemment, aura gagné si elle passe à l'antenne. Et si jamais personne ne trouve, Théo, la PS3 est pour toi. Répète la colle, s'il te plaît, Théo, on t'écoute. Deux pommes de terre entrent dans leur lit. Le lendemain matin, que sont-elles devenues? Très bien. Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Vous envoyez Mickaël espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Donc, deux pommes de terre partent se coucher. Que sont-elles devenues le lendemain, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, bah très bien. Allez, bah bonne chance tout le monde. Et Mickaël espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. À tout à l'heure, Théo. À tout à l'heure. Et on essaye de donner la réponse avant 9h30, évidemment, comme promis, avant 21h30, quoi, tout simplement. Bon, alors, on a avec nous maintenant, où est-ce qu'il est? Cédric, qui est avec nous, on parlait des phobies, là. Salut, Céd. Oui, rebonjour. Rebonjour, Cédric. Oui, t'as on t'a eu en début d'émission, toi, le Bordelais 19 ans, c'est bien ça? Tout à fait, c'est ça, exactement. Bon, parfait. Alors, Cédric, toi, c'est quoi les phobies? Alors moi j'ai une grosse phobie, c'est les phobies des araignées. Ah ouais, non, mais les araignées c'est normal, les araignées c'est dégueulasse. C'est je suis tellement phobique que moi je me mets même sur mon lit, même si elle est sur le plafond, je m'en fous, je me mets sur le lit. Mais attends, mais si tu te mets sur le lit, tu vas t'approcher d'elle en fait. C'est bien ce que je dis. Il panique tellement qu'il fait n'importe quoi. D'accord, ok, ouais, non mais t'as peur de quoi en fait? T'as peur qu'elle te pique? J'ai peur d'elle, j'ai peur de tout ce qui rampe, tout ce qui court, tout ce qui marche. T'as peur de tout, quoi. T'es une rigonzesse, quoi. Je suis un technophobe, quoi. Ah, ah. D'accord. Bon, alors parce que les araignées, je peux concevoir. Ça dépend lesquelles. Parce que tu sais, genre une petite araignée, ce qu'on appelle, c'est les araignées de poussière, hein, celles qui traînent dans les coins sur une petite toile, qui sont toutes maigres. Mmh. Bon, ça, tu t'en fous. Mais c'est vrai que quand tu vois les espèces de grosses araignées toutes velues, avec des poils partout, toutes noires, etc. Mmh. Ouais, non, mais ouais, là, je peux comprendre que t'es un peu de flip. C'est surtout pour ceux qui habitent à Madagascar ou qui ont déjà été là. C'est vrai que là, il y a des tarentules. C'est-à-dire que les trucs, c'est plus grand que ma main. Et je peux dire que là, tu peux avoir peur. Non, mais c'est vrai. Là, tu peux. Ah oui, tu peux avoir peur, mais après pour des petites araignées, c'est quoi tes phobies toi, Toff? Moi, je sais pas. Les scooters. Voilà. Non, j'ai une vraie peur du vide par contre. C'est-à-dire, j'ai pas le vertige, j'ai peur du vide. Ah ouais. Ah, je vous rappelle qu'un jour, on avait décidé avec Paul, on était en vacances, on a offert à Toff un saut en parachute. En plus, dans des conditions quand même plutôt sympas, c'était en Arizona, donc décor quand même plutôt cool. Oh, les mecs qui sont blindés. Non, mais on a décollé, mais non, mais on était en vacances. On avait pas d'argent, on a squatté des chez les Marines. Voilà. Bon, enfin bref, c'est une histoire. Et donc, du coup, bon, qu'on était là-bas, on décide de lui offrir et donc. Ils montent dans l'avion avec nous, on saute, Polo, il y avait des potes, ils ont sauté, tout le monde saute. Des Warriors, des GI. On arrive en bas et puis on se dit, il est où Toff? Je comprends pas, ils sont regardés en l'air. Il y avait plus de parachutistes, quoi, tu vois. Et puis ce connard, il arrive de l'autre côté par le hangar. Et en fait, il est redescendu avec l'avion, il a atterri, puis il est descendu ce con. Je peux pas. Et en plus, quand tu sautes pas, quand t'as payé, une fois que t'as payé, quoi. Ah ouais, il te rembourse pas. Mais le mec, il a été cool, il m'a donné des bons pour aller dans un truc, c'est une soufflerie pour pouvoir mettre au-dessus et avoir la sensation. Waouh, super. Mais c'est mieux ça encore, je trouve. Mais non, c'est nul. Ouais, pareil, moi j'ai préféré. Hein, il y a moins de risques. N'importe quoi. Le vide est moins loin. C'est plus sympa. Qu'est-ce que c'est? Et toi, Polo, t'as des peurs? Non, pas forcément. Des phobies en l'occurrence? Le travail. Le travail, d'accord. Et toi, Sandro? Non, j'ai pas de peur. Oui, j'en ai plein. Les serpents. Voilà, les requins. Ouais. Enfin, les requins, j'ai quand même fait la cage à requins. Ouais, c'est vrai. Enfin, tu peux avoir la phobie quand même, pour le coup. Bah, hein. Ça me fascine. Ouais, elle a fait, mais on a quand même dû insister parce que sur la fin, t'étais plus chaude à 100% pour non, y aller. Non, parce que j'aime pas. En fait, je conçois pas de provoquer le danger. Ah oui, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un. Je comprends pas le saut en parachute. Ok, ça doit être bien, mais tu peux mourir. C'est la folie totale. Il y a quand même un. Ouais, mais quand tu roules avec ta voiture, tu peux mourir aussi. Pourquoi tu roules en voiture? Mais parce que la voiture, je suis habituée. En fait, c'est pas grave, tu peux t'habituer à sauter en parachute. Mais quand je suis passagère en voiture, je suis pas tranquille. Hein. Non, mais d'accord, mais pourtant, tu devrais plus être pas tranquille quand tu roules. Hein. Parce que Sandro, il faut quand même savoir que quand elle a bu un petit verre, en fait, elle s'arrête, elle gueule de partout. Dès qu'elle sort et tout, c'est stop! Elle se met devant les voitures et tout, elle est au taquet. Hein. Ouais, bah c'est fini, je bois plus de café. Comme ça, c'est réglé. Ça, c'est un problème d'argent, c'est tout, c'est pas un problème de boisson. Non, ça. Même. Ah bon, quand même, ça va. Ouais. Attention, 2013 est une bonne année peut-être pour Sandro, c'est bien. J'espère, je prie pour ça. Bah ouais, et Cédric, toi, c'est quoi donc, la phobie? Donc c'est les araignées, une autre quand même malgré tout ou pas? Ouais, le moteur du scooter de Toff. Ah, tu m'étonnes, mais ça, c'est une horreur. Hein. Mais c'est une horreur. Il y a un message de Kevin aussi sur le Facebook. Il dit salut l'équipe, bouillez à fond, la faites péter le studio. On la mettra tout à l'heure, Kevin, t'inquiète. Il y a Fonsia Love Nina qui dit moi aussi, les araignées, c'est horrible. Olivier qui dit la phobie des pigeons, moi personnellement. Clara qui dit j'ai la phobie du feu et du gaz. Wolf du 69 qui dit sur le Twitter moi j'ai la phobie des araignées. Dès que j'en vois une, je pars directement et en courant. Bah oui, forcément. Alors il y en a qui ont peur aussi. Enfin, il y a des gens qui ont peur de tout au final, hein, mais il y en a qui ont peur de sortir, il y en a qui ont peur du téléphone. Mais tu sais que... Il y en a plein. On a des phobies dont on se doute pas encore. On se doute pas encore en fait. Moi, on m'a sorti que j'étais agoraphobe, je savais pas. Ah bon? Ouais. Et il y a des trucs que tu développes comme ça au fil des années et tu t'en rends même pas compte. Et c'est quand un jour tu vois un médecin ou n'importe qui te dit ouais, vous avez ça. Et c'est là en fait que tu deviens vraiment pour le coup, alors qu'en fait pas du tout quoi, tu vois, là-bas. Bah peut-être. Non, justement, tu comprends plus de choses après. Ah, donc peut-être. Ça peut être intéressant. Et il y a Nadia aussi qui dit moi j'ai la phobie des serpents, rien d'en parler, j'en ai des frissons. Ouais, allez voir d'ailleurs, hein, si vous connaissez pas, c'est sur National Geographic, je crois qu'il y a aussi sur France 5 et sur RMC Découverte, les aventures de Brady Barr. Quand il est en train lui, c'est un psycho, lui. Hein. C'est-à-dire que lui, c'est crocodile. Crocodile, serpent, et il est dessus. Enfin bon, c'est un grand malade dans sa tête. Donc, allez voir si vous avez un peu la phobie, vous allez voir, ça va vous refroidir un peu, à mon avis. Bon, Cédric, merci à toi d'être passé, en tout cas. Mais avec plaisir, mais je pense qu'en fait, les phobies, ça vient aussi du fait de. Quand on est hypochondriaque, je pense que ça aide beaucoup aussi. Bah, non, hypochondriaque, c'est quand t'es persuadé d'être toujours malade. Non, c'est quand tu t'imagines le pire, en gros. Oui, bah, mais c'est ça. Mais t'es malade, t'imagines le pire, mais une araignée, c'est pareil. Moi, je sais que je suis hypochondriaque, c'est pour ça que dès que j'ai peur des araignées, Mais hypochondriaque, c'est quand t'es persuadé, dès que t'as, genre, j'en sais rien, moi, t'as un bouton et t'as un peu de sang ou t'as, j'en sais rien, quelque chose sur ta peau, t'as persuadé que t'as un cancer, ça y est, il te reste 2 mois à vie, tu vas mourir. Enfin, c'est ça, hypochondriaque. Oui, oui, ben, en fait, les araignées, c'est ça, en fait. J'ai peur qu'ils me piquent et après qu'il y ait du venin, enfin. Ah oui, oui, bah, bien sûr. Ouais, toi, t'es loin, toi. Ah ouais, mais toi, t'es effectivement. Faut se soigner vite, hein, parce que ça peut dégénérer, tu sais. C'est clair. Ça va. C'est clair, Céd. Bah, merci en tout cas d'être passé, hein, Céd. Je peux te faire une dédicace? Allez, vas-y, à une personne, elle connaît la règle. Je fais une dédicace à l'équipe des sardines, elles se reconnaîtront. Très bien, eh ben, écoute, le message est passé, il n'y a pas de problème. Salut moi, à toi. Tu fais une passion aussi ou pas? Ouais, ouais, tu vas gérer ça avec Sandro au standard. Salut, salut. Allez, ciao, Céd, bye bye. Bon, on aura aussi dans quelques instants Pierre avec nous là. Salut Pierre. Ouais, salut Michel. Comment ça va? Ça va et toi? Bah tranquille, ouais, sois le bienvenu. Tu nous appelles pourquoi toi, Pierre, dans un instant? Bah j'appelle pour les relations cousin-cousine. Ah, top classe. Bah très bien. Bah écoute, on va en parler dans un instant là. Bouge pas de là, Pierre. On aura aussi Steven là. Bah on va le prendre maintenant, Steven, tiens, qui voulait nous parler aussi de la rentrée là et qu'il est militaire. C'est ça, Steven? Oui. Bon, et bon courage d'ailleurs à ceux qui sont prêts pour la rentrée là. Je vous rappelle que c'est dans il y en a, ce sera pour demain. En tout cas, il y en a beaucoup, ce sera cette semaine. Et puis bon courage aussi à tous ceux qui sont sur la route du retour des vacances. Ah mais ils ont fait les malins à vouloir rentrer la dernière minute. Et ben là, c'est bouché partout. Ouais, voilà. Au pire, vous pouvez prendre le scooter. Ouais, vous pouvez toujours prendre le scooter effectivement. Ouais. Je sais pas si vous prendre. Ouais, ouais. Voilà, c'est livraison rapide. Bon, Steven, alors toi donc la rentrée c'est pour quand tu m'as dit? Ah c'est aujourd'hui là, je rentre. Ah ça y est, c'est aujourd'hui là, et tu fais t'es militaire toi? Voilà, c'est ça, je reprends le matin. Hop là. Et tu fais quoi, militaire, quel niveau? Comment ça? Bah c'est-à-dire que t'es dans quel quand on appelle ça? Ah, c'est l'armée de terre. Ah, l'armée de terre, voilà ce que je voulais savoir. D'accord, ok, très bien. Bon bah ça va toi, militaire en même temps. Ouais, si tu fais militaire, c'est que t'as voulu le faire, donc t'es plutôt content, j'imagine, de reprendre, non? Voilà, c'est ça. Ouais, oh, ouais, bah c'est voilà, ça. C'est bon esprit. C'est comme nous, la radio, tu vois, nous, après, on est content de la faire, donc la rentrée, pas la rentrée, bon, après, dans l'absolu, tu vois, ça reste toujours à la cool, donc c'est un peu le même truc, quoi. Mais après, je me mets à la place de ceux qui font un travail, qui détestent le taf qu'ils font, et franchement, c'est une galère, hein, je peux l'imaginer clairement, ouais. Bah, merci, Steven, en tout cas, et puis, bah, bon courage demain, hein, militaire, hein. Bah, merci. Bah, écoute, avec plaisir, hein, pas de problème, tu reviens quand tu veux, Steven. D'accord, merci, hein, merci à vous. Salut Steven, à bientôt et reste fidèle à fun. Ciao à toi Steven. Garde à vous. Ciao, et garde à vous. Allez, rompez. Fais-nous des pompes. Allez, au travail, ouais, c'est ça, 10 pompes. Allez, plus vite. Corvée de pommes de terre. Ouais, ouais, pommes de terre, ce serait bien par contre, ça peut être pas mal. Bon, salut Steven, allez, salut à toi, ciao. Salut. À bientôt, bye bye. Et puis on aura Mathilde dans un instant aussi par rapport aux phobies. Et en attendant, eh ben, comme promis, on se fait péter le son de Robin Thicke. Je vous en avais parlé tout à l'heure. To give it to you, on écoute ça maintenant sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit tous les soirs de la semaine, du lundi au jeudi, de 23h à 2h. Et puis bah, tous les dimanches, un nouvel horaire depuis la semaine dernière, 20h minuit sur Fun Radio. Bonne soirée avec Fun Radio. Hey, hey, girl, give it to me. Girl, give it. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No Limits. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Et restez là puisque tout à l'heure je vous cale aussi. Le son de Showtex sur Fun Radio avec Boya. Voilà, son que vous avez découvert, c'était jeudi soir. On vous l'avait tapé 3 fois d'ailleurs dans l'émission, tellement on l'aime bien. Voilà, Showtech, on vous passera avant 22h sur Fun Radio. Donc restez bien à l'écoute de Fun. Et puis on va accueillir Théo à nouveau là pour la colle. Là. Théo, t'es là? Ouais, je suis là. Bon, parfait. Et puis on aura aussi Amour, Gloire et Vulgarité dans un instant. L'épisode numéro 5, si je ne m'abuse. 3? Tu t'emballes. 3 seulement? Oui, 3. Ouais. Puisqu'il y avait le pilote. C'est vrai. Pilote, bah, numéro 3. Ouais. Alors autant pour moi. Bon, alors Théo, on va se faire vite fait maintenant là. Eh bien, la colle. Attention Théo, c'est là que tout va se jouer. On va voir maintenant si tu vas réussir ou pas à repartir avec cette PlayStation 3. T'en as déjà une ou pas Théo? Non. Ah putain, ce sera l'idéal quoi. Ouais. Ah, ce serait l'idéal. Bon, écoute, on va appeler le gagnant, le ou la gagnante maintenant, en tout cas celui qui a été tiré au sort. S'il a la bonne réponse, bah forcément tu perds. S'il ne l'a pas, tu gagnes. Et si jamais il ne décroche pas, eh bien tu gagnes aussi, d'accord? Ok. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Bonne chance à celui ou à celle qui va décrocher maintenant. Quelle horreur. Oh mais quelle horreur. Non mais le pire c'est l'autre là qui danse. Ah top, qui dandine, là. Ouais, ça sonne pas là. J'y peux rien. Florian. Oh, à la fin de votre attends, on va laisser un message à Florian. Si attends. Vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Ouais Florian, c'est Mickaël. Bah putain, tu sais quoi, la galère, je t'appelle pour un truc, là j'ai une talasse. Bon, en gros... Bah t'avais gagné une PS3 si t'avais la bonne réponse à la question là. Deux pommes de terre partent se coucher dans leur lit. Que sont-elles devenues le lendemain matin? Je vais quand même te laisser 3 secondes au cas où ton répondeur a la réponse. Ah non, il l'a pas. Ah non, il l'a pas. Non, non, bah, ah, il l'a merde, pas. Ouais, bon bah Théo. La honte. Ouais. Eh bah la PS3 elle est pour toi Théo. Bravo. Merci. Eh bah voilà. Eh, c'était quoi la bonne réponse au fait là? Deux pommes de terre partent se coucher dans leur lit. Que sont-elles devenues le lendemain? Des patates sautées. C'est une blague? Non. T'es sérieux avec cette réponse de merde là? Ouais. Oh là là là là là là là là. Bon bah écoute, je sais pas Florian si t'avais la bonne réponse en tout cas, mais si tu l'avais tu vas bien avoir la rage puisque bah c'est le répondeur donc du coup c'est perdu. Mais bravo à toi Théo, bah la PlayStation 3, la première de la semaine, elle part chez toi, elle part à Paris, voilà, en plus pas loin de la radio. Merci. Bah je t'en prie Théo, et cache ta joie surtout hein. Ouais. Non mais je peux pas, il y a mes parents qui dorment à côté. Ah mais d'accord, bah t'as qu'à gueuler, ton père il va être content, il va pouvoir la revendre. Ouais, j'imagine. Vas-y, ouais. Viens, on va les réveiller. Mets le truc à fond, mets. Ouais, mets la musique à fond de balle. Vas-y, mets à fond là. On va leur mettre le marteau piqueur dans la gueule. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Tété? En plus, j'ai un bon marteau piqueur, attention. Bon... Non, merci, je pense que ça va aller. Ouais, c'est ça, il a pas envie de commencer la rentrée directement en tanasse. Non, au mieux, mieux. Attends, il va recevoir la PS3, le père va lui dire. Eh ben, pendant 3 mois, là, interdiction de jouer. Tu sais, il va la mettre dans un placard là, dans un placard, ouais. Eh, Théo. Ouais. Tu es bien poli. Oui, tu es très poli, Théo. J'aime beaucoup. Moi, ouais, je fais ce que je peux. Bah non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien. C'est Théo. Bon, salut Théo. Passe une bonne soirée. Bravo encore. À bientôt. Merci. Allez, ciao à toi. Bye bye. On va parler des phobies aussi dans quelques instants. Mais avant de parler phobies, évidemment, il y a avec Julien et avec Anna notamment. Vous êtes là tous les deux, Julien et Anna? Oui. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez entendu la semaine dernière l'amour, gloire, vulgarité? Non, parce que je travaillais moi. Ah ben alors, tu travaillais. C'est pas une raison. Et c'est vrai que c'est pas une raison. Et ben justement, amour, gloire et vulgarité, c'est en rapport à évidemment des auditeurs qu'on a eu avec une histoire encore un peu improbable. Donc comme vous n'étiez pas là, bah, au final ça tombe un petit peu bien puisqu'on va comme ça vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé jeudi dernier. Restez bien là, Julien et Anna. Vous bougez pas? On bouge pas. Ouais, ça va. Parfait. Alors vous ne bougez pas et puis amour, gloire et vulgarité avec. C'est Marcel aujourd'hui ou... Non, Roger. Ah, c'est Roger. Oui, avec, Marcel est souffrant. Marcel est souffrant? Oui, petite grippe. Ah, merde, vous m'envoyez. Désolé, Roger. Bah, j'espère bien. Très bien. Avec Roger, donc, pour le résumé. Hein. Allons-y. C'est parti, vous êtes prêt, Roger? Je suis prêt. Allez. Dans l'épisode précédent d'Amour, Gloire et Vulgarité, vous avez pu suivre les aventures de Tara, Anna et Charlotte, mais aussi de Gis, clown raté, et de son ami Johan avec leur copine Marine. Il y a eu aussi Laetitia, Patrice et Anthony, et Julien, qui est aussi l'ex de Laetitia, qui a envoyé un message à Patrice, qui lui aussi un jour deviendra l'ex de Laetitia. Bienvenue dans le fabuleux monde d'amour, gloire et vulgarité. Vulgarité. Dans cet épisode... Les soutenus. Je soutiens, non, c'est pour mettre un peu d'effet. J'ai eu peur, pardon. Dans cet épisode... Je sors de amour, gloire et vulgarité. Très bien. S'il vous plaît, fermez la porte. En okay, excusez-moi, j'ai pas de porte, mais... Voilà. Dans cet épisode Valentin... Et Valentin va apprendre que dans la vie, il faut mieux parfois fermer sa gueule. Je vais la refaire. Dans cet épisode, Valentin va apprendre que dans la vie, il vaut mieux parfois fermer sa gueule. Gueule. Valentin a une ex-copine, Marie, qui aime la poésie et le glamour. Nique ta mère. Voilà. Valentin a voulu faire le malin. Il a décidé de critiquer sa bonne amie, la charmante Marie. Il se confie à Michael. Valentin rêve de sortir avec la sœur de Marie. Tu me dégoûtes. Marie est triste, énervée, perturbée, scandalisée, beurrée, choquée. Et j'arrête là parce que je n'ai plus de mots. Et elle ne sait plus quoi faire. Je veux plus avoir de nouvelles de toi. Est-ce que tu comprends? Valentin essaye de faire marche arrière, mais il n'a pas de voiture. Il veut une dernière chance. Je dis ça, mais je pensais pas vraiment. Valentin lui a acheté un poney pour lui faire plaisir. Mais Marie, va-t-elle accepter ce cadeau? Tu te le mets dans le cul, c'est bon maintenant. Marie ne veut pas du cadeau apparemment. Elle est toujours triste. Valentin tente de faire vibrer son cœur. Comment je fais pour dormir la nuit sans toi? Marie lui propose une solution, malgré la haine qui la ronge. Elle veut aider son ancien amoureux. Nique ta mère, t'as compris ça maintenant? Valentin la remercie et lui propose de redevenir sa meuf. Tu parles de faire foutre? Valentin n'arrive toujours pas à reconquérir le cœur de sa belle. Valentin n'a toujours pas fini sa scolarité. Il est toujours à court de mots pour s'exprimer. Non mais calme-toi. Marie ouais. ne veut rien entendre. Elle conclut cette histoire par de la poésie. Une phrase belle et puissante qui a changé la vie de millions de personnes. Un peu comme le i. Ah, pardon. Un peu comme quel le mauvais. un peu oh, comme Roger, le... quoi. Excusez-moi, mais... une petite faute de frappe m'a... un petit peu comme le I Have a Dream de Martin Luther King. Mais la fille de pute. Et je m'excuse auprès de lui. Valentin va-t-il réussir à épouser sa belle? Marie va-t-elle continuer à écrire de la poésie? Et succombera-t-elle à l'amour de Valentin? Et Michael va-t-il nettoyer tout ça au lance-flammes? Tout ça et un peu plus encore. Vous le saurez dans le prochain épisode d'Amour, Gloire et Vulgarité. Mais la de Ah ouais, Roger résumé, là, comment vous expliquez qu'il était au top hein, j'ai adoré. Un peu comme le I. Yves Dream. Allez, ça a moins une gueule comme ça, là. Ouais, mais c'est du live. Oui, c'est vrai. Je m'excuse encore auprès c'est de Martin. C'est live en direct. Il n'y a pas de problème, Roger. Vous revenez quand vous voulez. Hein, Avec plaisir. Bah, très bien, je compte sur vous. Bon, Anna Mabel, t'es là, Anna? Oui, je suis là, toujours. Bon, très bien. T'as remarqué le jeu de mots. Anna Mabel, Annabelle. Elle s'appelle Anna, mais bon. Oh très putain, joli. Quel talent quand même. Oh, bravo, quel talent. Oui, je trouve aussi, je devrais moi-même être clown. Ouais. Hey, fermez vos gueules, je vous descends tous, d'accord? Ouais, attention. Attends, tu m'as... Bon. T'as loupé Toff, en fait. Ah merde, attends. T'en remue dans sa sale gueule, là. Non, Toff, t'en la joues? Ah, voilà. Ouais, mais ça suffit pas. Ouais, mais il est mieux comme ça. Il est mieux comme ça? Ouais, il est mieux, il est mieux. Moi, j'aurais rajouté un petit coup de pelle, là, sur le derrière du crâne. Anna? Oui. Tu trouves pas qu'il est un peu mieux comme cette offre depuis qu'on lui a un peu ravalé la façade? J'avoue. Attends, parce qu'il y a quand même encore un. Non, il y a encore un petit truc là que je voudrais. Une bosse. Que je voudrais réparer. Attends. Voilà. Là, il va mieux là. Attends. Qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, petit coup. Je suis dans le détail là. Hein. Voilà. Un est mieux là. Hein. Il est bien. Un, il est mieux. Ah, oui. Franchement, là, c'est nickel. On va demander à Linda, Trisky, t'es avec nous, là. Qu'est-ce que t'en penses? Il est mieux, là, depuis qu'on lui a ravalé la gueule, quand on lui a mis un petit coup de marteau piqueur dans la tronche, non? Ah oui, carrément. Carrément, hein? Ah oui. Ah, il est pas mal. Attends, je vais réessayer. Attends. Voilà. Je vais lui mettre un peu de coloration, tiens. Petit coup de lance-flamme. Ah, il va être noir comme ça, c'est mieux. Un peu cramé comme ça. Ça va donner ancien. Ouais, ça va donner mieux, effectivement. Un peu de patine comme ça, il paraît que c'est sympa. Bon, Anna, on va parler des phobies dans un instant? Oui. Bon, ne bouge pas de là alors. Est-ce que tu connais le nouveau Showtech? Non, en fait, enfin, je suis pas trop sur la radio malheureusement. Eh ben, c'est mal. Je monte ma boîte. Ok, d'accord, Anna. Ben, on va en parler dans un instant alors. Oui. Bouge pas de là. Et puis Showtech, c'est ça, c'est bouillant. On va t'écouter dans un instant. Tu bouges pas de là, Anna. On revient dans un instant. On revient avec Julien également. On revient avec Pierre. On revient avec vous. Ne bougez pas. C'est Fun Radio. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No limit. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël, nos limites, 20h minuit sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio avec tous vos messages évidemment. Et puis il y a Mickaël qui a un message qui est arrivé, pardon, qui dit: Mickaël, j'ai raté Amour, Gloire et Vulgarité. Ah bah oui, merde, bad bol, ça, effectivement, ça va être passé. Puis il y a 10 minutes en plus. Hein. Martin qui dit: il est où le pipo? Bah il est là le pipo, là, il est pas loin, attends. Voilà, le pipo il est là, il n'y a pas de problème. Et Nadia qui dit: pété de rire, Mickaël, il a le lance-flamme dans sa poche, olé. Oui, t'inquiète pas. Venez nombreux hein, sur le Twitter, hein, n'hésitez pas d'ailleurs, hein, venez nous rejoindre évidemment, puisque je vous rappelle que si vous me faites un follow sur le Twitter ou sur l'Instagram, eh bien je vous fais également un follow, donc on se suivra mutuellement. Donc n'hésitez pas à venir, plein d'infos, et puis comme ça, bah, je suivrai un petit peu votre vie, et puis pareil aussi dans l'autre sens. Hein. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Donc sur le Twitter, vous tapez Mickaël officiel. Voilà, mm-hmm. Je parlais de Facebook également, puisqu'il y a un iPod Nano à gagner avant minuit sur Fun Radio. N'hésitez pas à débarquer, on va reparler des phobies dans un instant avec Anna, également avec Mathilde et avec Julien. Et puis on va se faire péter maintenant le son de Showtech qu'on écoute tout de suite. On l'avait fait découvrir jeudi, on l'avait passé trois fois tellement on l'aime bien. C'est Bouya sur Fun Radio tout de suite. Qu'est-ce qu'il est énorme, le nouveau son de Showtech avec Bouya à l'instant. On vous l'avait fait passer jeudi soir. Puis on l'avait tellement kiffé qu'on l'avait mis plusieurs fois. Donc si vous voulez qu'on le réécoute ce soir avant minuit, n'hésitez pas à venir nous le dire. Hein. Vous tapez le hashtag Mickaël évidemment sur Twitter. Dites-nous si vous voulez qu'on le remette encore un petit coup, le son de Showtech. Alors pour ceux qui viennent de débarquer, bah, vous avez loupé le Showtech. C'est celui-là. Voilà, on le remettra peut-être tout à l'heure. Hein. Si vous voulez écouter, n'hésitez pas. Hein. En tout cas, moi, personnellement, oui. Voilà, donc je vais mettre hashtag Mickaël. Oui, je veux le réentendre. Et puis, est-ce que vous me suivez ou pas? Je verrai, voilà. Ouais, et puis, restez là aussi, dans le même délai, on aura Martin Garrix avec Animals. Et puis, on va se faire un vieux son. Enfin, un vieux, il a pas 150 ans non plus, mais en tout cas, ça va être bien, celui-là. Beyoncé. La belle Beyoncé avec Crazy in Love, tout à l'heure, avant 23h sur Fun. Et puis je vous rappelle également qu'on est à le nouvel horaire hein, depuis dimanche dernier, 20h minuit, tous les dimanches soirs sur Fun Radio. Donc si vous voulez balancer vos messages, vous êtes les bienvenus. Prenez le contrôle 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Et puis 02 851 4x0. On parle aussi de la rentrée jusqu'à minuit. Donc là aussi, si vous êtes en mode galère hein, pour la rentrée, là c'est demain, mardi, mercredi, bon ça dépend pour qui. Mais dites-nous comment est-ce que vous le vivez justement au niveau de vos rentrées. Et ouais, bah nous, ouais, mais nous on est rentrés depuis le 22 juillet, donc nous on l'a plutôt bien vécu. Ouais. Mais après pour ceux qui vont genre au bahut, qui reprennent le boulot, un nouveau boulot éventuellement, bah venez nous en parler justement. Tiens, Anna, toi c'était quoi ta pire rentrée par exemple? Ma pire rentrée, ouais. Je crois que c'était au collège. Ouais. L'entrée sixième, mais quelle horreur. Pourquoi? Pourquoi? Bah parce qu'en fait, j'étais déjà assez grande, hein, 1m74. Oh ouais. Et combien tu pèses? Allô, tu perds pas le nord. Petit curieux, dis donc. Oui, je suis très curieux, Anna. Combien mesure? Bon, allez, je vais te donner une tranche entre 50 et 60 kilos. Mais non. Non, mais combien tranche? Nous, on veut tout le gras, on veut le gras. Ça, nous, on veut tout savoir. On veut l'os, on veut pas une tranche de porc. Voilà, on veut tout savoir. Vous êtes des petits curieux quand même. Bien sûr. Des porcs, c'est sûr. Alors, je t'écoute. Alors, en fait, pour savoir mon poids? Bah oui, ah oui, oui, bien sûr, poids, bien sûr. Allons, l'essentiel. D'accord, moins 56 alors. Waouh, quel est ton tour de poitrine? Mais pour en mettre combien du coup? 74? Oui. Ah, il faut manger maintenant. Non, c'est parfait, j'aime bien moi ça. Ouais, ouais, mais... Moi, je trouve que j'ai plutôt bien réussi après une grossesse. Ah ouais, en plus? Ouais, non, alors d'accord. Tu viens tout tuer là, allez. Non, alors d'accord. Arrête, je suis sûr qu'elle a des gros seins. Combien de tours de poitrine? Ah, par contre, la taille de poitrine, je donne pas. Oh, t'en fous. Et tu peux le mitonner, c'est pour toi, enfin il s'en fout. Hein. Lui c'est pour mettre dans ses statistiques. Hein. Tu mets un 85C, il sera content, hein, ouais, peu importe que ce soit vrai ou faux. Ça casse les statistiques. D'accord, alors un petit 85C. D'accord. Et la taille du dernier pantalon que tu as? Il est content, il note. Bien sûr. Et bon, le dernier pantalon? De quoi pantalon? Que tu as acheté? La taille. Oh, la taille, 40. 40. Ouais, c'est pas mal. Hein. Très bien, ouais, mais hein? t'es maqué là, Anna, de toute façon, c'était un gosse et tout, non? Eh oui. Voilà, tu vois. Donc, c'est dommage parce que je suis sûr qu'un 40 avec une petite fessée, ça doit bien rebondir. Merci Tof. Mais tu poses jamais la bonne question au premier. Si si, t'inquiète. Mais non, tu poses pas la bonne question au premier. Je pense qu'il s'en fout, lui, qu'elle soit là. D'abord demander à la dame si elle a un copain c'est ou pas. C'est ça, voilà. Bon, Anna, sinon donc ta pire rentrée, c'était quoi? Donc t'avais 1m74 et... Bah au collège, c'est vrai que quand on rentre et qu'on voit que tout le monde ils sont de plus en plus petits, bah on se retrouve un peu comme une géante à l'intérieur. Ouais, là ouais, forcément. Et puis forcément, c'est toutes les vannes de merde qui arrivent. Voilà, c'est ça. La galère. Exactement. Et donc c'est ça ta pire rentrée juste par rapport à ta taille? Bah honnêtement, lui, j'ai pas eu spécialement... on va dire qu'au début, je me tenais plutôt tranquille. Hein, comme j'étais fille de prof, j'avais pas intérêt à mal me faire. Oh là là, fille de prof! Oh la pire! Oh putain! Pire faillot, ouais. Ah ouais. Mais ça m'aide pas, non, parce qu'après, je suis plutôt tournée dans le côté où j'étais pas du tout la faillot. J'aimais bien être derrière dans mon petit coin avec les copains et les copines. D'accord, mais rassure-moi, t'étais pas dans le... C'était pas ta mère, la prof? Enfin, je veux dire... Non, c'était mon père, mais je voulais pas du tout être dans le même établissement que lui. D'accord, enfin c'est ça que je voulais dire, c'est que c'était pas le prof, ton prof à toi, quoi. Ah non, mais mis à part que mon père connaissait tous les profs que j'avais. Ah la galère, d'accord, ok. Moi la pire c'était, en fait j'arrive dans Nouveau Bahut. J'arrive et donc cinquième, hein, faut-il le préciser? Ouais, non, mais j'ai changé plein de fois, presque tous les ans. Mais bon, nouveau bahut quand même, donc j'arrive. Déjà, je suis presque en retard, donc j'avais 5 minutes d'avance. Donc j'arrive et puis là, bah forcément le bordel. Attends, c'est super compliqué. Il y avait pas les, tu sais, c'était des classes avec des numéros quoi. Donc c'est genre classe 102 ou j'en sais rien. Et je me suis perdu quoi. Je suis arrivé dans une mauvaise classe et je m'installe. Je suis en retard. J'ai la prof, elle me gueule dessus. Puis elle fait les présences. Puis ouais, mais vous m'avez oublié. Bah là, vous êtes pas sur ma liste. Bah je dis si. Attendez, si, mais c'est bien la classe de Madame Machin. Ah non, pas du tout, ça c'est l'étage en dessous. Oh putain. Et là, il y a tout le monde qui se fout de ta gueule. Non, mais déjà, mais le pire, c'est que t'arrives en retard à la première classe, tu te fais démonter parce que t'es en retard. Ouais. Mais après, va t'en prouver que t'étais dans la classe d'avant, donc tu redescends. Et là, bah, tu te reprends de nouveau une engueulade, premier jour, tu sais. Ouais. Premier jour de rentrée, donc direct, ça c'était direct, t'étais bien affiché. Comment faire repérer en 2 secondes. Exactement, mais ça j'ai toujours eu cet art de me faire repérer à ce niveau-là, mais jamais pour les bonnes raisons. De quoi? Oh, ça va, on est deux. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, c'était jamais pour les bonnes raisons, mais bon. Et toi, la pire rentrée La pire rentrée, j'y suis pas allé. Oui, c'est une bonne rentrée. C'était pas mal. Non. En fait, c'est. Bah, allez, je me sens encore mieux, on y va. Mais c'est parce qu'il est tombé en panne avec son scooter. Pour sortir des trucs comme ça. Voilà, c'est ça, ouais. Non, mais en fait, j'étais pas là. J'étais pas sur le territoire, quoi. J'étais ailleurs. D'accord, était sur en le fait, territoire. Ta tête était là-bas, mais toi, physiquement, non, non, t'y étais non. pas, quoi. Non, en fait, j'étais parti en vacances avec mes grands-parents qui n'en avaient rien à foutre de la rentrée. Quand t'as fait ta fric, quand t'es tombée. Ah ouais, d'accord. Il faut rappeler que la mère de Toff, elle est... Elle était directrice d'école, effectivement. Ouais, bravo, c'est vrai. Les grands-parents. Bravo, effectivement, elle a l'image. Ouais, mais ils ne sera pas là pour la rentrée, c'est encore ça. En vacances. Exact. Ouais. Non, mais c'est pas ça, c'est que ça tombait un jeudi. Ils se sont dit, ouais, tant qu'à faire, on le garde jusqu'à dimanche, quoi. Bah oui, non, mais c'est ça, en plus, quelle chance, hein. Hein, on va garder Toff jusqu'à dimanche, quel bol. Il me kiffait. Anna. Oui. Alors, toi, tu voulais nous parler, non pas des rentrées, mais au final, c'est quelque chose qui peut aussi être une phobie, hein, la rentrée, cela dit. C'est quoi, toi, ta phobie, Anna? Bah, en fait, moi, j'en ai deux, c'est les araignées et les clowns. Les clowns? Oui. Mais comment ça, les clowns? Mais ouais, vous êtes pas. Nombreux dans ce cas-là. Ah, mais j'ai une peur panique des clowns. C'est, je peux pas avoir tous ces masques de clowns. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? T'as peur qu'ils viennent t'attaquer avec leurs grandes chaussures ou leur gros nez rouge? Non, malheureusement, j'ai eu deux frangins beaucoup plus grands que moi. Ouais. Et qui s'amusaient à me faire croire qu'on allait me choper les pieds, par exemple. Etc. Oui, il y a eu un film d'horreur à base de clowns. Hein. Ils sont amusés à montrer ce genre de film super sympa pour une petite fille, quoi. Et puis, bah, attends, j'ai la panique. Tu m'étonnes. Et si je te mets une musique comme ça? T'as peur ou pas? Bah, en fait, non, ça me dérange pas. C'est de le voir physiquement. Attends, je te passe Toff le clown. Allez, Toff le clown. Ah non, ça par contre, j'en ai horreur, quoi. Le hé à la fin. Mais on peut le taper, le clown, là. Non mais t'es sérieux avec ton clown? C'est quoi ce vieux clown? Tiens, un coup de lance-flamme. Ouais, mais t'as à faire couler le maquillage, Toff, ça. T'as raté une carrière, hein. Ouais, mais en fait, il les a tous ratés, hein. Alors qu'il a failli être presque DJ. J'ai failli être presque clown aussi. Hein, presque clown. Pour le même prix, c'est aujourd'hui, on se l'arrête Miko, Party Fun, ouais. Alors que par rapport à Toff, il est mauvais. Ah mais Toff aurait dû faire comédien. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Comédien. Mais... Comédien, voilà, c'est ça. Alors que bon, voilà, on aurait eu Toff à la place de Miko. Là, on aurait été lourd. En termes de Party Fun, je pense, non? Mais en fait, David Guetta, c'est ma carrière, il m'a tout volé. Hein. Ah c'est ça. C'est marrant parce que j'ai un peu de mal à te croire quand même. Bon, et donc toi, du coup, c'est la phobie des clowns. Mais alors, tu vas faire comment, Anna? Parce que t'as un petit garçon ou une petite fille, non? J'ai une petite fille. Quand il va vouloir aller au cirque? Bah, en fait, ça me gêne pas tant qu'on m'approche pas. Ah, d'accord, ok. Et quand t'as ta petite fille qui va dire, hey, maman, je vais aller voir le clown? Non, pas question. Ah non, je sais pas, c'est papa qui y va. Oh là là, putain. Juste un truc, vous rigolez, mais on a un ami très proche qui a peur des clowns aussi. Hein. Ah bon? Ah, le croupier. Ah oui, un mec qui est croupi, qui a peur des clowns, c'est vrai, ouais. C'est vrai, mais c'est vrai que, et oui, c'est vrai que j'avais oublié, c'est vrai que je cherchais quelqu'un qui, dans mes connaissances, qui avait peur des clowns, et effectivement, j'en ai trouvé un, ouais. C'est vrai, comme quoi. Heureusement, ça va, parce que des clowns, t'en croises pas non plus tous les jours. Ouais, non, bah oui, c'est vrai, heureusement. Que voilà, t'es à l'abri. Et les araignées, t'as déjà vu des vraies belles araignées ou jamais? Alors, en fait, oui, parce que, mes parents habitent à la campagne. Ouais. Et mon voisin avait deux belles mygales. Ah, sympa. Aïe, aïe, aïe. Et en fait, il y en a une, malheureusement, je l'ai massacré parce qu'il a essayé de la mettre sur moi, en fait. Ah bah non, mais et ça, c'est je l'ai fait voler sur la table et j'ai mis un verre, sauf que je lui ai pété son... Tu as démonté l'araignée. C'est ça, en fait, je l'ai coupé en deux. Oh merde. du coup, il y avait trois mygales. Du coup, en fait, je me suis retrouvée avec les deux mygales, enfin bref, voilà. Oh putain, l'angoisse. C'est une horreur. La mygale, quand tu la coupes en deux, est-ce que les deux côtés courent ou est-ce qu'elle est morte? Ou elle s'arrête? Bah, en fait, il y a un côté qui bouge. Ah, quand même. C'est horrible. Et son arrière-train, il bouge plus, quoi. Mais c'est là où il y a le nain, il y a. Ouais, mais enfin, ça marche moins bien, évidemment, vu qu'il n'y a plus que quatre pattes, quoi. Ah non, ça marche moins bien, mais ça choque quand ça gambade alors qu'il n'y a plus. C'est clair, quand il manque un morceau, quoi. Ouais, voilà, c'est clair. Bon, bah, merci, Anna. Hein. Bah, de rien. Et reviens quand tu veux, surtout, hein. Pas de soucis, il y a moyen que je fasse un petit truc vite fait? Que tu veux faire un truc quoi? Plan plusieurs ou c'est quoi? Non, c'est on en fait c'est juste pour parler. On arrive chez toi. Ouais, en scooter évidemment, t'inquiète pas là. Bon, juste pour la on arrive, alors. on arrive. Mais t'inquiète pas, on a mis les casques. Bon, vas-y, fais péter, qu'est-ce que tu voulais dire? Dis-moi là. En fait, je vais juste parler de la page que j'ai créée avec mon homme. Ouais. C'est on fait de la lingerie en fait française. Ouais. De la lingerie, c'est-à-dire. Bah, en fait, il y a juste à aller sur. Comme t'as une page Facebook, tu pourras aller la voir facilement comme elle est publique. C'est Oser Désir. Ah, je crois que t'as dit Oser Baiser. Je me dis, putain, je disais quoi le nom de sa page là? Oser Désir. Oser le désir, voilà. Ah, oser le désir. Ah ouais, avec une rose, enfin un truc rose c'est en tout cas. C'est ça. C'est ça. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, 111 personnes qui y sont fans, c'est pas énorme, hein. Bah lui, on vient juste de l'ouvrir en fait. Ah bah ouais, évidemment. Et c'est quoi le concept de la page là? Ça parle de quoi? Ça sert à quoi? En fait, le concept de la page, si tu veux, c'est qu'on en a marre qu'il y ait de la lingerie qui vienne de Chine, etc., qu'il y ait tout qui casse. Enfin bref, au bout d'un, même pas un mois, il y a tout qui foire. Hein, n'importe. Mais ça, tu diras à ton mec de rester un peu plus calme aussi. Hein. C'est-à-dire que comment t'expliquer que s'il démonte tout à chaque fois avec les dents... Il est un peu moins radin. Ouais, aussi, ouais. Et puis, bah, en fait, le but, c'est d'offrir de la qualité, mais après abordable pour tout le monde, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on boit des ensembles à plus de 100 euros. Ça coûte cher, hein. Ah oui, c'est clair. Ça coûte très, très cher. Hors de prix. Mais donc t'en vends en fait, c'est ça? Pour s'habiller, voilà, et comme quoi on peut avoir un petit budget et être super belle, super désirable pour son copain ou sa future conquête. On a rien à voir avec l'argent, la beauté, si tu veux ce que je vais te dire. Non, mais après, s'habiller comme un sac, mais c'est vrai, mais quand on voit des jeunes qui n'ont pas forcément le budget adéquat pour payer des belles fringues, etc., c'est vrai que c'est dommage. Bah écoute, on fera la promo. Alors bah écoutez, allez voir, hein. Osez, donc O-S-E-Z, espace le, espace désir, quoi. Osez le désir sur le Facebook. Allez voir un petit peu ce qui se passe. Il y a une belle bouche avec une cerise, donc c'est bien. Bah t'as déjà gagné 20 personnes, tu vois, t'as vu. Moi je voulais juste savoir, tu connais les mannequins qui portent les trucs? Parce que... Elle t'intéresse, j'avoue. Plus que les enfants voilà. De toi. Mais t'inquiète pas, si tu veux, Tof, il fait mannequin. Si t'es gentil, je vais bien t'en présenter quelques-unes. Viens à la radio avec les mannequins. Radio, avec les slibards, avec les soutiens-gorge. On fait défiler. Et on fait un défilé ici. Voilà, on fait défiler. Mais oui. Mais t'inquiète. Bon, on va négocier en antenne, Anna. Pour toi, tu veux les rencontrer? Oui. T'as déjà testé un boxer pour homme niveau panthère? J'ai pas testé, mais tu me l'apportes. T'inquiète pas, Tof, il va faire mannequin. Quand tu veux, tu m'envoies une invite, je te l'amène tout de moi-même. Tu es invité, Anna, voilà, ça y est, c'est fait. Je t'envoie un message directement sur Osez je sais pas quoi, là. Osez le désir. Osez je sais pas quoi. Osez le désir. Voilà. Osez le désir sur le Facebook. Voilà. Bah écoute, pas de problème. Et viens avec le matos si on fait un défilé ici. Alors on va mettre tes mannequins avec le presque mannequin qu'on a ici. Enfin, il est loin d'être presque, hein. Il est le pas du tout mannequin. C'est un vrai mannequin de. Ouais. Cochonou. Voilà, c'est du cochon français, madame. Exactement, oui, c'est du nourri cochon. Que au gras. C'est du cochon français, que du lard, exactement. Yeah. Voilà, il va dire. Il y a moyen d'avoir un petit truc de vous pour avoir un petit souvenir. Ouais, mais bien Tof. Sûr, t'inquiète pas. Ouais, on va t'envoyer Tof. Tu vas voir, il vient en scooter, il arrive. Là. Voilà, bon, bah, c'est fait. Il a un petit souci son scooter. Hein. Ah ouais, il a un problème de moteur, ouais, je te confirme, effectivement, vous êtes garagiste, n'hésitez pas, on cherche quelqu'un pour l'appareil. Hein. Non mais sérieux, hein, cela dit, tu peux venir un de ces quatre à la radio avec 2-3 personnes, avec du matos, sauf il va défiler, hein, pas de problème, avec le léopard, avec tout ce que tu veux. Ah bah écoute, si tu m'envoies l'invite, y'a pas de problème, c'est fait, c'est envoyé. T'es invité là, Anna, là, on va pas t'inviter 100 fois. En plus, t'habites à Reims, donc tu vas ramener une petite bouteille aussi, accessoirement. Ah bah le champagne, c'est vrai que c'est le meilleur chez nous, bah, voyons. C'est ça, donc on fait une pierre de coup, en fait, hein, parce qu'il y en a pas ailleurs. De quoi? Non, elle dit le champagne c'est le meilleur chez nous, mais il y en a pas ailleurs. Oui, enfin techniquement il n'y en a pas ailleurs, effectivement. Bon ben là, je te fais des gros bisous, je te repasse Sandra au standard et tu gères ça, d'accord? Ok, pas de soucis. Bon ben salut, à bientôt. Ciao, merci à tout le monde, bisous. Allez, ciao à toi, bye bye. Bon ben très bien. Eh ben voilà, on vous remettra la promo de Osez le désir là sur le Facebook, sur la page de l'émission. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et en parlant de Facebook, je vous rappelle aussi qu'il y a un iPod Nano à gagner tout à l'heure avant minuit. Si vous voulez tenter de le gagner, à vous de jouer dès maintenant. C'est facile, il suffit simplement de faire un like sur Mickaël officiel sur le Facebook et puis sur la petite photo où il y a un iPod Nano. On fera un tirage au sort parmi vous, parmi les likers tout à l'heure. Il y a Antoine aussi qui dit un défilé par la radio, les beaux salauds, ils ont tout compris. Ah, bien sûr, Antoine. Nadia aussi sur le Twitter qui dit merci avec vos trucs d'araignée, je dormirai plus, mais non, imagine juste que peut-être il y en a une en dessous de ton coussin, quoi. Ton oreiller. Qu'elle remonte doucement comme ça le long de l'oreille. Ouais, c'est ça. À un moment, peut-être que tu vas voir ta jambe qui chatouille, et puis là, la migale remontera. Tranquillement, doucement. Message aussi qui est arrivé par SMS. Mickaël, souhaite-moi bonne chance. Demain, j'ai examen de seconde 16 qui détermine mon année. J'ai les boules, vous êtes super. Bon courage à toi, à tous ceux-là aussi d'ailleurs. Louis qui dit Tof le clown et son super scooter, ça fait peur. Ah bah, je te confirme, Louis. Et puis l'imperfection qui dit aussi phobie des pieds et aussi des araignées, mais moins prononcée quand même. Ouais, moi aussi, j'aime pas les pieds. Je n'ai pas la phobie, mais moi, je trouve ça boche. Et alors, CK Mystique aussi qui dit Tof avec un slip léopard. Ah, mais attendez, on va s'arranger pour que Anna vienne avec effectivement le truc léopard et tout, mais je pense qu'on va faire un carton là entre les meufs qui vont être super bonnes à mon avis et Tof qui va ressembler à rien. Super bon. Ah bah qui va ressembler à. Ah ça. Voilà, il va être là avec son espèce de truc léopard dégueulasse là. Oh, ça va être une horreur. Ça va être une horreur. J'ai déjà peur d'avance. Rien que d'y penser, je me kiffe. Ah ouais, tu bah, t'emballes pas non plus. T'emballes pas non plus. On aura Phoebe aussi. On aura Mathilde, pardon, qui voulait réagir à la phobie. Parce que je vois Phoebe dans son arme. Ça va, Mathilde? Oui, très bien. Bon, très bien. Sois la bienvenue. T'appelles de Lille, toi, dans le Nord, Nord-Pas-de-Calais, pour être précis. Non, dans le Nord, exactement, oui, tout à fait. Là aussi, dans le standard, hein, dans le standard. Voilà, c'est tout ce que vous méritez. C'est tout ce que vous méritez. Bon, alors, donc, de Lille, Mathilde, tu voulais parler des phobies, toi, dans un instant, c'est ça? Oui. Bon, c'est quoi ta phobie? Les sangliers. Les quoi? Les sangliers? Les sangliers. Le sanglier. Attends, c'est quoi ton stress? Comment tu peux avoir... Enfin, oui, tu peux avoir peur des sangliers, mais t'en croises pas tout le temps, quoi. Ouais, mais c'est comme son droit avec les requins à Paris, hein. C'est pas comme s'il y en a un qui allait sortir du métro. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors, ça dépend, dans un vieux film tout pourri, il peut. Hein. Ouais, dans Shark Attack 220. Ouais. Shark Attack on the Subway. Le truc, il est net. Oh, le film de merde. L'attaque des requins dans le métro. Avec une bombe de meuf qui se fait dégorger à la fin. C'est toujours ça, ouais. C'est avec le truc du footballeur. La mauvaise actrice. Hein. Ouais, c'est ça. Un bon film de série Z. Ouais. Mais bon, quoi? Et donc, Mathilde, toi, mais tu t'es déjà fait attaquer par un sanglier un jour? Ou c'est à cause d'Astérix? Non, j'en ai déjà vu un passé, et dans ma voiture, et j'en ai déjà vu un passé, et j'ai gueulé dans la voiture, alors que le sanglier, il passait juste avec ses bébés. Hein. Ah ouais? Donc il t'a même pas attaqué, ou quoi que ce non, soit? Non, il m'a rien fait, mais j'ai gueulé. Non, mais c'est une phobie comme une autre, hein. T'en as d'autres, ou hormis le sanglier? Ouais, j'avais des clowns aussi avant. Mais ah, moi, les clowns aussi, bah, c'est comme un adieu. Ouais, c'est ça. Arrête ça directement. Bref. D'accord, ok. Non, mais pourquoi pas. Très bien. Écoute, on prend note. Hein. Si vous avez aussi des phobies, là, n'hésitez pas à venir nous en parler. Pareil sur le Facebook et le Twitter. Hein. Vous tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Et toi, comment ça se passe la rentrée, Mathilde? Là, c'est pour quand, là? Moi, c'est la semaine prochaine. Alors, j'ai le temps. Oh, ça va. Toi, tu t'es mise bien, là. Ah ouais, mais c'est parce qu'il y a la braderie à Lille, c'est pour ça. Il peut pas tout faire. Il peut faire la braderie et rentrer. Ah ouais, du coup, ils sont reportés une semaine. Mais ça va, t'es quand même en angoisse ou pas de la rentrée là, malgré que ce soit dans une semaine? Non, pas du tout. Non, tu es cool, tu sens que ça va bien se passer? Oui, parce que je suis en vacances, alors je m'en fous. Ouais, non, mais t'as raison, écoute. Bah, tu rentres en quelle classe? Je peux en CAP, petite enfance. En quoi? En CAP, petite enfance. Petite enfance? Oui, voilà, je vais m'occuper des enfants. D'accord, ok, très bien, j'avais pas compris. Parfait, eh ben écoute, y a pas de souci. Bah écoute, bon courage Mathilde, et tu reviens quand tu veux sur Fun, d'accord? Bah ouais. Eh ben, avec plaisir. Salut à toi Mathilde, ciao. Salut. Allez, bye bye. Et puis restez sur Fun Radio, là on va revenir en direct avec vous toutes et vous tous dans un instant sur Fun Radio, et puis avec le son de DJ Antoine. DJ Antoine avec Bella Vita, c'est ce qui va arriver dans un instant sur Fun Radio. Mickaël, No Limit, 20h minuit, c'est tous les dimanches. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Mickaël, No Limit, 20h minuit. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, avec tous vos messages qui arrivent évidemment là. 22h12, on est en direct dans toute la France. 01 42 48 5000 pour appeler. Vous venez parler des phobies là justement ce soir. Vous venez parler également si vous voulez, comme Julien qui couche avec la mère de son meilleur pote. Donc on va en parler dans un instant. Et puis je vous rappelle également que vous pouvez venir parler de ce que vous voulez. Prenez le contrôle de l'émission. Prenez le contrôle de Fun Radio jusqu'à minuit. 01 42 48 5000. Voilà, connaissez le principe. Et puis ça marche également, hein, je vous le signale, sur le Facebook, le Twitter et l'Instagram pour venir nous ajouter. C'est Mickaël officiel qu'il faut taper. Et je vous rappelle que sur Twitter et sur Instagram, si vous me faites un follow, eh bien je vous followerai également. Voilà, je vous suivrai si vous me suivez. C'est aussi simple que ça, comme ça on peut partager toutes nos conneries tout au long de la journée. J'attends tous vos messages en direct. Voilà, Twitter, vous tapez Mickaël officiel. Bonne soirée avec Fun Radio. Mickaël No Limit, c'est tous les jours, du lundi au jeudi, de 23h à 2h du mat. Et tous les dimanches, depuis dimanche dernier, de 20h à minuit. Faites passer le message. On écoute DJ Antoine maintenant. C'est Bella Vita sur Fun. C'est Fun Radio et DJ Antoine. À l'instant, Bella Vita. Et pour prendre le contrôle de Fun, un seul numéro. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Et ben voilà, il suffit simplement de venir prendre le contrôle de Fun Radio. On est là jusqu'à minuit sur Fun avec tout à l'heure encore du lourd. Hein. On parlera encore des phobies justement. Tiens, et puis avec Linda, tiens, une actrice qui est passée nous voir avec son cousin là qui est derrière avec Théo, qui bouge plus d'à côté de Polo, hein, c'est bizarre. Je pense qu'elle est sous le charme. Eh oui, ouais, tu parles d'un charme. Et quel charme. Et quel non, charme. Elle est un peu jeune, Tof. Et donc, Linda, toi, tu disais quoi? T'avais aussi la phobie de quelque chose? Oui, moi j'avais peur des ascenseurs. Des ascenseurs? Oui, bah encore un peu aujourd'hui. Ah ouais, mais t'es monté à la radio comment, avec l'ascenseur ou à pied? Avec l'ascenseur. Ah, mais méfie-toi parce qu'il est, il est tellement bizarre, il est tellement tout petit celui de Fun que. Enfin, on n'est pas à l'abri qu'il reste coincé à un moment ou à l'autre. J'ai grimpé par la fenêtre avec un grappin. Ah oui, c'est ça, par l'extérieur, j'ai effectivement. J'ai préféré, ça m'a paru moins dangereux. Et quoi d'autre, Linda? Moi, j'ai peur des statuettes africaines. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, d'être marabouté avec les mecs qui mettent des. Bah ouais. Mais t'as déjà été attaqué par une statuette? Non, mais je les ai jamais aimés. Ah, écoute, ça arrive. Hein. Il y a plein de gens qui ont le même problème avec Toff. Tu vois, qui l'ont jamais aimé depuis le début alors qu'ils l'ont jamais rencontré. Hein, mais bon. Il y a Léana d'ailleurs aussi sur le Facebook qui dit: moi, j'ai peur des poupées en porcelaine également. J'aimerais trop passer à la radio, mais j'ai le trac, j'ai que 9 ans, mais j'écoute quand même jusqu'à la fin. Oh, bah, c'est gentil, bah, c'est pas grave, t'appelles un jour, on va pas te manger, t'inquiète pas. Clara qui dit: moi, c'est les poules dont j'ai peur. Hugo qui dit: la phobie de la gueule de Toff. Bah oui, tu m'étonnes, y a Hugo. Ça, je comprends bien. Kevin qui dit: j'ai la peur que Toff soit immortel. Benjamin qui dit: moi, j'ai la peur du vide. Malory qui dit: Mickaël, je te déteste, tu me fais flipper avec tes araignées là, je fais déjà assez de cauchemars comme ça. Et puis le messie de la vanne qui dit: Mickaël, continue de parler araignées, je vois les grimaces de ma soeur, juste trop drôle. Et Nadia aussi qui dit: allez salaud, non pas les migales, au secours, ils répondent à mon tweet pour me dire ça. Ah bah oui Nadia, écoute, qu'est-ce que tu veux. Et Hugo qui dit: j'ai peur de Toff. T-E-U-F-F. On sait pas si il a peur de la Toff ou s'il a peur de Toff, en fait, tout simplement. Il y a plein qui ont peur de Toff, hein. Laure aussi, moi je veux que les grands-parents de Toff soient les miens, c'est Jason. Ah oui, par rapport aux vacances. Et puis Romain qui dit: moi je reprends les cours demain, Mickaël. Donc un petit coup de pipeau en hommage à moi. Bon, allez, si tu veux, c'est vrai qu'il a pas beaucoup joué de pipeau, là, ce soir, hein. Ouais. Bon, Polo, allez hop. Alors, on y va, attendez, allez. Je sors le pipeau de son étui. Allez, vas-y. Et puis on y va. 3, 4. Voilà, et puis Enzo aussi sur le Twitter qui dit: je sais déjà ce que je veux pour Noël, un scooter, mais pas n'importe lequel quand même. Je veux celui de Toff. Bah, pas de problème. On essaiera de faire une OP sur Fun pour vous offrir ce scooter de merde. Voilà, on essaiera de le faire gagner. Toutes, hein, les 10 minutes, on avec un double Fun. Un Toff Max. Voilà, c'est ça. Toff Max. Dernier scooter. Espèce de scooter le tout pourri. Qui vous emmènera pas loin. Et, oui, ah bah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, on a également Pierre avec nous là maintenant. Là. Bonjour Pierre. Oui, heureux, Michel. Et oui, comment vas-tu, Pierre? Ben, toujours bien, et toi? Bon, oui, ça va bien, ouais. Toi, tu voulais parler des relations, parce qu'on a eu un auditeur tout à l'heure, là, qui nous avait dit, qui voulait nous raconter une anecdote, qui, au final, n'était pas exceptionnelle non plus, hein, excuse-moi si tu écoutes. Mais, en gros, le concept, c'était qu'il avait été dans un truc de scout. Il était devenu pote avec un mec là-bas, et en fait, après, à une communion, un baptême, ou je sais pas quoi, ils se sont rendu compte, en fait, qu'ils étaient cousins éloignés. Bon résumé. Voilà, bon résumé, mais comme vous avez pu le remarquer, la chute n'est pas exceptionnelle. Il y a pas eu de chute, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, toi, tu voulais réagir à ça, Pierre, c'est-à-dire? Voilà, c'est ça. Bah, en fait, moi, c'est pas avec un cousin que j'ai. Comment dire? Vas-y, attends, à la cool, hein. On est là, on est bien, tranquille. Hein. Ouais, mais c'est assez chaud, en fait. Donc. Pourquoi? Bah, vas-y, explique. Qu'est-ce que. T'es, bah, c'est fait, anonyme, y a pas de problème. À la cool, vas-y. Ouais, enfin, anonyme, pas trop, quoi. Bah, non, si, bon. En même temps, je connais pas ton nom de famille, je suis ma pote à bite. Ouais, mais non, mais pour ceux qui me connaissent... Ouais, ah ouais, bon. Ouais, mais ça après, t'inquiète pas, il dort, Master C. Allez, vas-y. Ouais, donc voilà, en fait, bah, c'était sur mon lieu de travail à l'époque, et je me suis super bien entendu avec une collègue et tout, et elle m'a présenté sa sœur, ouais. Donc ça s'est fait, on sait plus, mais je te passe des détails après, ça. Ouais, enfin, tu l'as pécho, quoi, ça que t'essaies de dire? Bah, on a failli se pécho, quoi, et en fait, on s'est aperçu avec son père qu'on était cousins, hein, donc... Quelle horreur. Ah ouais, ça c'est mauvais. Bah, c'est mauvais dans le sens où c'est à partir du moment où tu t'en rends compte que c'est un peu la merde. Bah ouais, grave, bah, surtout que bah, là, on a été obligé d'arrêter la relation, quoi, en fait. Bah c'est mieux, hein, en même temps, hein. Ouais, c'est pas faux. Mais vous étiez genre cousin proche ou cousin genre super éloigné? Bah... Non, cousin au deuxième degré, en fait. Deuxième degré, ouais. C'est ouais. Comme une brûlure. C'est chaud, deuxième degré ou pas? Bah, c'est déjà fait, Toff, tu peux pas me doubler dans la vanne. Non, mais. Sinon, je te pète la gueule. Non, mais c'est vrai que ça peut être un peu glauque. Hein. Donc, du coup, c'est la fille de qui alors? C'est la fille de la tante de ta tante, enfin, c'est quoi l'histoire? C'était la fille du frère de mon père, en fait. La fille du frère de ton. Bah oui, bah alors, c'est ta cousine, quoi. La fille. Du frère. Oui, bah alors c'est ta cousine, ta vraie cousine, c'est pas ton ta c'est deuxième ta cousine. Cousine Germaine. Oui voilà. En fait, ah oui non mais là c'est oui non mais là d'accord ouais, ok là, c'est, ouais, c'est normal. Non mais ça c'est normal. Mais comment c'est que tu la connaissais pas? Bah je sais pas. En fait c'était le coup du hasard. En fait on s'était jamais vu mais voilà. Le coup du hasard. Bon bah écoute j'ai envie de dire pourquoi pas alors hein, pas de soucis. Ouais, bon très bien. Et Il y a plein de cousins, cousines que je découvre à chaque réunion de famille. Hein, non, mais d'accord, mais pas des cousins genre super proches. Quand c'est des cousins deuxième, troisième degré, mais j'en ai plein. Moi, quand je vais au Portugal, je fais les connaissances chaque fois avec. Enfin, j'en découvre 10 par an, hein, des nouveaux. Mais enfin, c'est tous des cousins en même temps. Mais bon, bref, tout ça pour dire que là, la famille super proche, tu les connais quand même. C'est bizarre, tu les connaissais pas. Bah, c'est une partie de famille que je connaissais pas en fait. D'accord. Voilà. Non, mais pas de soucis, hein, pas de soucis. Bon, bah, très bien. Et depuis, plus de nouvelles avec la cousine? Ou tu. Voilà, t'as une relation familiale quand même? Non. Bon, bah, non. Écoute, bah, dommage. Plus. Ouais, bah, écoute, dommage. Bah, écoute, tu peux donner le numéro à Toff, hein, lui va lui ouais, parler. Ouais, hein. je vais m'occuper d'elle bien, t'inquiète. Voilà, c'est ça, lui, y a pas de problème. Hein. Bah, merci en tout cas, Pierre, d'être passé là. Tu reviens quand tu veux, hein. Ok, je pourrais bah, faire un coup de pub pour ma page. Allez, encore. Vas-y. C'est quoi la page d'abord? Cliché d'Auvergne. Donc il y a des meufs à poil ou pas? Cliché d'Auvergne. Mais attends, mais t'es déjà passé, Pierre. T'es le photographe. Le photographe ouais, d'orage. C'est ça. Allez, attends. Oh. Attends. Oh là là, bon, allez, refais encore. Donc Cliché d'Auvergne sur Facebook, c'est pour les photos de des orages, c'est ça? Voilà. C'est bon, ça. On en avait parlé jeudi. Bah, à mon avis, ça marchera moins bien que les sous-vêtements, hein, je pense. Hein, enfin bon. Je pense aussi. On verra, ouais. Et dis-moi, je pourrais choper un pack fun ou quoi? Eh ben, tu vas gérer ça. Je te repasse Sandro au standard, sans problème. Ok. Merci. Ouais. Salut Pierre. À bientôt. Ciao à toi. On aura Kylian aussi dans un instant là pour les phobies. T'es là, Kylian? Ouais. Salut toute l'équipe. Ça va bien? Ah, ça va. Bon, bah tant mieux, bah sois le bienvenu. Alors, bouge pas de là, on va parler avec toi dans un instant, d'accord? Y'a pas de souci. Bon, parfait. Et puis on a aussi Edgar aussi dans un instant là. Salut Edgar. Salut. Comment ça va? Bien. Bon, très bien. On va parler de quoi dans un instant avec toi, Edgar? Ben, en fait, je vais vous raconter parce que je me suis fait voler deux casques bis. Mien et celui de mon ami. Ouais. Donc je voulais vous raconter ça puisque je les ai retrouvés un an après en fait. Ah d'accord. Bon, bah écoute, on va voir comment ça s'est passé, Edgar. Bouge pas de là. Et puis Julien avec nous maintenant de Marseille. Rebonsoir Julien. Ouais. Bon alors Julien, donc toi tu nous avais appelé tout à l'heure là parce que tu t'appelles la mère de ton pote, c'est ça? C'est ça. Oh là là là là. Et en parlant de trucs un peu crades, je vais vous mettre la photo de Robin Thicke aussi. Tu connais Robin Thicke? Celui qui chante Blurred Lines là, et celui qui chante To Give It To You aussi, qu'on a écouté il y a quelques instants là. Non, je l'ai perdu. Donc il est là, tiens voilà. Voilà. Et il avait aussi chanté ça là. Eh ben Robin Thicke, en fait, il s'était mis plutôt dans un mode tranquille puisqu'il était avec une fan. Et en fait, il est en train de la ploter, en fait, tout simplement, quoi. C'est génial. Voilà, enfin, j'ai ploté, la photo. Bah, il la plotait. Ouais, enfin, c'est un peu plus, quoi. Ouais, même un peu plus, ouais. J'ai les photos, je vais vous la mettre. Je vais vous la mettre sur le Facebook, là, maintenant, là, dans 30 secondes, le temps que j'écrive, là, donc sur facebook.com/michaelofficiel. Vous me direz ce que vous penserez de Robin Thicke. Donc, juste. Dis donc, Julien. On te dérange pas? Hein? De quoi? Mais non, c'est comme vous étiez en train de parler à un pote, c'est pour là, ça que je voulais savoir. Parler à un pote. Ah bah c'est ce que je dis. Il est à côté de moi, il écoutait la radio, il a plus de batterie en fait. Ah merde, des galères. Bon bah très bien, bah écoute, voilà. Il écoutera pas alors, tant pis, on peut pas faire autrement. Donc la photo de Robin Thicke dans quelques instants. Bon alors tu nous appelles Julien parce que tu te tapes la mère d'un de tes potes, mais c'est le pote qui est à côté de toi ou un autre? Non. Ah, c'est un autre. On sait jamais, t'imagines un peu le truc glauque là. Quelle horreur. Bon alors du coup, en deux mots là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben ça fait présentement qu'elle est célibataire. Ouais. Et que je trompais autour depuis un moment quand même. Mais c'est sa mère. Comment c'est que t'as été gratté après sa mère? Je sais pas, mature. Ouais d'accord, mais comment tu dragues la mère d'un pote? J'aimerais bien des conseils. Non mais comment ça s'est passé? Explique-nous. Est-ce que c'est elle qui est venue vers toi? Est-ce que c'est toi qui as été vers elle? C'est quoi l'histoire? C'est quoi? Il y a les billes? Vous avez changé des billes? Des images? Ouais. Comment ça s'est passé? Ouais, ça se passe par texto au début. Et après, voilà. Ouais, ok, non, d'accord. Mais comment, à quel moment t'envoies un texto à la mère de ton pote? C'est ça que je veux dire. Et tu lui dis t'es bonne, on peut se rencontrer. Ouais, dans le genre en fait. Bon, quel âge elle a, elle? Elle a 38 ans. 38, c'est toi, t'en as combien? 18, c'est ça? 17. Ouais, presque 18, enfin 17-18 quoi, d'accord, ok. Et ok, d'accord, donc comment ça s'est passé? Ben... compliqué en fait, c'est très très très long. Ah mais ça tombe bien, on a le temps, vas-y, on t'écoute. C'est-à-dire, vous voulez savoir quoi? Ben on veut savoir comment ça s'est passé. Je veux des conseils pour savoir comment faire. Voilà, raconte-nous l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux serrer la meuf d'un pote, comment je dois faire? Je sais pas, je vais la voir normal, je lui parle, je sais plus, c'est normal. Non mais tu sais plus. Attends, t'es sûr que t'es pas en train de nous mener en bateau là, Julien là, parce que non. Tu devrais quand même savoir, tu devrais quand même te souvenir comment t'as réussi à pêcher la mère de ton pote. C'est quand même pas n'importe quelle meuf, tu vois. Ouais, vous étiez dans quelles conditions? Vous étiez où? Oh, l'autre, il veut tout savoir. Mais ouais, grave. On était chez lui. Voilà, normal, quoi. C'est pas très explicite quand même, hein, Julien. Ouais. Moi, bon, j'ai... et sinon, tu veux qu'on fasse quoi pour toi? Je sais pas, faire des conseils, comment je pourrais le dire à mon pote, en fait? Bon, moi, je propose qu'on l'appelle en direct. Ouais, bah c'est ça, écoute, ouais. à part l'appeler en direct, je vois pas comment tu peux lui dire d'autre. Hein. T'es pote avec lui depuis combien de temps? Ça fait 3 ans, je crois. Ça fait 3 ans quand même, d'accord, ok. Bon, écoute, ce que je propose, c'est qu'on essaie de l'appeler dans un instant, hein, pourquoi pas. Bouge pas de là, on va demander l'avis des autres aussi, hein. Vous qui êtes derrière la radio, là, dites-nous, est-ce que vous vous êtes déjà tapé le père de votre copain ou copine ou la mère de votre copain ou de votre copine, ouais. Là, venez nous en parler. Dans le sens mère, ouais, père, pardon, le père, c'est plus facile que la mère. Bon non, pourquoi si, c'est plus facile? Si, un père, ça, c'est beaucoup plus facile à servir. N'importe quoi. Une mère, mais si. Bon, allez, donnez-nous vos avis maintenant. J'attends tout ça. 01 42 48 5000. Vous nous appelez en direct au standard. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Et je vous mets la photo aussi de Robin Thicke. Alors, faut bien regarder dans le miroir. Ouais. Parce qu'à première vue, la photo a l'air bien. Hein, elle a eu Robin Thicke, il est gentil. Puis la meuf est surtout très bien. Et puis surtout, mais regardez l'arrière. Regardez la photo dans le fond, dans le miroir. Voilà, du côté gauche. Je vous la mets sur le Facebook dans moins d'une minute. facebook.com/mikaelofficiel. Et puis je vous cale le son de Martin Garrix maintenant sur Fun Radio, le jeune de 17 ans qui à mon avis doit se faire plaisir aussi, hein, en termes de avec ses fans, tu vois. Oh, t'inquiète pas, va. Martin Garrix. Ah, pas tof, hein, Martin Garrix, hein, t'inquiète pas. Non, lui il doit être bien, hein, Martin Garrix là. On écoute Animals maintenant sur Fun Radio. Mikael No Limits jusqu'à minuit, bienvenue tout le monde. À l'instant sur Fun Radio, tiens, avec un message de Nicolas aussi qui dit c'est du mytho pour la mère de son pote mort de rire. Ben on verra ça, on va enquêter. Hein. Il y a aussi Hugo qui a envoyé un message, dit un petit coup de pipeau là et tu fais de beaux rêves, c'est grâce à vous. Ouais. Est-ce que tu peux refaire Martin Garrix en version pipeau? Mais oui, donc Martin Garrix, on vient de l'écouter justement, c'est ça. Hein. Bon, est-ce que tu peux nous refaire l'air en version pipeau? Ben je peux. Bon, très bien, alors attention, Linda, prêt? Tu veux que je fasse le Martin Garrix? Linda, l'auditrice qui est avec nous? Ouais. Ma nouvelle fan, je très bien. Faire, donc. Allez, c'est parti, je on y va. Je sens le pipeau de l'étui. 3, 4, en version pipeau pour Martin Garrix. C'est parti. Quelle ressemblance! Oh là là là là! Assez exceptionnel! Bravo. Et donc voilà, et Linda donc qui est ici physiquement et tu peux donc dire effectivement qu'il y a vraiment son pipeau rose qui joue Martin Garrix quoi. Hein. Il est là avec son vrai pipeau rose quoi. Ah oui, totalement. Ah oui, un vrai pipeau rose et ça c'est la folie. Elle nous a déjà demandé de faire une photo avec le pipeau rose, on a refusé. On peut pas. Il était droit d'auteur. À la radio, je peux pas. Voilà, ça appartient à moi. Mais voilà, mais c'est tout. Non, mais c'est ça. D'autres radios ont voulu nous l'acheter et j'ai été en négociation, finalement je ne l'ai pas vendu. Ouais. Voilà, les auditeurs ont dit qu'il fallait pas le vendre, je ne l'ai pas vendu. Il y a Maxime qui dit il faut appeler son pote, là, il y a moins de rigoler, là, vous gérez toute la team. Petit coup de bazooka dans la tête de Julien, pour ce qu'il a fait. Ah oui, le bazooka il est là, tiens, on va le mettre dans la gueule de Toff d'abord. Ouais. Voilà. Oh, il n'y avait pas encore mis ce soir, tiens, effectivement. Ah ouais. Ouais. Et alors Alexandre qui dit je lui conseille de ne pas le dire. Bah. Si, pour l'audience de la radio, c'est mieux qu'on l'appelle. C'est mieux qu'on le dise. Hein. Non, mais soyons francs, tu vois. Il y a un moment, faut être franc. Bon, retour alors avec Fabien. T'es là, Fab? Fabien? Ben, il est parti ou quoi? Fabien? Non, c'est Julien. Oui. Bon, mais ben, il est parti. Ah oui, c'est. Ben non, c'est. Julien, Fabien? Non, c'est Adrien. Fabien. Fabien, Fabien, il est là et il te manque Julien. Bon, qui c'est qui a couché avec sa mère, là? Avec la mère de son meilleur pote? Là, c'est moi, Fabien. Ah bah Fabien, donc c'est ce que je disais. Non, mais c'est un nouveau. De quoi? Fabien, c'est un nouveau. Avant, il y avait Julien. Oui, mais c'est toi qui vient nous avoir quand même ou pas, Fabien? Je comprends plus rien. Maintenant. Non, Julien, on l'a plus, il répond plus. Ah, comme par hasard, donc effectivement, l'auditeur avait raison, là, du pipeau. Alors, mais à la place, tu as Pierre qui a vécu la même histoire que Julien. Très bien, et Fabien. Et il y a Fabien où lui, c'est sa maman qui a couché avec son meilleur pote à lui. Bon, bah alors, Fabien, explique-le tout alors. Bah en fait, samedi soir, j'étais avec ma copine chez moi. Ouais. Et en fait, j'avais mon meilleur pote et un pote à lui qui était en soirée, en fait. Et qui m'appelle et qui me demande, comme en fait j'habitais à côté, de l'héberger. Ouais. Et l'action, c'est qu'en fait, il avait la chambre d'amis. Mmh. Il dort. Et en fait, vers 1h, 3h du matin, bah en fait, je suis allé dans la chambre de ma mère. J'ai ouvert la porte et j'ai vu mon meilleur ami avec ma mère. Et là, tu lui as dit... Nique ta mère. Tu as dit ça, non? Enfin, nique ma mère, en l'occurrence, non? Non, en fait, sur le moment, je l'ai taillé, mais je suis parti de chez moi en courant, quoi. Sans déconner, putain, le choc que ça doit faire, quoi. Et depuis, comment ça s'est passé? Il y a combien de temps, ça? Bah, ça s'est passé samedi soir. Ah, c'est tout frais, là? Ouais. Enfin, pas ce samedi soir, c'est l'autre. Enfin, ouais, il y a une semaine, quoi. Ouais, voilà. Oh putain! Et depuis, bah, t'as quand même reparlé à ta mère ou à ton ex-meilleur pote du coup? Ma mère, je l'ai pas encore retéléphoné parce qu'en fait, je laisse un peu mariner comme j'ai un appart à moi tout seul. Ouais. Et en fait, maintenant, avec mon meilleur pote, je l'ai pas retéléphoné. Ouais, d'accord. Ça se comprend un peu, hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Et lui, il a pas cherché à te joindre parce que bon, le mec, c'est quand même un enculé, quoi. Non, il m'a pas essayé de m'appeler. Putain, le mec il se tape ta mère et même pas il a les couilles de te parler après en disant voilà pourquoi ça s'est fait, machin, désolé, ou enfin j'en sais rien, n'importe quoi glissé, quoi. Enfin j'ai eu des rumeurs, enfin des autres potes à moi m'ont dit soi-disant il était carrément bourré tout ça, mais j'y crois pas trop, hein, c'est pas parce que t'es bourré que... Non, si, après, quand t'es bourré tu peux faire fort des conneries, c'est pas ça. Mais bon, il fallait qu'ils soient tous les deux bourrés quoi, tu vois Enfin, tous les deux bien, quoi. Et puis même, par rapport à ta mère, quoi, c'est quand même un... Tu sais qu'elle se tape un mec, peu importe, mais putain, pas le meilleur pote de son fils, quoi. C'est bizarre. Bon, attends, il y a... Ouais, mais c'est clair. Attends, il y a Romain aussi qui est avec nous, là, 24 ans de la Drôme. Salut, Romain. Salut. Comment vas-tu? Ça va. Bon, bah, sois le bienvenu, alors, toi, Romain, comment ça se passe? C'était quoi l'histoire? Moi, en fait, si tu veux, j'ai vécu comme lui, en fait, mais là, tu vois, j'ai 24 ans, mais je l'ai vécu quand j'avais 16-17 ans, en fait. Ouais. Et au début, ça avait commencé juste par des messages que j'ai échangés avec sa mère, parce qu'en fait, au départ, je faisais des travaux chez elle et tout. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, après, elle me demandait si je venais le lendemain et tout. Tu vois, c'était des messages qui se répétaient de plus en plus. Mm-hmm. Alors que ça paraissait logique quoi, pour les travaux. Et du coup, après, un soir, elle est rentrée, elle est allée à une soirée dansante, un truc comme ça. En fait, j'avais dormi chez mon pote, en fait. Et lui, il était dans la chambre d'à côté avec sa copine, quoi. Ouais. Et elle est venue dans la chambre et je sais pas, peut-être qu'elle pensait, elle savait que j'étais là ou je sais pas en fait. Et en fait on l'a fait, tu vois, on a couché ensemble et tout. Puis après bah, ça s'est recommencé en fait, on s'est réécrit, on l'a refait plusieurs fois quoi. Ah ouais, d'accord, donc tu t'es mis bien aussi toi? Ouais. Ah oui. Bah, disons que c'est à 16 ans quoi, c'est toujours une expérience à vivre quoi. Ah ouais, bah attends, une cougar, ça se refuse pas hein. Ah bah moi je dis jamais non. Hein. Ah bah c'est ça, hein, quel âge elle avait elle? Elle avait 48 ans. Ah ouais, oh là là, ouais, mais ça c'est quand même vieux. C'est quand même chaud. Elle faisait plus jeune. Ouais, mais putain, 48 quand même, quand t'en as 17, comment t'expliquer que c'est dur quand même, non? Enfin, lui, non, il était très dur. Ouais. Moi, c'était surtout pour le vivre. D'un côté, en fait, ça me gênait, c'était par rapport à mon pote, quoi. Non, mais ça je dis pas. En fait, je voulais pas lui dire ni rien, quoi. Et là, aujourd'hui, il le sait toujours pas, parce que, en fait, si vous voulez, c'est que j'avais peur qu'il perde mon amitié et tout. Je voulais pas que ça foute la merde entre lui et sa mère, voilà, quoi. Ah oui, non, mais en même temps, il fallait réfléchir avant de forniquer, hein. Et la mère, voilà. Tu la revois encore maintenant ou... Maintenant, elle a 65 ans. On se voit et bonjour, au revoir quoi. Je veux dire, c'est ça. Chez mon pote, on se dit bonjour, normal. Mais vous en avez et plus en jamais fait, reparlé, c'est jamais arrivé, rien quoi. Non, c'est plus jamais arrivé en fait. On l'a fait 5-6 fois à peu près. Ah oui, quand même, donc c'est-à-dire que c'était pas un accident quoi. Non, bah en fait c'était, en quelque sorte, c'était un délire quoi. Ah ouais, oui, un beau délire effectivement. Bon bah très bien, attends, il y a Pierre aussi qui est avec nous là. Salut Pierre du Havre, comment ça va? Salut tout le monde, ça va? Ça va bien et toi? Bah ouais, ça va. Bon bah sois le bienvenu, toi aussi t'as pécho la mère de ton meilleur ami ou au contraire c'est le meilleur ami qui a pécho ta mère? Non, j'ai couché avec la mère de mon meilleur pote. Mais comment vous faites? Moi j'ai jamais réussi. Bah en fait c'était lors d'une soirée et tout, c'était l'anniversaire de mon meilleur pote et puis on était dans le garage tous les deux et puis dans ce coup, enfin tu vois, avant il y avait des sentiments, enfin on se regardait et tout. Et donc, dans le garage, là, c'est parti, quoi. Et voilà. Tu l'as démonté direct dans le garage? Dans le garage, la grande classe. Gentleman, le Pierre, là. Hein. Écoute, non, mais j'allais chercher des trucs et tout, puis là, je la vois arriver, je fais, tu fais quoi et tout, puis elle m'a avoué, puis je fais, bon, bah, ok. Mais c'est elle qui t'a chauffé, en fait? Bah ouais, puis on se faisait le regard avant et tout, mais tu vois, je pensais pas que ça allait si loin, quoi, mais... Ah putain, ouais, toi fais jaloux, hein, c'est-à-dire qu'on prend d'un coup là. Ouais, c'est ça, moi ça m'est jamais arrivé. Mais après, tu vois, on s'est envoyé des messages et puis je me suis fait griller quoi en fait. Et donc du coup, j'ai plus mon meilleur pote. Ouais. Donc, ah bah forcément tu l'as perdu, mais attends, c'est normal, tu te tapes sa mère, comment tu veux qu'il réagisse? Ah bah là, il m'a fait la gueule pendant... Bah, il me fait toujours la gueule, d'ailleurs, mais... Sans déconner. Oui, ça fait combien de temps, ça fait combien de temps, l'histoire? Il y a un mois, à peu près, ouais. Ah ouais, un mois, ouais, ça va peut-être se tasser après, hein, on va savoir. C'était cet été. D'accord, ok. Bon, bah, très bien. Eh, merci, les gars, pour les histoires, hein. J'aimerais... Ouais, c'est marrant parce qu'il y a que des mecs, hein. Il y a jamais de filles dans l'histoire. Il hein. Y a pas des filles qui se sont tapées le père. Parce que Toff disait oui, mais c'est plus facile avec le père, etc. Résultat. Ouais. Non mais regarde, Fabien, Pierre, Romain, les trois là. Ouais, mais les hommes. Bien souvent en fait, c'est les femmes qui volent. Ah t'as vu hein. Voilà, c'est bien ce que je dis. Quand elles prennent de l'âge, elles volent un jeune. Hein. Voilà. Non, c'est pas ce que je disais. Ah ouais, c'est exactement l'inverse que de ce que tu disais, Toff. C'est parfait. Bon, mais merci Romain, Pierre, Fabien, merci à vous d'être passés. Vous revenez quand vous voulez. Une petite délire. Bah de rien, il y a moyen d'avoir un petit pack fun, un truc comme ça. Oui, tu vas gérer ça avec Sandro, Romain, sans problème. Ok, je peux faire un petit délire ou pas? Ouais, vas-y, salut Romain, vas-y Pierre. À une seule personne, tu connais la règle, vas-y. C'est une dédiée à Alexis, à Dylan, à Quentin. Il y a une seule personne, hein, donc qu'est-ce que tu comprends pas dans une seule personne, Pierre? Ah mais t'avais pas entendu, ça a coupé. Ah oui, bah oui, ça a coupé, oui. Genre comme par hasard. Bah oui, le bazar, oui. Bon bah salut Pierre, et bonne soirée à toi, tu reviens quand tu veux. Hein. Salut. Okay, salut à tous. Allez, ciao à toi. Ouais, Fabien. Ouais, je peux passer une dédicace? Ah bah une seule personne aussi, vas-y. Hein. Ouais, je voudrais passer une dédicace à Loris Tolon. Très bien, et bah écoute, le message est passé, Fabien. Et ça serait possible d'avoir un pack fun? Et bah tu vas gérer ça aussi avec Sandro au standard, pas de problème. Ah yes. Merci. Salut Fabien, et oublie pas de dire à tes potes, hein. D'ailleurs aussi pareil pour Pierre et Romain, qu'on est là hein, tous les dimanches soirs 20h minuit sur Fun Radio, et c'est que sur Fun Radio que ça se passe maintenant, et puis tous les soirs aussi, à partir de 23h du lundi au jeudi. Voilà, je compte sur toi. Hein. Ok. Bon, salut Fabien, à bientôt. Salut. Salut, ciao à toi. Et restez tous là sur Fun Radio. Nous aussi, on va revenir en direct dans un instant sur Fun Radio avec toujours l'iPod Nano à gagner sur la page Facebook de l'émission. Tirage au sort dans un peu plus d'une heure maintenant. Ce sera avant minuit sur Fun. Donc vous y allez maintenant. Allez-y, facebook.com/MIKL officiel. Et puis le son de Beyoncé qui arrive dans un instant. Ah, ça fait du bien ça. Enfin, ça va faire du bien. Voilà, Beyoncé dans un instant, Crazy in Love sur Fun Radio. Mickaël No Limit, soyez les bienvenus. On est ensemble tous les dimanches jusqu'à minuit sur Fun Radio. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No Limit. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël No Limit. No Limit. Le dimanche soir, 20h minuit. Sur Fun Radio. Et nouvel horaire hein, depuis dimanche dernier, effectivement, 20h minuit, tous les dimanches maintenant, vous connaissez le principe. On va reparler également avec dans quelques instants Kylian là qui voulait parler des phobies. On aura Edgar aussi là qui voulait nous parler d'un truc un peu particulier. Et puis je voulais avoir l'avis aussi des demoiselles. Est-ce que vous vous êtes déjà tapé le père d'un de vos copains ou d'une de vos copines? Venez nous en parler, je suis très curieux. On a eu que des mecs pour l'instant qui se sont tapés les mères. Mais je voulais avoir aussi l'avis des filles. Donc les filles, 01 42 48 5000, vous nous appelez maintenant au standard. Le standard est là pour vous, appeler Sandro, elle est là et elle vous attend. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. 01 42 48 5000. J'avais dit que je vous tiendrai au courant aussi par rapport au match de soir, mais il est bientôt fini hein, pour Marseille face à Monaco. Et c'est 2-1 pour les Monégasques pour l'instant. Voilà, on vous tient au jus en tout cas dès que ce sera terminé d'ici quelques instants sur Fun Radio. Venez nous rejoindre aussi sur Twitter. Je vous fais un follow back si vous me faites un follow. C'est sur MIKL officiel. Et on écoute Beyoncé maintenant avec Jay-Z. C'est Crazy in Love sur Fun. Bonne soirée. Qu'est-ce qu'il était bon le son de Beyoncé à l'instant là avec Jay-Z. Ah là là, Crazy in Love sur Fun Radio. Ça fait plaisir. Ouais. On entend pas souvent celui-là, mais il fait plaisir quand même. Il y aura Michael Moore aussi à suivre dans quelques instants sur Fun Radio. Voilà, Michael Moore qui arrivera tout à l'heure. Et alors dites-nous si vous voulez qu'on réentende celui-là là. Ah, ça me ferait plaisir avant de partir là. Bon, on a encore le temps, on a encore une heure devant nous, hein, mais ça me ferait plaisir quand même, Showtech avec Bouya. Je vous l'avais passé jeudi, on l'avait passé trois fois d'ailleurs, tellement le kiff. Bah dites-nous si vous le kiffez aussi là, voilà, Showtech, vous mettez le hashtag Mickaël hein, si vous voulez le réentendre le son de Showtech avant minuit. Et puis si vous voulez entendre autre chose, hein, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des propositions, surtout faites péter. Hashtag Mickaël maintenant sur le Twitter, on attend tous vos messages évidemment avec impatience. Alors vous êtes nombreux aussi, hein, les pervers, allez mater la bombe de blonde là avec laquelle Robin Thicke pose, où il lui met dire qu'il lui met un doigt dans les fesses parce que on n'a pas de preuves. Il en met deux. Mais on n'est pas à l'abri que ce soit réellement ça. Hein. Avec Toff, on a comment dirais-je, Toff? Enquêté. Fantasmé. Non, on a détaillé la photo, on a l'impression qu'il lui met deux, trois doigts. Mais je sais pas. Au moins deux. En fait, au moins. Bah, moi, je serais tenté de dire en regardant mieux, quoi. Donc, allez voir. En fait, il y a Robin Thicke qui est sur la photo. Alors, Robin Thicke, pour ceux qui connaissent, exactement, ouais, qui connaissent pas, c'est celui qui chante ça. Et donc il est sur une photo avec une fan, une bombe de blonde d'ailleurs accessoirement, hein, on peut dire des choses. Comment t'expliquer qu'elle est pas moche, elle est au top. Et donc en fait on le voit parce qu'en fait on prend une photo de lui et derrière eux en fait il y a un miroir et c'est pas de bol parce que du coup on voit qu'il lui remonte la jupe ras la fouf en fait, ras du cul et qu'on qui lui met sa main quoi. Donc voilà, donc tout ça c'est à voir sur le Facebook, allez voir facebook.com/mikaelofficiel, c'est assez surprenant quand tu vois Robin Thicke, tu sais qu'il a l'air plutôt, tu sais, bien, gentleman, propre sur lui, tu vois sa tête, t'as l'air, tu vois, ça a l'air d'être le genre idéal. Juste en voyant sa tête un peu costard et tout à la cool. Eh ben, comment vous expliquer que bon. Kevin aussi qui dit, rebalance-nous le show tech. Avec plaisir, Kevin, on le mettra peut-être tout à l'heure là. Dites-nous si vous voulez le réentendre avant minuit. Voilà, Showtech avec Bouya. Il y a Vampire aussi qui dit, je suis sûr que Toff pourrait même vouloir se taper la grand-mère d'un de ses potes. Ouais, bah, on est pas à l'abri. Il faut voir si elles sont bonnes. Tellement il est en chien. Il y a Hugo aussi qui dit, j'ai la phobie de ma prof de musique. Ah bah ouais, ça peut être dur hein, en termes de musique, c'est clair, ça dépend ce qu'il te fait jouer. Et Alison qui dit, j'ai la phobie des araignées comme plein de gens, mais j'ai aussi la phobie des orteils. Je ne peux pas en voir, même les miens, j'ai du mal. Bonne soirée. C'était sur le Facebook le message. Ouais, je sais, mais moi non plus. Moi, j'aime pas non plus les pieds, les orteils, voilà. Tout ça, je trouve ça moche. Je trouve ça vraiment laid. Moi, j'aime bien. Ça veut dire que la meuf, elle se lave les yeux bandés pour pas voir ses pieds. Ouais, bah elle, ouais, pour le coup, ouais, peut-être, ouais. Il y a Nicolas aussi qui dit sur le Twitter, c'est pas très correct de toucher le cul des nanas comme ça. Surtout quand on est une star, il devrait montrer l'exemple. Ouais, mais je pense que justement, parce qu'il est une star, il en a rien à foutre. Hein. Et Stéphanie qui dit, envoie-moi un petit bisou par la radio, je suis sur la route du retour et je vous écoute, j'adore. Mouah, voilà. Vas-y, toi. Oh, c'était mignon. Mouah. Oh, dégueulasse le tien, t'as vu? Ouais, mais c'est parce que moi je lui ai embrassé le téton, c'est pour ça. Ah ouais, ça doit être ça, ouais, ça doit être ça. Pareil. Et Robin aussi qui dit Bouya, c'est une bombe, fait péter le showtech, hashtag et Mickaël. Bah, parfait, Robin. Bon, allez, Steve qui dit Toff, c'est mon dieu. Eh ben, très bien, écoute, désolé pour toi, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Tu sais qui sont les vrais dans cette émission Ou pas, en fait, tout simplement. Hein, voilà, c'est ça, hein. Ou pas. T'as été voir la photo, toi, Edgar, ou pas, sur le Facebook? Ouais. Ah, et alors, t'en penses quoi? Elle est bien, la blonde, hein, non? Ouais, super. Ah, la blonde, elle est plutôt cool, hein, ça c'est clair. Et toi, Kylian? Pardon? T'as été voir la photo de Robin Thicke et de la meuf là sur le Facebook? Non, pas encore. Ah bah vas-y, je l'ai mise aussi sur le Twitter hein, si vous voulez. Vous tapez Mikaël officiel sur Twitter, venez nous rejoindre et si vous me faites un follow, bah je vous follow également, je vous suivrai également avec plaisir. Bon, alors Edgar, avant de reprendre Kylian, Edgar, c'est quoi ton histoire toi, le Toulousain? Alors en fait, c'est pour parler parce que avec un ami qui s'appelle Robin, ouais. Et bien on avait donc moi j'avais un casque Beats noir, et lui il avait un casque Beats blanc. Ouais, un Beats hein, donc fait, les Beats by Dre. Oui voilà c'est ouais, ça. Ouais, d'accord ouais. Et en fait on les amenait au collège et à la cour, enfin à la récré, on les laissait dans les sacs quoi. Et d'accord. En fait on n'était pas assez intelligents. Et en fait. On n'était pas assez intelligents. Hein? Non, j'aime bien la remarque, on n'était pas assez intelligents. On n'était pas très intelligents, ouais, et puis ouais. Et voilà, et en gros, ben, moi je l'avais depuis un mois, et un vendredi après-midi, avant de partir en week-end, et ben, j'arrive chez moi, et je vois la housse de mon casque sans mon casque. Donc là, j'ai commencé à paniquer et tout, j'ai laissé la faire couler, et une semaine après, ben, il y a mon ami qui s'appelle Robin, et ben, il s'est fait voler son casque de la même manière, sauf que c'était un blanc, un casque Beats blanc. Ouais. Donc on a trouvé ça un petit peu bizarre, donc on a essayé de lancer un peu une... Et puis il y a un autre pote, il est revenu avec les mêmes, mais avec une couleur différente, il voulait revendre, non? Je sais pas. Il est pas venu vers toi en disant, ah écoute, j'ai un casque blanc si tu veux. Ah putain, c'est même non. Que mon pote. Ouais, c'est bizarre. Hein. Non. Et en gros, on a essayé de mener notre petite enquête avec notre vie scolaire et tout. Et ça a rien donné. Donc on était dégoûtés, quoi. Ouais. Et là, un an après, c'était en juin, ou mai, je me rappelle plus trop. Et bien, mon frère, il avait des amis à lui qui étaient à un lycée. Et en fait, le gars qui avait volé les casques, il avait changé de lycée et il s'en était vanté d'avoir volé les casques. Ouais. Si vous me comprenez. Ouais, si, c'est bon, ouais, on a compris. Ouais, nickel. Et après, donc, il m'a dit que c'était Rémi, parce que le gars qui savait voler les casques, bon, en fait, je l'affiche un peu, c'est Rémi Gonzalez. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, je lui ai donné rendez-vous. Et au début, il a encore nié que c'était lui, alors que moi, je savais très bien que c'était lui. Et donc, je lui ai dit, bon, mais d'accord. Donc, du coup, j'ai foutu pression à son autre copain qui avait volé le casque Beats blanc. D'accord. Je sais pas si vous me comprenez. Ouais, vas-y, mais n'hésite pas à aller droit au but, hein. D'accord, ok, ok. Ben en fait, j'ai retrouvé les casques, j'ai retrouvé le casque en premier de mon ami. Et après, le gars qui avait volé le casque de mon ami, je lui ai foutu un coup de pression en disant que j'allais le signaler à la police alors que je pouvais rien faire en fait. Ouais. Et donc du coup, ben il a balancé son pote. Donc du coup, j'ai récupéré les deux casques Beats un an après. Voilà. Oh bah ça va, un an après, bon, ils étaient complètement pétés, mais tu les as récupérés sur ça de près quoi. Ben, en fait, le mien, il y avait l'oreillette qui était décollée, puisque il avait mon casque, il avait tourné dans la ville, apparemment. Le truc était complètement pété. C'est-à-dire qu'en fait, c'est con parce que tu les as pas eu pendant un an, ce qui veut dire que ouais. Pendant tout le moment où c'était la mode, tu les as pas eu, mais donc, bah, c'est plus la mode, tu les as récupérés, quoi. Ah ben, je sais pas si c'est plus la mode, mais moi, tout non, cas, mais ça l'est, ça, non, mais ça l'est encore, mais je veux dire, ça l'est un peu moins, quoi. Mais c'est marrant que tu parles de ça parce qu'il y a une Canadienne qui, ouais, qui s'est fait voler son vélo, en fait. Elle l'a retrouvé sur un site, genre eBay. Et en fait, elle est allée chez le mec, tu sais, pour faire style, j'ai envie de l'acheter, je vais faire un essai avec, etc. Ouais. Et, bah, une fois qu'elle était sur le vélo, elle s'est barrée avec. Ah, okay. Bah, elle a récupéré son vélo quoi en fait tout simplement. Non mais l'histoire je trouvais l'histoire drôle. Le pire c'est que si elle s'est fait choper par les flics, en gros c'est elle qui prend. Hein. Parce qu'elle a volé le vélo du mec qui le mettait en vente. Ouais, ouais, même ouais. Si elle récupère son vélo, mais va t'en le prouver cette histoire. Bon bah du coup nickel, t'as récupéré le casque et tout roule quoi. Voilà. Bon mais bah nickel. Bon bah écoute, tant mieux pour toi alors. Écoute, on est ravis aussi Edgar. Exactement. C'est possible de faire une petite pub pour ma page Facebook. Ah et abusez pas non plus parce que sinon c'est comme les dédicaces, hein, ça va faire chier tout le monde. C'est quoi c'est une page sur quoi? Sur Twitter, c'est une page de foot, t'en avais parlé sur Twitter. Non mais c'est quoi la page? Le Monde du Foot. Ah, Le Monde du Foot, allez vas-y. Parce qu'en plus le match vient de terminer là, c'est 2-1 pour les monégasques ce soir, alors vas-y. Alors c'est http http://www.facebook.com. Tu sais quoi, plus personne ne dit http machin aujourd'hui hein. Même okay, le w okay. Ça sert à rien, tu dis facebook.com, ça marche très bien. Ok, ouais, facebook.com. Alors vous vous connectez à internet, ça fait et puis vous tapez http://www.facebook.com. Et puis Le Monde quel? Le Monde du Foot officiel. Et ça parle de quoi? De foot j'imagine. Ouais, des foot en général, donc je mets des actualités. D'accord. Et en trois mois j'ai eu 60 000 gènes, donc pas mal. Bon, tu mets une pub pour l'émission dessus, j'espère. Ben oui, ok. Ah, tu mets un petit lien là de ta page sur la nôtre, hein. De Mickaël officiel. Ouais, d'office, ouais. Ok, ben bon, okay. Ça marche. Y a pas de soucis. Bon, donc c'est quoi? C'est un monde de foot, c'est ça? Le Monde du Foot. Le Monde du Foot, pardon. Voilà, si vous voulez rejoindre, il n'y a pas de problème sur le Facebook, pas de problème. Ben merci Edgar d'être passé en tout cas. Hein. Tu reviens quand tu veux. Pas de soucis, merci à vous. Je t'en prie, à bientôt. Salut Edgar, ciao à toi, bye. Salut. Bye. Ciao. Merci. Et puis on aura aussi Kylian là, dans un instant. Là. Salut Kylian. Salut. Ça va bien? Ça va. Bon, très bien. Alors Kylian, donc toi t'appelles de Arlelon. C'est un nouvel endroit, hein. J'imagine que c'est Arlon, mais ils ont voulu rajouter le devant, hein, au milieu. Non, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est bien Arlelon. C'était une longue ville, alors Arlelon. Ouais. C'est ça, Arlelon, ouais. Bon, alors, Kylian, toi, tu nous appelles par rapport aux phobies. Eh oui, exactement. Alors, vas-y. Bah, en fait, moi, j'ai une phobie qui s'est déclarée, là, il y a quelques mois, en fait. Ouais. Donc, en fait, dès qu'il y a, on va dire, une explosion, style pétard, tonnerre, ou même du visuel, style éclair ou autre. Ouais, du coup t'as peur. En fait, c'est plus que de la peur, en fait, je me renferme sur moi-même et je... Comme là, par exemple, t'as peur, là. Non. Ouais, non, c'est plus quand t'es sur un effet de surprise ou autre. Mais voilà, quand ça arrive, je perds tous mes moyens et en fait c'est comme si mon cerveau se déconnectait de la totalité de mon corps et Ah oui carrément ouais. Oui, et en fait son cerveau vient devant lui et lui parle. Ah putain ouais, toi t'es carrément des dédoublements toi. Voilà, on va dire ça. Et le truc c'est que voilà, au niveau acte, je prends un exemple, si c'est le soir ou par exemple j'entends un feu d'artifice dehors, je suis couché, bah là c'est. Voilà, je contrôle plus du tout mon corps ni rien. Merde, c'était un feu d'artifice mais je l'ai raté. Il est tombé à plat, désolé, autant pour moi, c'était la boîte était humide, je l'ai vu trop tard. Ah ouais, fallait pas l'allumer. Non oui, je sais, désolé. Donc ouais, bah par exemple récemment encore, et ça m'arrive de plus en plus fréquemment dès qu'il y a même un bruit infime, c'est bah voilà, je me déconnecte, je suis toujours éveillé, mais j'en suis à trembler de tous les côtés. Et pourquoi? Qu'est-ce que t'as eu? Il y a eu un truc un jour qui s'est passé? Parce que bon, personnellement, j'ai trois et je suis pas un psy, donc. Mais voilà, pour être transparent, j'ai fait plusieurs mois en Afghanistan il y a quelques temps. Ouais. Ah, tu es militaire. T'es militaire. j'étais. Oui, bah oui, on l'imagine bien. Ouais. Ah oui, mais non, mais à ce moment-là, il y a une raison, tu vois, que tu sois terrorisé par les bruits d'explosion. Bah oui, évidemment. C'est comme il y a une raison, bah, c'est ouais, Poulou, bon. Il a peur de moi. Quand on se croise dans les couloirs, par exemple, il a peur. Il dit chaque fois bonjour monsieur, etc., comme si on se connaissait pas. C'est parce que t'es le chef, ça sert à rien. Ouais, mais voilà, c'est ça. Et comme c'est une poule mouillée, en fait, il a peur, quoi. Exactement. C'est ça. Ouais. Je non, voilà. Tremble. Mais oui, mais il a raison, parce que sinon forcément là pour l'instant c'est sur Toff que je suis, mais je pourrais très bien me rabattre à un moment sur Polo et voilà. Mais bon là je l'ai mis sur Toff, hein, rassurez-vous. Hein. Que les fans soient rassurés, c'est bien Toff qui a pris son coup dans la gueule comme d'habitude. Que les fans je l'ai bien senti. Voilà. Que les fans de destruction toffienne soient rassurés. Exactement d'ailleurs. Gueule, hop. Cette gueule qui prend là. On le brûle au lance-flamme. Un petit coup de lance-flamme dans la gueule, tiens. Oh, voilà. L'appel, là, ça fait toujours. Ça fait toujours mieux comme ouais. Ça, c'est plus classe, c'est plus joli. Bon, bah ouais, donc toi t'as une raison, Kylian, pour le coup d'avoir peur. Bah ouais, c'est normal. Si ouais, mais fait... bon, ce qui était perturbant, c'est que c'est arrivé vraiment plusieurs mois après, quoi. Ça a été ouais, mais tu sais, après, bah, le cerveau, après, il réfléchit pas. Enfin, si, il réfléchit très bien, mais je veux dire, tu sais, t'as des trucs parfois comme ça qui viennent quelques semaines ou mois après. Toi, tu crois que t'as oublié, au final, boum, truc qui revient tout d'un coup, quoi. Ça qui est, ça qui est bizarre. Bah ouais. Bon bah en tout cas, bah, bon courage. T'as de la chance en Belgique, en France, tout ça. Il y a pas encore des orages assez souvent quoi. Ah mais qui reste loin, hein, ce serait sympa. Bah ouais, bah, j'imagine. Ouais. Si je peux te conseiller, va dans les Caraïbes. Là t'es bien là en termes d'orage. Ouais, ils sont pas ouais. Non, franchement, tu vas genre Floride, Texas, tout ça dans ces zones là. Là tu vas être bien installé en termes d'orage. Tu vas voir. Franchement, t'es safe là. Bah allez, ouais, tu risques rien. Vas-y, Kylian. Bon, et merci de passer en tout cas, Kylian. Tu reviens quand tu veux sur Phone. Pas de soucis. Merci salut, beaucoup, à bientôt. Salut, Kylian. Merci. Ciao à toi. On aura aussi Anthony dans un instant là. Salut, Anthony. Salut. Ça va bien, Anthony de Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Comment vas-tu, Anthony? T'appelles pourquoi, dis-moi? Ben, parce que je reviens de vacances du Cap d'Agde, là. Ouais, d'accord. Ah. Non, mais c'est bien. Cap d'Agde est très bien. Donc, tu t'es bien marré. On va en parler dans un instant. Ouais. Ok, très bien. Bon bah ne bouge pas de là. Et puis on va terminer avec les phobies avec Alex là, qui est avec nous là, de Motoban là. Salut Alex. Salut. Ça va bien? Oui, et vous? Bah ouais, super, et toi? Ouais, super. Ah ouais, super alors. Et c'est en retour à l'école demain ou pas encore? C'est mercredi. Oh ça va, tranquille, toi t'es en mode bien là jusqu'à mercredi. Ouais. Bon bah très bien. Bon alors, toi tu voulais réagir à quoi? Bah pour la phobie des pieds. Pour la phobie. Ah toi t'aimes pas les pieds toi? Bah depuis quand j'étais petit. Ouais. J'étais chez un pote et tout, j'ai vu leurs pieds. Ils étaient trop vilains. Et ben depuis ça, je peux plus voir des pieds, sauf les pieds. Ah mais attends, donc tes pieds te font pas peur, mais les autres t'aimes pas. Ouais. Parce que t'as été chez un pote et t'as été dormir chez un pote, t'as vu la famille des pieds, enfin les pieds de la famille plutôt. La famille. Et depuis t'aimes pas. Pied, ouais, papa pied, ouais. Maman pied, etc. Mais d'accord, ok, pourquoi pas. Mais ils t'ont fait quoi? Tu les as juste vu marcher ou J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. Bah, ils ont tiré leurs chaussettes. Oui, bah c'est le principe, ils sont chez eux quoi. Ouais, ça sentait une odeur de fromage et tout. Ouais. Je pouvais plus tenir. Après, je vois des pieds trop vilains. J'ai dit, ah, mais c'est quoi ça? C'est un pied, quoi. Mais après, t'as des pieds qui sont quand même relativement moches. Hein, faut dire les choses. Non, mais c'est vrai. Il y a quand même des gens qui ont quand même des pieds dégueulasses, quoi. Ouais. Tu sais, quand ils sont là avec des ongles dégueulasses, où il manque un ongle, où tout c'est tout noir, c'est horrible. Ouais. Ouais, t'as des gens vraiment dégueulasses. Très bien. Bon, bah écoute, merci de passer, Alex. Hein. Il va falloir être couché, là, vu l'heure qu'il est, là, non? C'est quoi? Il va falloir être couché là à l'heure qu'il est là, non? Mais non, c'est encore trop de bonheur. C'est encore trop de bonheur là. Attends, je te mets une petite musique. Tout le monde au lit, maintenant. Voilà, attends, je te mets la petite musique maintenant. Bodo blib, bobo gip, bodoa da, do, da, doa, na. Tu dors ou pas là? Est-ce que je peux passer une petite dédicace? Ah, tu dors toujours pas? Non. Attends, je te mets un coup de pelle dans la gueule. Oh, ça m'a saoulé ça. Ah, voilà quand même. On y arrive. Bon, allez, vite fait, avant d'aller dormir, là. Dédicace, mais une seule personne, hein. Tu connais la règle? Choisis la bonne. Oui, c'est bon, je connais les règles. Bah ouais, très bien, mais c'est parfait. C'est bien, t'es quelqu'un de confiance, Alexandre, c'est bien. Vas-y, on t'écoute. Bon, je passe une dédicace à Guillaume Manzoni, qui est en train de exactement écouter Fun Radio. Et il fait bien. Et je lui dis bon courage pour son boulot qui commence 3h du mat. Ah ouais, putain, ouais, galère, ouais, c'est dans 4 heures, quoi. Ah ouais, très bien. Ouais. Mais il écoute l'émission, en plus, il commence dans 4 heures, c'est bien, il a du courage. Bah, merci, ouais. Alexandre, en tout cas. Et n'oublie pas, quand tu rentres mercredi au bahut, là, de prévenir tes potes qu'on est là, hein, sur Fun Radio, le ouais, dimanche ouais. de 20h à minuit et la semaine de 23h à 2h, que dorénavant, c'est sur Fun Radio que ça se passe cette année, d'accord? Ouais, ouais. Bon, bah, parfait. Je compte sur toi. Je vous rappellerai s'il y a quelqu'un qui me donne un défi de regarder des pieds vilains. Pas de problème. On fait ça, Alex. Je suis en pas de problème, ouais, ouais, ouais, si tu veux, il y a ceux de Toff aussi qui sont bien dégueulasses, mais bon. Bon, ben ça marche. Allez, salut à toi, Alex, et bonne salut. Soirée. À bientôt. Salut, merci. Salut. Allez, bientôt. Ciao. Dans un instant, Anthony, donc, qui va débarquer par rapport à ses petites vacances au Cap d'Agde. Et puis nous, on va revenir dans un instant sur Fun Radio avec le son de Macklemore. Je rappelle qu'il y a toujours la photo aussi, hein, de Robin Thicke qui est en train de poser avec une charmante blonde et regarder dans le miroir sur votre gauche la petite particularité. Et il la gratte en fait. Eh voilà, c'est problème. Ça, ouais, ça chatouillait, donc il l'a un peu gratté, il est tellement gentil, Robin Thicke. Voilà, facebook.com/Mickaël officiel, allez voir, il y a aussi l'iPod Nano que je vous offre avant minuit. Si vous voulez le gagner, il reste 50 minutes, facebook.com/Mickaël officiel, on fera un tirage au sort parmi les likers. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Mickaël, No Limit, le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, là, tous les soirs dans toute la France. 01 42 48 5000. Ça fonctionne également, évidemment, si vous voulez délirer avec nous. Prenez le contrôle, on est là jusqu'à minuit. Vous envoyez votre message, vous appelez Sandro. Pardon, 01 42 48 5000. Plein de messages aussi qui sont arrivés. Il y a Ridé aussi sur le Facebook qui dit j'ai grave peur de me réveiller dans une tombe et de plus pouvoir sortir. Ah ouais, putain, ça, c'est une angoisse aussi. Hein. Jérémy qui dit moi, j'ai la phobie des pétards. J'ai été brûlé 3 fois en 3 ans en bord de mer le 14 juillet. Nicolas, toujours sur Facebook, il y a quand même des oufs qui passent sur Fun là, c'est de la balle de vous écouter, merci à tous. En même temps de jouer à Call of Duty, il y avait quoi aussi, Let's Be Freaks qui dit les pieds c'est dégueu, comment on peut kiffer ça? Je suis assez d'accord, hein. Moi je trouve ça assez répugnant. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a Saber aussi qui dit désolé mais il l'a doigté là. Oui, le Robin Thicke, c'est la photo qui est sur le Facebook. Allez voir et donnez vos avis, on attend ça maintenant là, facebook.com/Mickaël officiel. Regardez la photo de Robin Thicke avec une de ses fans. C'est assez impressionnant. On écoute Macklemore maintenant sur Fun, c'est Can't Hold Us. Bonne soirée, bonne nuit avec Fun. Return of the Mac. Get up, what it is, what it does, what it is, what it is. Look at hold us. Macklemore à l'instant sur Fun Radio, c'était Can Hold Us pour prendre le contrôle de Fun, un seul numéro. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Exactement, il y a Joséphine qui a envoyé un message sur le Facebook qui dit Robin Thicke prend la température de la fille pour savoir si elle est chaude. Ah, c'est ça. C'est pour voir s'il avait pas de maladie, tu vois. Ouais, ok, d'accord, j'ai compris maintenant, très bien. Kevin aussi qui dit ouais, vous étiez pas intelligent. Et alors il y a aussi Kikas qui dit Mickaël, la vache, on dirait vraiment pas devant. Attends, c'est quoi? On dirait vraiment pas de devant qui lui fout. Ah, il dit la vache, genre l'expression, on dirait vraiment pas de devant qui lui fout le doigt, mais elle a l'air contente. Ouais, ouais, elle a l'air plutôt contente. Hein. Allez voir la photo, il y a donc Robin Thicke qui est donc sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel, donc qui pose avec une jolie blonde. Et donc vous allez voir dans le miroir à l'arrière, dans le fond de la photo, sur le côté gauche, qu'en fait il est en train de lui mettre la main aux fesses, enfin dans les fesses même, hein, pour être clair. Kevin aussi qui dit bon, je crois que c'est tous ok pour remettre le son de Bouya de Showtech. Ah bah ouais, d'accord. Eh bon, on le remettra avant de partir, alors sans problème. Louis qui est d'accord aussi, je vais écouter du Showtech, c'est tellement bien, pas de problème. On vous l'avait fait découvrir jeudi, là, pour ceux qui connaissaient pas encore, là, le son de Showtech avec Booyah. On l'a d'ailleurs mis 3 fois d'affilée. Hein. Donc si vous voulez qu'on le réécoute ce soir avant minuit, là, vous mettez le hashtag Mickaël tout simplement sur le Twitter de l'émission. Allez-y, n'hésitez pas. Et je vous rappelle encore une fois que dans 3 quarts d'heure maintenant, eh bien, il y aura l'iPod Nano à gagner sur Fun Radio. Ça vaut quand même 150 euros. Hein. L'iPod Nano à gagner maintenant, si vous voulez. Donc vous allez sur facebook.com/Mickaël officiel. Vous faites un like sur la photo où il y a l'iPod. Et puis, bah, tirage au sort tout à l'heure avant minuit sur Fun Radio. Restez bien connectés. On va encore parler des phobies avec Tom et Guillaume dans quelques instants. Et puis, on va parler également avec Anthony qui est avec nous là maintenant des Bouches-du-Rhône de nouveau. Anthony, ouais. T'es là? Oui, oui. Tiens, t'es célibataire toi, Anthony, ou pas? Oui. Ah bah justement, tu vas peut-être pouvoir me parler tiens de cette info sur laquelle je suis tombé. Non, en fait, je voulais vous demander en tant que célibataire, justement, est-ce que vous faites attention à votre lit? À quoi? À ton lit. Est-ce que tu fais souvent le ménage? Enfin, je parle pas de ta mère, hein, je parle de toi. Ah, personnellement? Ouais. La plupart du temps, c'est ma mère. Ah d'accord, ok. Donc, et si elle le faisait pas, tu le ferais quand même ou... Ben en fait elle me dit ça sert à rien de le faire, le soir on redort dedans. Ah oui, oui, oui, c'est oui, vu comme ça, effectivement. Bah, t'es un peu comme tous les autres, hein, puisque je tombais sur un article qui dit que les mecs n'ont pas, n'ont qu'un ensemble de draps, si tu veux, et ils le changent à peu près tous les 3 mois. Alors que les filles en ont 3 exemplaires à dispo et elles le changent toutes les semaines ou 2 semaines grand maximum. Attends, ça va 3 mois. Non mais t'es sérieux, 3 mois t'es sérieux. Ah oui, attends, c'est ça dégueulasse. Va. Non, 3 mois tu les mets 2 fois à la fenêtre, mais c'est ouais, bon. Oh, quelle horreur. Une fois à l'endroit, une fois à l'envers, c'est bon. Ouais. Non, ça je suis pas d'accord parce qu'après la couture ça, c'est relou, ça gratte et tout, non. Ah, ça gratte, ouais, c'est ça. Ouais. Non mais venez nous dire là, comment ça se passe chez vous là et si effectivement vous êtes des crados ou. Ou non, pas en fait tout simplement. Moi ça va tant que j'ai des mouchoirs et que je dois pas m'essuyer dans le drap, je peux le garder. Oh, quelle horreur. Bon bah venez nous en dire, venez nous dire si effectivement vous êtes comme ça. Et venez nous dire aussi les filles, si vous êtes déjà tombé sur un mec en allant chez lui, vous vous êtes rendu compte qu'en fait le mec bah il avait l'air bien mais en fait c'est un gros crado. Donc voilà, donc dites-nous en fait si vous êtes déjà sorti avec Toff. En fait, tout simplement, voilà, n'hésitez pas. 01 42 48 5000 ou alors pour la Belgique 02 851 4x0. Et est-ce que vous êtes plutôt du style les mecs, soyez honnête, hein, bah oui, bah on oui, connaît pas votre adresse, votre vie ni rien, donc même si vous changez de prénom, on s'en fout, mais je veux dire voilà, dites-nous franchement, est-ce que comme le sondage qu'on a lu là, est-ce que vous changez votre drap genre une fois tous les 3 mois, ce qui est dégueulasse, 3 mois. Mais quoi. Non, ça va 3 mois. Bah, arrête ton cinéma, ça pue sa race à l'intérieur là. Mais rien du tout, tu les mets un peu, tu les mets oui. Malades. C'est ça, c'est ça. C'est bon. Il y a Benjamin aussi qui dit en ce moment ménage tous les jours car je suis en arrêt. Bah oui, en même temps, t'as que ça à foutre. Hein. Kylian qui dit vive le lance-roquette et vive Mickaël. J'ai pas encore reçu mon lance-roquette et j'espère qu'il va arriver. Il y a Pierre qui dit un petit coup de bazooka, s'il te plaît. Ah, avec plaisir. Voilà, dans la gueule de Toff. Et ben voilà, c'est là qu'il a pété. Anthony ? Oui. Bon, alors de quoi on parle avec toi ? Dis-moi. Que j'étais parti au Cap d'Agde. Ouais. Ouais. Ben, je suis parti au Cap d'Agde pendant 3 jours et on est allé pendant 2 jours, on est sorti et tout, on est allé à 7, faire la bouée tractée et tout. Ouais, là, jusque là, à la cool, hein. Vite, en fait. Le soir, on est sorti à l'Amnésia, c'était le bordel, on est allé à la soirée nous, c'est la soirée déguisée. Ouais, ouais, ouais. Et le lendemain, on avait envie de partir au village naturiste. D'accord. Et là, comme ça s'appelle, on va pour y aller avec ma meilleure amie, et sauf que comme j'ai pas 18 ans, je peux pas rentrer moi. Normal, dommage. Voilà. Donc ils sont tous rentrés, t'as eu le bien la haine, non? Ouais, ça s'est pas passé comme ça en fait. Et bon, du coup, on a explique. Fait du tour, on ouais. A pas pris de ticket, j'ai dit à la femme que je rentre au camping, on m'a foutu dans le coffre en fait. Pour que je puisse rentrer dedans. Ah oui, d'accord, oui, oui, très bien, dans le coffre de la voiture, ok, ouais. C'est ça, et une fois qu'on était à l'intérieur, c'était le bordel. C'était énorme dedans. Mais donc, du coup, il s'est passé quoi? Explique plus en détail, parce que là, tu nous dis juste c'était énorme, mais quoi? Ben, on est rentré, tout le monde était à poil, nous on était choqués au début un peu. Bah oui, oui, forcément, enfin, ouais. Tu vas dans un camp naturiste, tu t'attendais à quoi hein? Est-ce qu'ils soient tous non, en... Mais... En armure. C'est ça, avec des vêtements de ski, c'est... Tu pensais qu'il allait voir des chevaliers ou quoi? Non, mais je m'en... C'est ça, c'est tous arrivés, là. Oye, bonjour, bienvenue au Cap d'Agde. Qu'est-ce que tu veux, chevalier? C'est ça que t'as dit. Hein, t'avais ça comme musique? Non, il y avait pas ça, nous on était slow down. Ah, vous étiez sur Slowdown, d'accord, ok, voilà. Ouais. Et on passe, mais en fait, on pensait qu'il y avait des jeunes dedans, sauf qu'on est tombé dans la saison, il y avait que les vieux. Donc, du coup, c'était horrible à voir. Ouais. C'était bien, mais c'était horrible. Et donc, ouais, du coup, après. C'est parce que c'est la fin. Sur la plage et tout. C'est la fin de l'été, donc, du coup, il n'y a plus trop de jeunes, quoi. C'est ça. Ah, ouais. Ah, oui, dommage. Donc, du coup, t'as vu que les retraités, quoi. C'est ça. Ah, ouais, dommage. Donc, et du coup ça t'a dégoûté, t'as plus envie d'aller. Si, j'y retourne l'année prochaine. Mais on retourne quand il y a la saison des jeunes, mi-août, mi-juillet. D'accord, mi-juillet. Ouais, mi-juillet, mi-août, parce que sinon ils sont là pendant un bout de temps quand même les jeunes, hein. S'ils viennent de mi-août à mi-juillet, ça fait quand même beaucoup là. D'accord, ok, bon, très bien, et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé là-bas en plus? T'es resté longtemps, pas longtemps? Dis-nous un peu plus en détail. On est resté une journée en fait, on est allé au bar et tout, ouais. Le soir on est allé au bar, les gens en fait ils sont habillés mais sexy, c'est bizarre en fait. Ils sont habillés mais on leur voit tout. Comment ça, ils sont habillés, mais on voit tout? Mais genre, au niveau des seins pour les gadis, c'est on leur voit les tétés, tu vois. Bah ah oui, ouais. C'est le principe. Ouais, c'est, ouais. Un peu, c'est vrai que c'est un peu le principe, au final. Hein. Ouais, mais... Toi, ça t'a choqué, ouais, quoi. Ouais, j'en ai vu une, elle avait les seins gonflés, des piercings en haut, des piercings en bas. Ah, classe. Ouais. Ouais, bah dites-nous, tiens, si vous avez déjà été justement dans des camps naturistes, comme ça on va en parler, tiens. Bah Anthony, reste avec nous, tiens. Si vous avez déjà été, les garçons et les filles, là, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0, dites-nous un petit peu comment ça s'est passé. Bah, merci Anthony. De rien. Je pourrais faire une petite dédicace. Yes. À ma meilleure amie. Ouais. À ma mère, ma vie, que je l'aime. Et à toute ma famille, Agnès, Stéphane, Lola, Dino. À Manonbou, Grigouze. Oui, t'emballe pas, Anthony. Hein. J'étais un petit peu distrait là, mais c'est une personne normalement maximum. Donc je pense que tu as fait le tour là. Ah d'accord. Et est-ce que je pourrais avoir juste l'accompli L'accompli, bon, on va te faire une accompli, pas de problème. Non, on va te filer le pack fun, t'inquiète pas, tu gères Alexandre ou Anthony. Ça va, ça marche, merci. Salut Anthony, à bientôt. Ciao à toi, bye bye. Salut Anthony, ciao, et n'oublie pas de dire à tes potes à Condé là de 20h à minuit, hein, tous les dimanches et toute la semaine également de 23h à 2h du mat. Bon, avant de parler de défis, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Quentin, avec Luigi, on aura aussi tout à l'heure Najib avec nous, et puis on a Tom avec nous là maintenant de Salon de Provence. Salut Tom. Salut. Comment ça va? Bien. Oh putain, la voix d'enculée là, 14 ans. C'est bon ça? Ouais. Tu dois en faire tomber des meufs là, non, avec cette voix là. Salut. Non, pas du tout. Ah merde. Dommage. Bon, j'y croyais pourtant, hein. Bon, alors, du coup, toi, Tom, t'appelles par rapport aux phobies. Ouais, parce qu'en fait, moi, c'est. Ça fait un petit bout de temps quand même, et en fait, à chaque fois que c'est par rapport à ce qui est un peu esprit, fantôme, tous les machins comme ça, moi, je flippe gravement ça. Ah, c'est pour ça que t'arrives pas à pécho? Non. D'accord. Bah, si, parce que comme t'as peur des fantômes. Non, attends, mais toi, c'est musique. Non. Alors vas-y, dis-moi. Ça me fait trembloter la voix, le machin, ça me... De quoi, la musique? Oui. Mais non, t'inquiète pas. Là, tu vois, par exemple, juste le fait d'en parler, dans le machin, je vais pas rester dans le noir. J'étais obligé d'allumer une lampe torche, tu vois. Une lampe torche, carrément? Ouais. Ah ouais? Mais pourquoi? Une lampe de poche. Une lampe de poche. Mais pourquoi? T'as peur de quoi? T'as peur d'un fantôme? Bah, moi je suis vachement dans là-dessus, quoi. Ouais. Là, tu vois, par exemple, cet après-midi, je regarde Scary Movie, j'ai peur que le mec, il vienne dans la chambre, quoi. Ah oui, mais d'accord, ouais. Comme ça, quoi. Non, mais je vois, mais pourquoi t'as peur de ça? T'as vu un film qui t'a fait peur quand t'étais plus petit, ou c'était quoi? Bah, je sais pas trop, ça m'est venu comme ça, et depuis, bah, j'ai peur, quoi. D'accord, ok, c'est marrant, ça. Et t'as peur que les fantômes? Bah, tout ce qui est un truc un peu bizarre, quoi. Enfin, non, tout ce qui reste dans le fantôme et dans le paranormal, quoi. Ah ouais, d'accord, ok, tiens, c'est marrant ça. Et donc, du coup, t'as jamais vu de fantôme alors? T'en as jamais vu un qui est passé devant toi avec une robe blanche, tout ça, non? Non, jamais. D'accord, ok, bon, très bien. Et donc, quand je te mets la musique, là, t'as peur? Oui. D'accord, ok. Fais attention derrière toi. Ouais, attention là, bouh. On sait jamais. Moi, je me suis foutu dos à un mur, t'inquiète pas, je comprends la leçon. Eh, en même temps, un fantôme, il passe à travers les murs, hein. Putain, non, mais dis pas ça. Pas tous. Ouais, pas tous. Après, il y en a qui peuvent passer à travers des murs, c'est si vrai. Ils ont pas de passeport pour passer les murs. Non, à ce moment-là, ils restent là. Voilà. Il faut qu'ils restent derrière la yellow line. Bah, t'es obligé. C'est obligé la ligne jaune, effectivement. Là, ça, c'est s'ils peuvent pas passer au travers, quoi. La ligne rouge, ça marche au-dessus aussi. Ligne rouge, ouais, non. Ouais, ça dépend des endroits, mais ça peut. Ouais. Et j'ai peur aussi qu'il y en a qui soient, tu vois, dans les coins, plafond, tout ça. Là, Tu dors jamais, en fait. C'est parce que si t'es terrorisé de tout ça, là, et maman, quand tu fermes les yeux, tu peux pas savoir. Ça se trouve, il y a un fantôme qui du coup se réveille en disant, c'est bon, il dort, je peux venir. Non, justement, j'ai trouvé une technique pour ça. Ah, vas-y, c'est quoi? Quand j'écoute la radio, par exemple, quand je vous écoute ou quand je, voilà, avant de dormir, ouais. Je me mets un oreiller sur les yeux, comme ça, quand j'ouvre les yeux, je verrai rien. Tu vois, c'est. Mais tu sais que, fais gaffe, tu vas mourir étouffé. Hein. Mais pourquoi tu mets pas des espèces de petits masques là, tu vois, pour juste cacher les yeux? Ah non, c'est de la merde, l'élastique il pète tout le temps. Hein. Ah, bah alors avec un oreiller, t'es tranquille. Un oreiller, ouais, mais parce que. Juste sur les yeux, pas sur non, le mais... nez. D'accord, ok, non, mais je comprends, mais parce que techniquement, c'est pas très logique. Parce que tu dis, ouais, si je mets un coussin comme ça, si j'ouvre les yeux, je vois rien. Mais ça n'empêche pas que le fantôme peut quand même être derrière. Mais quand on est couché, y a rien derrière nous à part un matelas. Non mais d'accord, mais il peut être devant du coup, puisque t'as quand même les yeux cachés. Oui, mais au moins je le vois pas, au moins je flippe pas, quoi. Donc tu le vois pas, donc tu sais pas. D'accord, c'est pas très clair, parce que je reviens sur mon truc, mais si tu as le coussin sur ta tête et que tu ouvres les yeux, tu ne verras effectivement rien, mais ça n'empêche pas que le fantôme pourrait éventuellement être là. Qu'est-ce que c'est que cette conversation? J'imagine un auditeur qui débarque, il dit, mais c'est qu'est-ce loin, qu'il raconte? Très très loin. Non mais enfin, c'est pas... Un fantôme, logiquement, un fantôme, ça... Enfin, bah logiquement, ça n'existe pas. Ça fait rien. Non, logiquement, ça n'existe pas, un fantôme. Bah, c'est possible quand même. Enfin, moi, personnellement, j'y crois. D'accord. Bah, écoute, si t'y crois, moi, j'ai envie de dire, tant mieux. Enfin, tant mieux ou tant pis. Après, je sais pas, ça dépend de quel côté tu te places. Attends, je te remets un petit peu la musique, là, pour égayer. Ah, on est bien, là. Ah, on est pas mal, là. Non, chouette musique. Ouais, là, on est très bien, là. Non. Mais si... Non, dans ton esprit. Non, là ça marche pas par contre. Ah bon? Ma voix ne te fait pas peur? Je suis en train de trembloter là. Oui, c'est normal. Je suis dans ton esprit. J'ai cru que t'allais dire je suis ton père, mais... Non, je ne suis pas ton père. Je suis... Je suis qui déjà? Je suis là pour te faire peur. Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Non, je suis en train de flipper. Regarde ta main. Elle va passer derrière ton corps. Putain, là, là, là, mais non, mais j'ai des coups de flip à cause de ça. Putain, je vais pas dormir de la nuit. Mais si. Je vais pas dormir de la nuit. Attends, j'ai Gérard le monstre là. Ça va GG ou quoi? Ça va. Tranquille ou quoi? Pépère. T'as passé un bon week-end, t'as vu? Non, je n'ai pas fait assez peur aujourd'hui. Ah merde. Ah oui. Non. Bah justement, bah ça tombe bien, on a Tob avec nous là. Mais oui, je vais lui prendre la tête. Eh, je te présente GG, c'est le fantôme de la radio. Putain, non. Si. Il est cool, c'est t'inquiète hein. Oui. Il a un drap au-dessus de sa tête, un drap blanc avec deux trous. Et je kiffe le son dance floor. Voilà, c'est le premier fantôme qui bouge en son dance floor, il est au top. J'adore ça. Ah bah tant mieux. Bah nous aussi tiens. Nico me fait des soirées privées tous les week-ends. Ah génial, vous avez de la chance hein. C'est... Oui. Ah ouais c'est cool. Ouais, c'est tout ce que j'ai à faire. C'est vrai. Bon bah on va pas vous déranger plus longtemps GG là parce que vous avez d'autres personnes à faire chier hein, ce soir. Oui, je vais m'occuper de Tom. Bon bah très bien. J'étais pas avec Robin Fick hein, ces soirées. Va savoir. Ouais. Bon bah Tom, bah merci en tout cas et essaye de bien dormir quand même hein. Coussin. Chercher le coussin, ouais. Bon, salut Tom, à bientôt. Ouais, dans les trucs, il y a moyen d'avoir un petit pack fun. Avec un petit fantôme dedans là. Et un crucifix de l'ail. Exactement. avec un petit fantôme dedans là. Et de l'eau bénite. Voilà, c'est ça, ouais. Non, je vais pas commencer à ça parce que sinon je vais pas pouvoir m'en passer. Ah, c'est ça le pack. Ah oui, c'est ça, hein. Ah il y a tout dedans, t'inquiète pas, tu vas pouvoir faire, tu vas pouvoir t'amuser. T'auras une bible, comme ça tu pourras lire de temps en temps. Voilà, c'est et ça. Et il y a un vieux aussi au cueillir. Exactement. Un loup-garou. Jamais pour les bon vampires. Tom, les je te repasse Sandro au standard, passe une bonne soirée, à bientôt. Hein. D'accord. Allez, courage. Boum. Salut Tom, ciao à toi. Salut. Bon, dans un instant on aura Najib, dans un instant on aura aussi Guillaume là encore pour les phobies. T'es là Guillaume? Ouais, ça va? Bah ça va et toi? Ça va, tranquille. Bon bah tant mieux. Bah, on va parler dans un instant là des phobies là, juste après le son de LOL DJs avec Portilla des Bobos et puis on aura aussi Najib avec nous là. Tu restes avec nous Guillaume? Ouais ça marche, y'a bon, pas de soucis. Parfait, bouge pas de là Guillaume, on revient sur Fun Radio. Et bah juste après le son de LOL DJs qu'on écoute tout de suite sur Fun Radio, LOL DJs avec Portilla des Bobos. Bonne soirée tout le monde. C'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à minuit avec l'iPod Nano encore à gagner sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel, tirage au sort avant minuit. C'est Fun Radio avec LOL DJs à l'instant, c'était Portilla des Bobos. Et puis sur Fun Radio on va récupérer Guillaume dans un instant pour parler des phobies. Et puis là on a Najib avec nous là maintenant. Salut Najib. Salut Fun Radio. Salut, t'appelles pour quoi hein? J'appelle pour en fait piéger ma mère. Ah c'est à dire? En fait lui faire croire que je me suis fait choper par les flics sans permis, au volant d'une voiture sans permis. Ah bah très bien. Alors je serai le commissaire Michel. Oh oui. C'est bien ça commissaire. D'accord. Michel. Ça me paraît pas ouais, mal. Fait, commissaire. Bon alors du coup tu t'es alors soi-disant fait arrêter où alors? Attends que je note. Alors je me suis fait arrêter à Pont-du-Casse. À Pont-du-Casse. Mm-hmm. Alors attends, je note. Et lui faire croire que je suis au commissariat d'Agen. Commissariat d'Agen. D'Agen. Et que j'allais entre en fait chez ma copine quoi. Très bien, parfait. Bon. Est-ce que cette vanne de merde est passée inaperçue? Ouais, totalement, ouais. Ah d'accord. Moi je la trouvais pas mal. Ah ouais, non mais on a rendu service en même temps, hein. Bah ah, oui. Oui. En même temps, je note tout, je peux pas être partout. Hein. Bon, alors, donc commissariat d'Agen pour arrêter à la pont du Casse, c'était en quoi? Genre en voiture sans permis, c'est ça hein? J'étais en voiture, mais comme j'ai pas de permis, donc je me suis fait attraper. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi comme voiture? Allez, on va dire une Audi A3, j'ai un pote qui a une Audi A3. Ça va monsieur, se met bien. Hein. Ah, on aurait pu dire une voiture, une Fiat Panda, mais non, t'as préféré la Audi A3. Non mais c'est bien, on voit tout de suite que tu vois. Bon, Audi A3, donc celle d'un pote qui évidemment n'est pas assuré. Qui n'est pas assuré. Bien sûr. Et puis voilà. Très bien, parfait. Ok, bon bah écoute, on va l'appeler alors, hein, donc commissaire ouais. Michel. Donc du coup je l'appelle. Non, t'as droit à ton premier appel, donc tu l'appelles toi. Et puis nous on est derrière, un moment ou un autre, je te demanderai de remplir des papiers, tu me la passeras. D'accord. Par contre, faudra que tu te mettes. Tu peux pas te mettre dans un endroit où il y a un peu moins de bruit là, parce que là ça gueule. Hein. Ouais, Max, attends, je vais taper le squat dans ta chambre. Ouais, voilà, c'est bien, dans la chambre c'est pas mal. Voilà. Hop, c'est bon, on y va. On va taper le squat. Allez, c'est parti, on y va, comment elle s'appelle ta mère? Hélène. Sois merci. Bon et n'oublie pas que c'est moi le patron. Ok, pas de soucis. Ah oui, commissaire Michel. Et on y va. Évidemment, mon commissaire. Merci. Allô? Allô, maman? Allô? Maman? Oui. Ouais, c'est Majid. Oui. Dis-moi, là, j'ai un petit souci, je suis au commissariat d'Agen, là, tu peux pas venir me chercher, s'il te plaît? Qu'est-ce que t'as fait? Mais en fait, je me suis fait péter avec l'Audi d'un pote de Montanou. Il y a eu un contrôle de route et un contrôle de papier, et puis comme j'avais pas le permis, ben, ils m'ont niqué. Oh, putain, tu me fais chier, toi. Et moi, faut que je descende à pied, moi, tu te rends compte? Oui, oui, très bien. Bah, mais oui, mais bon, putain, mais viens, s'il te plaît. Bon, je vous en prie, pas de problème. Bon, j'arrive. La misère là-bas, putain, ça pue, con. Très bien. J'arrive. Ok. Très bien. Mais je te jure que c'est la seule fois que je le fais. Dites-moi, monsieur Lagide. Oui. Avec qui êtes-vous au téléphone, là? Avec ma mère. Ah, passez-la-moi, s'il vous plaît, là. Allez voir mon collègue en attendant, là, pour remplir les papiers, là. D'accord, tenez. Allez, viens, là. Allez. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Voilà, commissaire Michel au téléphone. Vous savez pourquoi on vous appelle, évidemment? Oui, pour que je vienne chercher mon fils. Voilà, effectivement. Vous savez ce qu'il a fait? Ben, en gros, il m'a expliqué, mais bon, j'ai pas trop compris. Bon, ben écoutez, on l'a arrêté pour un petit contrôle normal, alcoolémie, assurance, enfin bon, standard, quoi. On s'est rendu compte que votre fils n'avait pas le permis. Ben oui. Ah écoutez, d'autant plus qu'il nous a dit que apparemment vous ne viendriez pas. Bon, c'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure quand on l'a arrêté. Mais je vous dis, hein, tu fais des bêtises, t'es majeur, t'assumes. Ah oui, bah alors du coup, est-ce que vous le laissez là ou qu'est-ce qu'on fait? On le garde? Non, je vais quand même venir le chercher. Ah, vous, c'est sa d'accord. Sa première. Oui, mais par contre, ça va lui coûter cher. Hein, parce que vous imaginez bien que sans permis, sans assurance, en plus le véhicule n'est pas bien, à lui. Il va passer au tribunal, je sais. Ouais. Bon, allez, j'attends les résultats aussi de l'éthylotest, hein, le test d'alcoolémie. Parce qu'il a bu en plus. Ah écoutez, c'est-à-dire que sur le moment même, on a fait le test, effectivement, il était à 0,9. On attend juste, on fait une petite prise de sang là pour être sûr hein, que ce soit bon. Vous savez la limitation, vous savez quelle est la limitation, madame? Non, parce que j'ai pas de permis, j'ai rien du tout, donc... Ouais, comme votre fils. Bon, bah 0,5, lui non plus ne connaissait pas la limitation, en même temps c'est normal, il a pas le permis. Donc là, 0,9, évidemment, c'est presque le double, hein. Ah oui, comme vous dites. Oui, alors excusez-moi, un petit instant madame, je dois avoir un petit truc avec mon collègue, un petit instant. Hein. On a le résultat du gamin là, qu'on a raté tout à l'heure. Il est à combien? Voilà, c'est la catastrophe. Hein. Combien? 1,2. 1,2? 1,2 chef, il a dit le gars qui a fait la prise de sang. Bon, bah écoutez, bah, j'arrive un petit instant. Madame? Oui. Bon, 1,2, je viens d'avoir le résultat à l'instant, là, donc, bon, là, c'est dramatique, hein, là, ça risque de... ça à tribunal, quoi. Donc, là, 1,2 sans permis, sans assurance, vous imaginez bien que c'est la catastrophe, là. Oh putain. Voilà, bon, alors écoutez, moi ce que je peux faire si vous voulez, pour éviter de vous déplacer, c'est que je peux passer déposer avec la brigade ce soir chez vous. Et du coup, au niveau de l'arrangement, est-ce que vous préférez que ça se fasse officiellement ou qu'on évite les tracas? Comment ça? Bah écoutez, c'est-à-dire que là il a 18 ans, ce serait dommage qu'il ait un casier quoi. Ben oui. Bah voilà. Donc moi je me mets à votre place. Voilà, il va plus le refaire. Attendez, je vais lui demander. Monsieur Dagil, vous allez plus le refaire, j'imagine. Non, ça vous c'est avez... sûr, non, je le refais plus. Vous avez compris la leçon? Oui, très bien même. Bon, très bien. Alors écoutez, je vous repasse votre maman le temps que je fasse un petit calcul. D'accord. Allô maman? Oui. Oh, putain, je suis désolé maman. Ah non mais. Toi l'alcool ça va être terminé, Majid. Mais c'est bon, putain, j'ai à peine bu. Oui, mais écoute... Alors, bah, bon, écoutez, si je puis me permettre d'interrompre votre discussion, à peine 1,2 quand même, hein. C'est-à-dire que vous avez quand même vidé la bouteille, si je puis me permettre, hein. Une demi-bouteille de vodka pure, c'est tout. Oh bah c'est bon, tout. Bon, Majid, n'aggrave pas la situation, ne réponds pas, s'il te plaît. Mais justement, alors, Najid, votre avocat est arrivé là, il souhaite parler à votre maman. Oui. Voilà, ce serait bien... Attendez, repassez-moi votre mère, je vais lui parler. Oui. Allô, madame. Oui. Voilà, donc vu effectivement le 1.2, le sans permis et le problème défaut d'assurance, donc là, comme effectivement, en théorie, il y a le tribunal derrière, il y a déjà un avocat qui travaille avec nous, évidemment, qui a pris le dossier à sa charge, évidemment, donc je vous le passe, libre à vous, évidemment, de refuser ses services, hein, bien entendu, c'est un avocat gratuit, hein, c'est mis à votre service, quoi. C'est Maître Peters, je vous le passe, madame. Maître Peters, voilà, la mère du jeune homme. Ah oui, c'est le petit qui le... Qui a roulé sans permis et sans assurance. Ah oui, c'est du... Et avec un peu beaucoup d'alcoolémie. Ah hein. Oui, c'est du très très... Enfin bon, oui, allô, du bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je suis Maître Peters. Oui. Oui, je suis avocate stagiaire dans le barreau de France. Oui. Oui, voilà. Alors, pour faire mes heures, je fais un peu du enfin, pas payé, quoi. Du bénévolat. Oui, oui, oui, oui, oui, voilà. Et donc, je vais donner du conseil de toi. D'accord. Voilà. Alors, si je peux donner un conseil, arrange-toi avec le monsieur, comme ça je gagne un peu. D'accord. Tu compris ou pas? J'ai compris. Voilà. Hein, tu donnes un petit billet à monsieur l'agent, je prends ma part et tout le monde, il oublie ce qui se passe. D'accord. Et ça me reviendra combien? Oh, ça, attends. Commissaris? Oui. Oui, je pense qu'on peut faire un arrange comme d'habitude. Hein. Ah oui, attendez, écoutez, justement, j'étais en train de voir. Mais bon. Elle demande du combien, je vous le passe. Hein. Ah oui, alors excusez-moi, madame. Oui. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de faire les petits comptes. Donc on en est quand même à 4000 euros. Hein. De quoi 4000 euros? Avec 4000 euros, sinon, après, évidemment, c'est les frais de justice, les frais d'avocat. Imaginez que ça se termine mal. 4000 euros, moi. Je sais pas. Est-ce que je peux éventuellement parler à sa sœur, éventuellement, madame? Je sais pas si c'est sa sœur ou votre sœur, à vous, je ne sais pas. Oui, je crois que c'est ma sœur, oui. Ah, c'est votre sœur. Pourriez-vous me la passer, s'il vous plaît, madame? Allô? Oui, bonsoir, madame, mademoiselle. Bonsoir. Vous savez ce que votre frère a fait? Non, pas du tout. Ah, très bien. Bon, il a roulé, sans permis. Bon, ça arrive même au meilleur. Hein. Oui. Vous avez déjà roulé, vous, sans permis? Mais jamais. Non, mais j'étais pour être sûr. Parce que comme votre frère a l'air de dire que, effectivement, la famille est un peu comme lui, je prenais mes renseignements, quoi. Bon, écoutez, je vous le passe. Allô? Allô, ma chérie, ça va? Non, ça va pas d'après toi, réfléchis. Non mais là je me foutais totalement de ta gueule. T'entends-tu comment tu nous as foutu dans la merde? On était. Je crois que c'est ma faute ou quoi? Vas-y, ferme ta gueule, espèce de connasse, va. T'es sérieuse ou quoi? Casse-toi. Et là t'es au commissariat, c'est ça? Ben d'après toi. Najid? Oui. Bon bah va te laisser rentrer chez toi du coup. Ouais. Hein, parce que tu les as bien stressés là, ta mère et ta sœur, hein. Ouais. Hein? Comment elle s'appelle ta sœur? Samira. Quoi? Hey, reste calme, t'es sur Fun Radio, c'est Najid qui a voulu faire une blague à la con là. Hein? Ouais. Hein, Najid? Ouais. Et il est content. Et il est content. Et rassure ta mère, ouais. Samira. Vous là. Êtes sérieux? Mais oui. Maman, c'est Fun Radio. C'est pas vrai. Eh oui, oh là. Najid? Ouais. Eh, tu mériterais de rester toute la nuit en tôle. Je crois, ouais. Ta pauvre mère là, la cool, pauvre, elle était là. Moi, maman a dit que c'était pas des trucs à faire. Ah non, je suis d'accord avec elle. Hein, ouais, Najid? Excuse-toi. Voilà, pardon. Ouais, excuse-toi, Najid. Désolé, maman, désolé, la famille. Ouais, bah tu sais quoi, Najid? Ouais. Voilà, du coup, je vais offrir un iPod, mais à ta sœur. Oh. Voilà, et toi, tu repars avec que dalle. Oh. Que dalle, rien. D'accord, Samira, ça me paraît un bon deal. Même pas le quart d'un iPod. Attends, je vais réfléchir. Attends, tout ce que tu. Allez, tu vas repartir avec ça, regarde. Un gros coup dans ta gueule. Et un coup de lance-flamme. Ah, ça brûle. Ah oui, ça brûle. Ah bah t'as remarqué aussi, toi. Hein. Ah oui, ça brûle pas mal. Bon, Samira. Oui. Bon, tu le veux, l'iPod ou pas? Oui, mais c'est pas une blague. Enfin, bah non, c'est pas une blague. Non, c'était une blague au début, mais non, ça l'est plus. L'iPod, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il est pas au commissariat, mais par contre, l'iPod, on va pouvoir te l'envoyer. Merci, mais ma mère, là, franchement, elle va vraiment pas bien. Ah bah oui, j'imagine, mais rassure-la, dis-lui qu'il n'y a pas de problème et que ton frère est juste un idiot, mais ça, je pense qu'elle va le savoir maintenant. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça fait 18 ans, mais toi, t'insistes encore en plus, hein, le jour où ça va vraiment lui arriver, la pauvre, alors qu'elle avait dit en plus qu'elle viendrait pas te chercher au commissariat. Et elle était trop bonne encore, elle était prête à venir se déplacer. Mais oui, mais je la remercie, franchement. Ouais, tu la remercies. Je la remercie beaucoup. Ouais. Bah va la trouver maintenant, fais-lui un bisou plutôt, au lieu de dire n'importe quoi. Mais je suis juste à côté, donc ouais, je vais aller la rejoindre. Bon, allez, Najid et Samira, je vous fais des gros bisous. Samira, tu restes au téléphone, on va prendre tes coordonnées pour t'envoyer ton iPod Nano, d'accord? Ok. Gros bisous. Oui. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Et on revient. Et on revient juste après ça. 20h minuit. Connard, essaie de rappeler, je te bute. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Sur Fun Radio, exactement. Et tout à l'heure, il y aura Party Fun. Hein. Ne loupez pas le rendez-vous à partir de minuit sur Fun Radio. Ce sera avec Adrien. Donc restez bien sur Fun Radio. Et puis on va faire le tirage au sort aussi dans un peu plus de 10 minutes maintenant. Si vous voulez choper, eh bien votre iPod Nano, dernier rencard pour tenter de le choper ce soir. Eh bien, il suffit simplement de vous rendre sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/mickaëlofficiel. Tirage au sort tout à l'heure sur Fun Radio dans moins de 10 minutes. Bon, et puis je vous rappelle également, eh bien que on va aussi vous follower, hein, si vous nous faites un petit follow sur le Twitter de l'émission, on fait ça depuis deux semaines, même plus. Vous nous faites un follow et moi je vous suivrai également sur Twitter et sur Instagram. Vous tapez dans les deux cas M-I-K-L officiel. C'est aussi simple que ça. Et pour se préparer justement à Party Fun qui va débarquer dans un peu plus de 10 minutes maintenant, eh bien nous allons nous faire péter pour la deuxième fois ce soir, car vous avez été hyper nombreux à le demander sur le Twitter, notamment en mettant le hashtag Mickaël. Le son que je vous avais fait découvrir jeudi, c'est Showtech maintenant avec Booyah sur Fun Radio. Bonne soirée. Yes, all we care about is I'm partying, keeping them good vibes in it. Eh ben voilà, Showtech à l'instant, c'était Booyah sur Fun Radio. Il y a Maxime qui dit Showtech ça déchire, il y a que du bon sens sur Fun. Je suis fan iPod pour moi. Bon, on verra, on va faire le tirage au sort dans un instant. Calypso qui dit vous êtes des salopards avec Tom, mais je vous aime bien quand même. Bon, ça va, on l'a taquiné Tom, il était cool. Kikas aussi sur le Twitter qui dit ouais, GG le monstre de la radio Dance Floor, je le kiffe. Ah ouais, comme quoi vous avez des fans, hein, GG, hein. Ah bon? Oui, oui, vous aviez des fans. Tant mieux. Bah écoutez, je voilà. Je vais bientôt me produire. Bon, je bah très bien. Je vais demander à Miko de m'apprendre. Parfait, bah demandez plutôt là-bas alors. Très bien. Oh, salut, hein, GG. Hein. À tout à l'heure. Allez, c'est ça, au revoir. Bon, il y a également des messages sont arrivés de Mystique. Il dit je vous kiffe à bord, une claque sur la gueule de Toff. Et Quentin Ludivine et à toute l'équipe. Bah très bien, une claque sur la gueule de Toff. Toff ? Ouais. Voilà, tout ce que tu méritais. Maëva aussi qui dit évitez de parler de fantômes, s'il vous plaît, je suis tout seul chez moi et j'ai peur. T'inquiète, tu vas rien t'arriver, toi la cool. Guillaume également qui est avec nous de Tarn-et-Garonne. Salut Guillaume. Salut l'équipe, ça va et toi? Ça va, tranquille. Bon, tant mieux, sois le bienvenu. Alors, toi, tu voulais qu'on parle de quoi? Des poules. Du quoi? La phobie des poules, j'ai... Ah, t'as la phobie des poules? Non. Ouais. C'est sérieux, c'est un truc de malade. Ah c'est ouais, ouais, pas que, ouais. Ah, vas-y, rien que d'entendre le bruit, laisse tomber, ça me donne des putains de trucs, là. C'est nul comme phobie, hein. Ah ouais, eh, franchement, ça m'est arrivé un truc à la c'est con. C'est quoi. Non, mais c'est un truc... t'as peur des poules. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, quand j'avais quoi, genre 6 ans, j'étais avec ma grand-mère, mes cousins et tout, et on est allé chez ma tante. Et si tu veux, elle a un enclos de vaches, de poules et tout ça. Et quand je suis allé, si tu veux, on jouait au... Je sais pas si tu connais le Colamaya. Non, si. C'est quoi? Tu sais le truc du... Tu sais, tu mets le bandeau, tu vois pas. Ah ouais, je vois, ouais. Et si tu veux, mes cousins, ils m'ont emmené dans un enclos où il y avait plein de poules, tu vois. Et je suis arrivé comme ça, j'ai cherché, je marchais partout. À un moment, tu vois, je sens des pics de bec et tout ça. Parce qu'en plus les poules, dès qu'elles se sentent attaquées, elles deviennent ouf. Hein. C'est ça, elles piquent. Ouais, quoi, en fait. Ça doit être ça. Et du coup, je comprenais pas, ça me piquait partout. Après, j'entends le bruit là, bizarre. Et après, je flippais, je voyais rien. Ah, vas-y, arrête. j'enlève le bandeau, je vois plein de poules en train de me piquer, tout. J'avais trop mal. Et après, depuis, c'est ça qui m'a fait. Mais tu manges des œufs ou pas? Ah oui, ça y a pas de soucis. Oh oui, ça y a pas de problème. Y a pas de problème. Ça peut Non, mais à la limite, manger les œufs, c'est une chose. Manger le poulet, c'est une vengeance à la limite. Tu vois, tu dis genre à foutre. Mais l'œuf, tu manges. Ah ouais, l'œuf, je mange. Y a pas de problème. Oh, attention. Je tiens à arrêter immédiatement toute l'émission. Quentin qui vient de faire une vanne sur Facebook. Hein, tu as la chair de poule quand tu vois des poules. Blague de merde. Oui. Oula. C'était peut-être pas la peine de le préciser, Quentin, de le mettre entre parenthèses. Oh, on l'avait bien remarqué. Hein. Même Toff, il l'aurait pas fait. C'est pour vous dire. Non, j'ai pas osé. Bon, et depuis, du coup, forcément, bah plus de poules, plus de poulailler, rien quoi. Ah non, laisse tomber, là, dès que je vois une poule, je trace, là. D'accord. Il n'y a pas moyen. Non, non, mais écoute, pourquoi pas, Guillaume, hein. Moi, j'ai longtemps flippé des poules, hein, parce que ma grand-mère, en fait, elle avait un poulailler, genre, où elle élevait des poules, et... Oui, c'est un peu le... Oui, le c'est principe. Si voilà. Il y a un poulailler où elle met des pigeons, je veux, c'est con. Ou des éléphants, c'est bizarre. Ouais, c'est, mais surtout qu'il n'y avait pas la place tellement ouais. Il était. Bah, c'est ça, ouais. Et en fait, elle les tuait elle-même pour qu'on les bouffe, quoi. Bah oui, oui, elle coupait la gorge. Et donc, quand j'étais gamin, j'étais chez elle, et un jour, bon, bah, elle tue la poule pour qu'on la bouffe. Ouais. Et donc, une poule. Si elle continue à courir. Exactement. Je sais, alors. Ma grand-mère faisait pareil. Et donc tu vois le jus du. Enfin, tu vois le sang qui. Le jus. Oui, miam, je veux boire. Non, mais tu sais, tu vois le sang qui sort par, je sais pas, l'artère, quoi. Donc ouais. Ça fait. Et la poule, elle court comme ça, c'était horrible. Elle court, mais elle voit pas où elle va, évidemment. Ça, c'est le problème, ouais, évidemment. Donc elle se tape les murs, elle se tape les trucs et tout, c'était horrible. Ouais, bah. Et après, t'as du sang partout dans le jardin, enfin, c'était. Le traumatisme du début de Toff. Non, mais oui. Non, mais après, je peux concevoir. J'avais 5-6 ans. Ah, mais quelle horreur. Non, je peux concevoir, je peux concevoir. C'est ça. Bon, mais merci, Guillaume. Je peux passer une dédicace. Allez, vas-y, à une seule personne, tu connais le principe. Une seule personne, vas-y, je connais Germaine Lapoule. C'est bien, vas-y. Et alors, je passe une dédicace parce que, comme je vous écoute souvent, là j'ai écouté, j'ai entendu un gars que je connais, Alex, qui est passé il y a pas longtemps. Ouais. Et ben, un gros big up à lui. Et je le remercie de sa dédicace, franchement il a assuré. Ah, mais là, il repasse des dédicaces dans les deux sens maintenant. Qui se re. Ouais, le tweet est un. Il me l'a envoyé, je le renvoie, franchement, je lui dis merci. Il follow. Ouais, non, sur Twitter il y a les RT, le retweet, et là vous faites les RD, les redédicaces. Voilà, non, c'est un peu le principe. Bon, bah très bien, mec, Guillaume, merci à toi d'être passé, tu reviens quand tu veux, d'accord? De rien. Oh, je peux vous demander un petit truc? Eh ben vas-y. Pour la compile, y en a encore ou pas? Je vais voir avec Sandro s'il reste des compiles, Guillaume, là t'arrives un peu à la bourre là. Attends, on va fouiller, je vais quand même me renseigner parce que je sais qu'elle a un peu la flemme de prendre les coordonnées, donc je vais quand même bien me renseigner, on sait jamais. Bon. Si elle peut assurer, ce serait bien. Écoute, tu vas voir ça avec Sandro au standard, Guillaume, ça marche? Ok, ça marche. Et bon. Aussi gros big up à Bruno que j'écoutais tous les matins, vivement qu'il revienne, surtout avec le défi d'Eliott. Eh ben ça fait une semaine, hein, Guillaume, il faut te mettre au taquet maintenant. Non, c'est surtout ça. Ouais, réveille-toi, Guillaume. Bon, ben merci à toi d'être passé en tout cas. Ben merci à vous, franchement, de m'avoir fait passer. Avec plaisir, Guillaume. Tu reviens quand tu veux, y a pas de problème. Salut à toi, à bientôt. Merci, c'est gentil. Salut. Ciao. Bye, Guillaume. Bon, et Corentin là pour le défi là. Alors Corentin. Ouais. Corentin qui était chaud là pour aller réveiller les parents à base de casseroles de cuisine. Ouais, je suis chaud là. Bon, est-ce que t'es prêt là? Hein? Est-ce que t'es prêt là? Ouais. Bon, alors. Alors attention. J'attends, tu démarres, tu me dis quand t'es prêt, t'es où là dans la maison par rapport à tes parents? Là je vais dans la cuisine, là, je suis dans ma chambre. Ok, très bien, parfait. Et les parents sont dans leur chambre, c'est ça? Voilà, bon, je le serai avec mon petit frère. Ah, ouais, mais ils sont dans leur chambre là, les parents là, non? Hein? Ils sont dans leur chambre là, non? Ouais. D'accord, parfait. Et il est où le petit frère? Et il est derrière là, non? Là, il est avec moi là. Ah ok, ouais. Il est chaud là? Ouais, je suis avec lui. C'est parfait. Bon, et comment il s'appelle le petit frère, Corentin? Hein? Comment il s'appelle ton petit frère? Gabriel. Gabriel, parfait, très bien. Bon, allez, on y va? Allez. 3, 4, quoi t'attends là? Ah, attends, je vois la cuisine. Vas-y. Quels enfants, les enfoirés. C'est bon ça. Quelle bande de ça. Attends. Et la casserole, elle est où? La casserole? Ouais. Non, je crois, je cherche. Mais tu cherches, tu connais pas la cuisine ou quoi? Non mais parce que... Mais prends une poêle ou on s'en fout, même des assiettes, hein, tu tapes avec une cuillère dessus, ça marche aussi bien. En bois. Ouais. Vas-y, attends, Gabriel, vas-y, prends une cuillère. Vas-y, prends une cuillère. Vas-y. Vas-y. Et puis après, tu tapes sur la tête de Gabriel avec la... Ok, attention, il me fait chier en plus. Vas-y. Vous avez tout, là. Voilà, là. Sa gueule. Vas-y, go. Oh, elle est ouf. Non. Oh, non. Ils sont réveillés là? Ouais. On a pas eu la casserole, je suis déçu. Ouais. On a juste entendu ton frère et lui il a tout donné, ton frère. Toi t'as rien foutu, hein, mec, à Corentin. Ah ok. On l'a entendu. Ils en remettent. Je pense que le baron il a pas kiffé. Ouais, je pense que le père il a pas kiffé du tout le délire là. Quoi? Voilà, vous étiez en direct avec Corentin de Montauban et le petit frère, hein. Gabriel. Ah, ouais. C'est bon, on les a réveillés. Ah oui, là, je pense que là, c'est fait, ouais. Vu comment t'as gueulé, effectivement, je confirme, ouais. T'es capable d'aller filer le téléphone, hein, t'es darons. Ouais, tu peux nous passer un de ton père ou ta mère, là? Hein? Tu peux nous passer ton père ou ta mère, là? Nous passer? Ouais, le passer au téléphone, lui passer le téléphone. Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Ah, oh, le mec, il a peur de rien. Ah, il s'en fout, lui. Allô? Allô? Elle veut pas. Oh non, oh. Déception totale. On aurait bien voulu avoir le père ou la mère au téléphone. Dommage. Ah, dommage. Bon bah très bien. Hey, si vous voulez faire pareil demain, n'hésitez pas. Hein. Si vous êtes des fous dans votre tête aussi là, n'hésitez pas. Demain, on sera là de 23h à 2h. Exactement. Bon bah nickel, Corentin là, c'est bien. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Au moins t'as tenu parole. T'as vu si vous étiez top tweet machin sur Twitter machin. Toi t'as tenu parole, pas comme les autres qui sont passés dernièrement. Ouais, oui, ils ont pas tenu parole. Ah, apparemment à Montauban on tient parole. Ouais. C'est vrai. Bon bah merci Corentin, en tout cas tu vas rester là, on va aussi te filer un petit truc Corentin et à ton frère, d'accord? Hey, t'as tapé sur la tête à Gabriel ou pas? Non, c'est pas fait parce que là. Comment t'expliquer que ça va déjà être la gueule, ça va déjà gueuler, donc à mon avis ça va être compliqué. Ouais. Bon bah merci Corentin en tout cas d'être passé là. Je peux pas, j'ai gagné un parfait, non? Ouais, t'inquiète, tu vas gérer ça avec Sandro standard. Ok. Allez, ciao à toi, à bientôt Corentin, ciao. Allez, bye. Bon, bah voilà, tiens, l'affaire, elle est pliée. Ah ouais, vite fait aussi, là, on va devoir reprendre Orlando et Tonton demain, là, mais on doit appeler le gagnant, là, maintenant. Allez, c'est parti. Le gagnant pour l'iPod Nano, là, qui était à gagner sur le Facebook de Fun, attention. Si celui qu'on appelle maintenant décroche, c'est gagné. Allô, allô, bonjour. Allô. Comment tu t'appelles? Allô. Comment? Émilie. Salut Émilie, c'est Mickaël. T'es sur Fun Radio. Salut. Tu sais pourquoi je t'appelle? Ouais. Très bien, Émilie, tu as gagné l'iPod Nano. Oh, c'est génial. Classe. T'es dans quelle ville, dis-moi, Émilie? À Dax, dans les Landes. Très bien. Eh ben, écoute, pas de problème. Eh ben, bravo à toi, l'iPod Nano. Tu as vu, t'as fait un like, t'as été tiré au sort, facile. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, merci, c'est nickel. En toute simplicité. Ouais. Bon, eh ben écoute, pas de soucis. Eh, tu pourras même aller mettre sur le Facebook que t'as gagné parce qu'il y en a plein qui il y en a qui croient que je garde les iPods pour moi. J'en ai 17, tu sais, comme ça j'en ai pour chaque musique. Le mec il a pas compris en fait que c'était l'iPod, il pouvait mettre plein de musique. Non, c'est une musique par iPod. Ce qui n'aurait pas été pratique. Ouais, effectivement. Okay. Bon bah écoute, je te fais des gros bisous en tout cas Émilie, tu restes au standard, on prend tes coordonnées, d'accord? Merci beaucoup, bonne soirée. Je t'en prie. Allez, salut à toi, ciao, bye. Bon bah très bien, et puis on va se retrouver demain nous à partir de 23h. C'est quoi cette voix qui est sortie là? Demain, ouais. Hein, demain à partir de 23h sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Merci. Ah bah de rien. C'est ça, l'autre, il faut rien, que je te dise. Enfin bon, allez, passez une bonne nuit, rencard demain à partir de 23h en direct sur Fun Radio. De 23h à 2h du matin, ce sera du lundi au jeudi. Puis n'oubliez pas, profitez bien également des derniers jours de vacances si jamais vous êtes encore en vacances maintenant. On sait jamais, rencard demain 23h. Merci à vous d'être passés également les auditeurs. Il y avait également Théo, il y avait Linda la cousine, il y avait également DJ No Name qui était là. Et puis bah Polo, Tof, Sandro et tout le monde. Rencard demain dès 23h. Salut tout le monde! Prenez le contrôle. Facebook, Mickaël officiel. Sur Fun Radio.